de la fun list sur Fun Radio. Pitbull, Jennifer Lopez, 20h pile. C'est l'heure tout de suite de retrouver l'équipe de Mickaël Nolimit. Allez, au revoir. Bonjour. Encore au revoir. Oh, c'est qu'est-ce qu'on est drôle. Vous, vous connaissez l'activité préférée de Pitbull pendant l'été? Je sais pas, j'ai peur, mais vas-y toujours. Pas cette heure-là. La pétanque, Pitbull de pétanque. Ok, génial. Allez, j'y vais, qu'on retrouvera demain. Bon courage à vous. Ou le bowling. Ou le bowling. Ça a vite passé. 4 heures. Non, 4 heures, ça passe vite. Hein, on va y aller là maintenant. Hein. Allez, au revoir, j'y vais. Hein. Allez, au revoir. Et on va suivre aussi Argentine-Suisse là dans quelques instants sur Fun Radio. C'est Mickaël Nolimit. C'est parti. Écoutez. Oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup. Vous avez raté ça. Bah moi, je voulais réagir parce qu'il m'arrivait aussi des choses un peu spéciales. Donc je sais pas si vous voulez que je vous raconte un petit... Non, on s'en branle. Ça va, Dimitri? Oui. Il va falloir qu'on ait ton papa au téléphone. Ah bah oui. Comment il s'appelle ton père? Thierry. Bon, passe-nous Thierry alors. Oui, bonjour. Dis donc, tu es en train de te foutre de notre gueule ou quoi, Dimitri, là? Non, c'est Thierry, là. Tu nous prends pour des tâches ou quoi? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, qu'il est mauvais. Mickaël Nolimit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Exactement, on est là. Bonsoir tout le monde. Et vous n'allez pas deviner, évidemment, comme par hasard, les prolongations du match. Et que se passe-t-il? Il coupe la télé à la fin. Ah bah oui. Ah bah résultat, on n'a plus la télé. Donc résultat, ça ne marche plus. On n'a plus les scores là, c'est pas grave. On va suivre quand même le truc. Bon, heureusement que j'ai pris l'application Bean. Hein. Bah oui, sinon on pourrait rien regarder. Ah bah on serait bien dans la merde, sinon je te le confirme. Ouais. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On va espérer que ça remarche dans quelques minutes. En tout cas, gros match entre la Suisse et l'Argentine pour l'instant. Ce sont les prolongations. Bah avant que ça coupe, juste avant qu'on démarre l'émission, c'était 0-0. J'espère que ça l'est encore. Enfin, on verra en tout cas. Hein. Bon, j'espère que ce sera pas aussi chaud entre la Belgique et les États-Unis tout à l'heure. Bah, c'est, ouais, non, ce serait bien que la Belgique elle gagne direct. Tu vois, direct, genre direct. Un petit 2-0. Ouais. Non, avant la mi-temps, je pense. Pronostique rien. Moi, avant la mi-temps, je vois un 4-0, moi. J'annonce tout de suite, je suis pour les États-Unis. Ouais, pauvre con, ouais. Je suis américain, mec. Mais arrête, t'es rien du tout. Ouais, c'est ça. N'importe quoi. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. On dirait de l'allemand quand tu penses. Ouais, c'est ça. Bon, après avoir supporté donc hier évidemment les bleus, et eh ben ce soir on supporte les diables rouges. Et j'espère que vous aussi évidemment face aux États-Unis. Il y a Mike Tyson qui a dit qu'ils allaient, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau, j'ai oublié. Leur botter le cul aux Belges. Eh ben on verra ça, on attend là. Nous on est prêts. Je suis avec Mike Tyson, moi. Sachant que Toff est en plus et à moitié belgo-algérien. Bah oui, oui. Hier après la défaite de l'Algérie, bon bah maintenant il faut supporter la Belgique évidemment. Évidemment. Je remercie tous ceux qui ont modifié ma page Wikipédia. Et donc tu serais né dans une poubelle. Voilà, puisque t'as fait dans une poubelle à Alger, il faut le savoir, c'est marqué sur sa page Wikipédia. Bon, en tout cas, on est là ce soir avec des maillots de foot qu'on vous offrira tout à l'heure. On aura aussi les tablettes, les Asus qu'on offre toute la semaine, les Mimopad 10. Je vous l'offrirai dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis bah si vous vous attendiez à entendre quelqu'un d'autre là maintenant à 20h, eh ben non, ils sont en vacances. Hein. Ah bon. Voilà, ils sont déjà partis en vacances. Et nous on est là jusqu'à la fin de la Coupe du Monde de 20h à minuit du dimanche au jeudi. Voilà, il y a également Mickaël qui est avec nous. Salut Mika. Salut. Ça va bien? Salut. Ça va très bien. Bon, très bien. Tu suis un peu le foot ou pas du tout, Mickaël? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bon, t'as suivi l'équipe de France hier et la victoire. Voilà, juste la France, c'est tout. Juste la France. Bon, tu peux suivre la Belgique aussi ce soir, là, les Diables qui jouent à 22h. On va suivre non, ça, évidemment. France. Oh, moi j'ai mis le maillot et tout, là, ça y est. Hein. Bah, maillot, là, le vrai supporter. Belgique, bon. Non, mais un des maillots qu'on offre, en l'occurrence, j'avais mis celui de l'équipe de France hier, j'ai mis celui de la Belgique ce soir. Jadis j'avais mis celui du Portugal que j'ai il y a bien longtemps que j'ai repassé, il est rangé hein, il est dans une autre compétition. Ouais, voilà, c'est ça, il est rangé, je le sortirai à l'occasion pour un autre moment, on verra bien quoi. Mais voilà, donc tous ces maillots qu'on vous offre ce soir avec Pro Direct Soccer, ce sera vers 22h. Bon, de quoi on va parler avec toi, Mickaël? Alors voilà, en fait, j'ai un petit problème avec ma copine. Ouais. C'est que il y a eu des morpions. Il y a eu ou il y a encore? Mais en fait, depuis quelque temps, on fait plus rien, quoi. Et ah en oui, fait, bah oui, tu m'étonnes, t'as eu peur. Voilà, c'est ça. C'est normal, voilà, en même temps. Le morpion, c'est que tu gagnes deux fois, hein, une fois étirage, une fois grattage. Ouais, merci, Toff. Voilà, ça se calmera comme ça, tiens. Bon, écoute. Bon, bah après... Oui. Non, bah bouge pas, on va en parler dans un instant. Bon appétit bien sûr à ceux qui sont en train de passer à table là. Ouais. Bon app, vous allez voir, ça va être cool. On va parler morpion dans un instant. Et si vous en avez déjà eu, ce qui n'est pas mon cas pour le coup, donc je ne sais pas du tout ce que ça fait, il paraît que ça fait mal. Mais Bah ça gratte hein. Il paraît que t'en chies. Ah bon? Bah oui. Je sais pas. Façon de parler. Mais c'est des poux, hein. Ouais, je sais, ouais. C'est les poux de la bite, quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est ça. Ouais. Mais il paraît que ça fait mal, donc je sais pas. Bon, on va voir. En tout cas, appelez-nous si jamais ça vous en avez déjà eu et surtout si vous avez des conseils. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Alors, la grande question de ce soir pour repartir avec la tablette. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. C'est ce qu'il voulait faire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Et vous envoyez ça au 64 900. Je tire au sort tout à l'heure avant 22h. Et on vous offre la tablette Asus. Donc la MemoPad 10, elle vaut 200€. Elle est superbe. Il y a un processeur d'un giga 1,6 GHz. Une batterie de ouf qui tient 9h30. Bon, ça dépend ce qu'on en fait aussi, évidemment, hein. C'est-à-dire que si on joue à un jeu vidéo qui demande beaucoup de mémoire, tout ça, ça pompe plus vite. Mais si vous faites une utilisation normale, vous tenez 9h, 9h30. Là, Asus, Memo, pas de 10, je vous l'offre. Donc il faut répondre à la question. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Vrai ou faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Vous n'envoyez que un ou deux, hein, pas la peine d'écrire votre vie. Un ou deux, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. Voilà, Sandro qui va nous faire une analyse du match entre la Suisse et l'Argentine. Ouais, pénalty non mérité, je dirais. Enfin, il n'y en a pas eu, donc Bah, oui, c'est pour ça, dommage. C'est pas mérité. Voilà, allez, il vaut mieux que tu dises corner non mérité. Là, il y en a beaucoup, donc ça peut passer. Ouais, ben c'est ce que je voulais dire. Ah bah voilà, corner, voilà, exactement. Et on demandera également l'avis d'Anthony de Charleroi, puisque je rappelle qu'on l'a eu hier, qu'il a dit qu'il allait pleurer si l'Algérie perdait, et qu'il allait pleurer si l'Algérie gagne, puisqu'il allait être ému. Donc là, ils ont perdu. Bon, on va l'appeler pour avoir des nouvelles, lui demander son avis sur Argentine-Suisse, et surtout le préparer, puisqu'il est de Charleroi en Belgique, mais pas supporter, du match de la Belgique face aux États-Unis. Ah, il faut savoir, il a dit qu'il irait klaxonner si la Belgique gagnait. Exactement, et l'Algérie aussi d'ailleurs. Mais bon, là en l'occurrence, il a pu économiser un petit peu son klaxon. Tof qui est toujours chaud pour faire de nouvelles rencontres. Hein. Tu veux que je te fais une tête au carré, ce bâtard. Exactement. Enculé de tarasse. Avec de nouveaux appels malveillants que nous ferons d'ici une petite vingtaine de minutes. Ah, avec plaisir. Et évidemment, avec un magnifique thème ce soir, là. Restez bien à l'écoute de Fun. Et puis on accueille également Maëlle qui est avec nous en Aquitaine. Salut Maëlle. Salut. Salut. Alors, salut, la question Maëlle. À deux balles. Maëlle, c'est un prénom. Des deux. Des deux sexes. Oui, aussi. Mais ça peut être un garçon ou une fille. Sachant qu'on ne peut pas être aidé sur la voix. Non. Je dirais. Fille. Garçon. Garçon. Transsexuel. Ouais, non, bah non, pas à son âge. Bon, eh ben Maëlle, bah, sois le bienvenu. Garçon, alors. Hein. Tu nous appelles pourquoi, toi? Tu veux devenir douche, Paris? Ouais. Ah bah ouais, je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué, comme vous avez pu le remarquer, ou qui ont moins de 15 ans. Voir les deux en même temps, ça marche aussi. Donc là en l'occurrence, ça fonctionne, Maël, bah je te passe Polo, hein, qui est le général des 12, je te le repasse. Effectivement, Maël, voilà. Salut. Moi, Polo, grand maître incontesté de la confrérie des 12 et général en chef des armées des 12. J'ai compris ta demande. Maël, tu as décidé, en ton âme et conscience, de devenir doux officiel, c'est ça? Va te faire enculer, ouais. Bah t'es mort, va te faire enculer. Maël, mets-toi à genoux. Ça y est. Maël, insulte-toi. Sac à merde. Je suis un gros PD, fils de pute. Maël, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ouais. Tape-toi la tête avec. C'est pas ta tête, ça. Oh eh, c'est pas ta tête, t'es en train de nous foutre de nous, là, mon gars. T'es en train de couper un arbre. Maël, tape-toi sur la tête. Genre. Mais c'est pas ta tête. Mais c'est pas ta tête, c'est un meuble, ça, là. Tu crois qu'on te voit non, pas? C'est ma tête. Est-ce non. que tu crois qu'on ne te voit pas? On te voit, Maël. Mais non, mais c'est ma tête. Eh, on a des drones un peu partout dans toute la France, et là, on te voit. Et on voit que tu nous mens. T'es en train de te foutre de nous. Tape-toi sur la tête. Tape-toi sur la tête, c'est pas le même bruit. Voilà, il est complètement décédé, là, Maël, hein, donc Maël. Là, ça y est, c'est fait, hein. Maël. Oui. La bonne nouvelle vient d'arriver, tu es doux officiel, bravo. Ouais, ouais. Et bien entendu, comme tous les doux, tu as droit à un surnom et tu seras le Doufin. Voilà, exactement, ouais. D'accord. Eh ben, bravo à toi, bienvenue dans la communauté. N'oublie pas de changer ton prénom, ton pseudo sur Facebook, Twitter et Instagram, bien entendu, afin de prévenir les autres auditeurs que tu es un doux officiel. Et surtout, tu as la lourde charge sur tes épaules de prévenir tous tes potes. Car oui, ça y est, il faut qu'ils écoutent tous les soirs l'émission. C'est sur Fun Radio que ça se passe pendant les vacances jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. C'est entre 20h et minuit. Et dès la saison prochaine, évidemment, on sera de retour entre 23h et 2h la semaine et entre 20h et minuit le dimanche soir. Je compte sur toi. Ouais. Est-ce que je peux compter sur toi? Ouais. T'es sûr? Je suis sûr. Ouais. Bon. Je suis sûr. Parfait, très bien. Alors c'est parfait. Merci Maël. Est-ce que je peux faire une dédicace? Eh ben deux même, puisque tu es doux officiel, vas-y. Bah je fais une dédicace à mon pote Tanguy et à mon frère. D'accord, eh ben, le message est passé, pas de problème. Ça roule. Bon, salut à toi Maël, le Dauphin. À bientôt le Dauphin. Ciao à toi, bye bye. Bon, et si vous pouvez me tenir au courant du match, parce que l'application Bein ne marche plus, la télé elle marche plus, il n'y a pas rien qui marche. Ah, c'est peut-être eux qui ont plus de signal. Bah, je sais pas. Donc, tenez-moi au courant si vous êtes en train de suivre le match ou si vous avez un site là qui donne les résultats en direct. N'hésitez pas, vous nous dites ça et puis via les SMS, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. On va également. Tiens, Mickaël, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ? Mika ? Oui ? T'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ? Non, bah Coldplay, on va te le mettre deux fois. Non mais moi j'aime bien, il y a le Coldplay qui arrive avec A Sky Full of Stars. Moi j'aime bien le nouveau Guetta. Ouais, et bah le nouveau Guetta il arrivera tout à l'heure aussi avec Lovers on the Sun. Une bombe. Ouais. Bravo. Il tape sa race là, écoute ça. Il tape sa race. Et avant 21h, je vous cale aussi Keza avec Hideaway. Bon ben restez sur Fun Radio hein, puisque vous êtes là, autant rester avec nous. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun. On va saluer également le Duc il est pas, qui dit salut Mickaël, je t'attendais toute la journée. Est-ce que c'est payant de t'appeler? C'est un numéro non surtaxé, ça déduit directement du forfait. Donc si vous appelez une minute, vous perdez une minute du forfait, mais c'est pas surtaxé et on vous rappelle direct derrière. Donc ne vous inquiétez pas, ça vous coûte que dalle. Et en plus si vous appelez d'un téléphone fixe, c'est gratuit, hein, 9 chances sur 10. Donc vous êtes tranquille, que ce soit pour la France ou la Belgique, ne vous inquiétez pas. Il est 20h11 sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. Bienvenue tout le monde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est reparti, plus de pub sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël, No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternel? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et c'est bien parti pour aller jusqu'au tir au but puisque c'est presque la mi-temps de l'extra time. Et on est toujours à 0-0 pour l'Argentine et la Suisse. Merde. On vous tient au courant. Évidemment, le Doumou qui envoie son message sur le Twitter avec le hashtag Mickaël 20h minuit sur Fun. Aujourd'hui j'ai maté 4 films d'horreur à la suite. Pas mal hein, avec un pote, j'ai flippé pour ça. Bah oui, sans déconner. Mr Steven, toujours 0-0, ça va être la mi-temps de la prolongation. Bah merci Mr Steven. J'ai trouvé un site hein, donc du coup on a toujours pas la télé. Et la douce Fada qui dit bienvenue au nouveau Doux. Et ben voilà, je vous rappelle que si vous voulez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Bah appelez-nous hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je rappelle également qu'il y a toujours la question pour repartir avec la tablette. C'est la Asus MemoPad 10 qu'on file. Pour ça, faut répondre à la question très compliquée comme d'habitude, vous nous connaissez. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait fait prêtre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Pour jouer, c'est facile. Vous envoyez simplement un pour vrai, deux pour faux. C'est juste le chiffre qu'il faut envoyer. Et si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort à 22h, vous repartirez avec cette magnifique tablette Asus MemoPad 10. Elle vaut 200€. Voilà, vous envoyez un ou deux au 64 900 par SMS ou au 6322 pour la Belgique. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait fait prêtre. Vrai ou faux? Je vous souhaite bonne chance. Allez, restez sur Fun Radio. Je l'ai promis tout à l'heure. Bon, on se le fait maintenant. Coldplay, Ice. Sky Full of Stars. Et juste après on récupérera Mickaël avec sa meuf qui a apparemment des morpions. Voilà. Bon bah si vous avez déjà eu des morpions, vous connaissez le numéro. Appelez-nous, il est 20h14 sur Fun Radio. Les appels malveillants eux aussi arrivent dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Play à l'instant sur Fun Radio, A Sky Full of Stars. Il est 20h18, bienvenue, il y a Keza qui arrive dans un instant avec Hideaway. Et si vous avez envie d'écouter un son, comme d'hab, vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900 par SMS ou alors avec le hashtag Mickaël 20h minuit sur Fun. C'est sur Twitter que ça se passe. Il y a Benjamin qui dit l'air posant de cette musique. Elle était cool, hein, celle de Coldplay, là, plutôt pas mal. Cédric qui dit un message de bienvenue à Paul de Saint-Etienne également, avec plaisir, Paul. Je veux que je te fais une tête au carré, ce bâtard. Voilà, exactement, et grand plaisir. Hein, suffit de demander, n'hésitez pas. Bon, on a toujours pas la télé, je compte sur vous pour me donner les résultats si jamais il y a quelque chose qui bouge. Hein, aux dernières nouvelles, c'était 0-0 pour Argentine-Suisse dans la deuxième mi-temps des prolongations. Donc voilà, toujours pas la télé, fin à couper. Je sais pas ce qui s'est passé encore. Je réessaye pour voir là. On n'a pas été sage, c'est pour ça. Bah écoute, je sais pas. Non, bin 2, ça marche. Et bin 1, ça marche pas. Voilà, donc c'est bien parce que comme ça au moins on rate le meilleur et ça c'est cool. Bon, 20h19 sur Fun Radio. Il y a toujours Mickaël avant de faire les appels malveillants. Mickaël est avec nous de Montpellier. Retour de Mickaël qui a donc une copine avec des morpions. C'est ça? Voilà. Bon. Très bien. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, en fait, elle est en internat. Ouais. Et c'est vrai que, bon, un soir, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est vrai que, bon, ben, il y avait... Bah, t'as couché avec elle, quoi. Pourquoi vous avez peur de dire les choses ? Depuis hier, j'ai l'impression qu'il y a plein d'auditeurs comme ça qui disent « Oui, mais tu sais, alors, on a fait un 1-1 et... » Bah oui, on a fait le truc. Eh, dites les choses, on n'est pas, pas d'église. Voilà. Donc qu'est-ce que t'as fait, dis-moi. Il l'a pêché, il l'a pêché. Toi, ça voulait être prêtre. Voilà. Il l'a pêché par la chair. Exactement, ouais. Non, bah vas-y, donc t'as couché avec elle et après. Voilà, et donc en fait, quelques temps après, je suis allé voir le médecin et j'avais des morsures. Ah ouais, et tu crois que c'est elle qui te les a filées? Voilà, et du coup, bon, mais moi, j'aime pas partager, en fait. Et encore moi, il y a des morsures. Et je sais pas comment comment lui dire sans la vexer. En fait, je suis tellement franc-parler que du coup, je pense que je pourrais la vexer. Mais ça se trouve, c'est toi, parce que... Attends, deux secondes. Est-ce qu'elle est rasée, ta copine? Non. Du tout? Non. Elle a la forêt vierge entre les jambes. Voilà. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais. Mmh. Bon, écoute, t'es pas obligé d'être violent. Hein. Tu peux simplement lui dire, écoute, j'étais chez le médecin, j'ai des morpions, donc vérifie quand même que t'en es pas toi. C'est genre, t'es pas obligé de lui dire cache que ça vient d'elle. Tu dis simplement, voilà, moi j'en ai, je sais pas d'où ça vient, donc va vérifier quand même que t'en es pas toi au cas où. Fais-lui un shampoing, fais-lui un petit shampoing. Ouais, sois gentleman, pas la peine d'arriver en disant t'as des morpions, tu m'en as refilé, etc. etc. Ah, si, sinon il y a le gentleman. Tu lui mets un petit coup de peigne. Un coup de peigne? Non, ça ira, je pense que c'est pas forcément la meilleure idée. Tu dis attends, je vais te peigner les poils et puis tu vois s'il y a des petites bêtes qui restent dans le peigne. Bah, bon appétit encore une fois si vous êtes en train de manger là, tranquille. Hein. Ouais, si vous mangez un petit truc un peu bizarre, ben. Désolé. Non, mais c'est rien, écoute, après il en faut, hein, bah, c'est pas un problème. Qui a déjà eu des morpions? Moi j'en ai jamais eu. Hein, et jamais? Jamais? Vous êtes sûr, hein, vous êtes pas en train de me la faire à l'envers? Non, parce que. Ouais, c'est bien que je te le raconterai. Oui, on sait jamais, justement. Non, mais il faut vraiment avoir très peu d'hygiène ou. Parce que c'est quand même un truc qui s'attrape dans la salle. Bah, la preuve que non, on regarde avec Mickaël, lui il a couché avec une meuf qui avait des morpions et du coup il les a chopés. Ouais, moi j'aime pas trop les filles avec des poils, quoi. Ouais c'est ça, ouais, moi non plus. Mais le truc, c'est qu'il paraît, enfin moi j'ai lu que tu pouvais choper ça, genre tu dors dans un lit d'un mec ou d'une meuf qui est un peu crade. Ouais. Et ah, il y en a partout, ouais. Et ça peut passer de l'un à l'autre, quoi. Tu vois, genre si tu dors à poil ou des trucs comme bah ça. Bah oui. Moralité, mieux vaut se raser. Ah ouais, grave. Mais c'est pour ça, moi je coupe. Du coup, en fait, j'en ai parlé. Ça vous a choqué que je me. Non. Je me coiffe les poils. Du coup, quoi, Mickaël? Ouais, du coup je disais, j'en ai parlé à des proches en fait, et puis ils m'ont dit que pareil, que ça peut venir d'un lit qui crade et tout, et en fait elle est en internat. Ah ouais, c'est ça, si tu vois, s'il y a des meufs un peu crado, tu sais, qui s'asseyent sur son lit ou des trucs comme ça. C'est possible. Ça peut venir de là, donc du coup tu vois, c'est pas sa faute. Ça, t'étais prêt à l'agresser là, alors qu'en fait il est pour rien, la pauvre. Ouais, mais bon, en même temps, ça fait deux fois, quoi, donc à mon avis, ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que tu vois, enfin, si elle en a, ça lui doit lui gratter la chatte, un truc de ouf, quoi. Oui, mais c'est vrai, mais bon, en même temps, voilà, il suffit simplement de. Suffit simplement que tu lui dis le truc, et puis elle va aller chez le pharmacien, il lui donne un traitement, et puis c'est plié, hein. Je sais pas comment on lutte contre les morpions. Un shampoing, tu fais un shampoing. C'est comme quoi, c'est comme les poux, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, je sais pas. Oui, à mon avis, ça doit être ça, puisque c'est la même base. Ouais. Bon, essaye de faire ça, Mickaël, et tiens-nous au courant, mais n'y va pas comme un bourrin, hein. Mais fais la chasse! Ouais, sinon on l'appelle pour lui dire, quoi. Ouais, super. Tu veux qu'on l'appelle pour lui dire? Bah ouais. Non, quand même pas non plus, mais... mais à ce moment-là, faut que tu sois gentleman, n'y va pas comme un bourrin. D'accord, bon, bah, je m'y prendrai bien, puis je vous tiendrai au courant. Bon, ou alors on le fait maintenant? Ouais, tu vois, on l'appelle, on lui dit les choses, tu vois. Simplement comme ça, on sera là pour encadrer. Non, pas maintenant. Ok, bah comme voilà, tu veux. Il y a pas de problème. Une dédicace, quand même. Bah vas-y, il y a une personne, choisis la bonne, vas-y. Ah, je peux pas en faire... Ah non, c'est la même règle pour tout le monde, hein, sauf si t'es doux, et là t'as malheureusement passé l'âge. Ouais. Donc, une seule personne, on t'écoute. Ah oui, il faut choisir la bonne, ouais, je sais, c'est quand même un truc d'enculé, hein, je sais. Je peux pas juste un... Non, c'est une seule, et il reste deux secondes. Alors, le morpion, là, tu vas arrêter de discuter, là. Allez, Mickaël. Mika. Oui. Une seule personne, vas-y. Anaïs. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux, Mickaël, bah c'est très bien. Bon, Mickaël, allez, je te souhaite une bonne soirée en tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok. Salut Mika, ciao à toi, tiens-nous au courant. Ciao. On se fera le jeu de la rupture dans quelques minutes également, là, tous ensemble, si vous voulez jouer avec nous. Il y a des casques à gagner ce soir sur Fun Radio. Des casques qui valent quand même 120 euros. Des Jabra qu'on va vous offrir avec la maison du GSM.com. Donc si vous voulez jouer avec nous, c'est très simple. Hein. Le concept du jeu de la rupture, c'est qu'on appelle des gens au hasard. Et puis vous devez simplement avoir une discussion de rupture. Voilà. Et si vous êtes celui qui tient le plus longtemps sans se faire accrocher au nez, vous repartiez tout simplement avec le casque. Et je vous souhaite bonne chance. 01 42 48 5000 pour nous appeler. Et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tiens, il y a déjà l'un d'entre vous qui a déjà été piqué par des insectes. Ouais, plein de fois. Insectes ou abeilles ou guêpes en l'occurrence. Ah, moi, une fois. Mais bon, après, moi, je suis spécialiste du moustique. C'est-à-dire que les moustiques, dès qu'ils viennent sucer quelqu'un, c'est moi. Ouais, c'est dommage. Pardon. Et donc, moi, c'est la guêpe. Une fois, j'ai dans la cuisse. Ouais. Il y a une guêpe qui m'a piqué, mec. Je crois que j'ai sauté. Mais c'était violent. Parce qu'en fait, tu le vois pas le truc. Ouais, moi, ça m'était arrivé. J'étais au but, je jouais au foot quand j'étais petit. Et j'étais concentré sur le ballon. Puis, au moment où je me lève, t'as une connasse de guêpe qui me pique juste au niveau du cœur. Et en fait, j'ai senti comme si j'avais comme si on m'avait tiré dessus, quoi. Tu vois, ça a eu un coup d'électricité et je suis tombé, mais on avait l'impression qu'on m'avait tiré dessus à la mitraillette. J'étais au bord de la mort. Enfin bref, une guêpe, quoi. Ouais, mais moi, c'est les moustiques. Chaque fois que je me fais piquer, j'ai des plaques, ah oui, des trucs. Ah ouais, c'est vrai. La dernière fois, j'avais quasiment tout le mollet qui était gonflé, oui, qui était rouge. C'était un truc de dingue. Ah, j'ai passé longtemps à me foutre de sa gueule. C'est clair, c'est clair. Bon, dites-nous si vous avez déjà été piqué, parce que je suis tombé sur un petit article sympa. C'est des chercheurs qui ont fait un tableau des zones où ça fait le plus mal d'être piqué. Donc, on va vérifier si c'est pareil chez vous. Alors, apparemment, se faire piquer sur le crâne, la violence, c'est que 2,3 sur 10. Ouais, le crâne, ça fait donc pas trop ça mal. Va. L'orteil 2,3. Bon, je m'attendais à pire, l'orteil. Ah ouais, l'orteil, ouais. Ah ouais, l'orteil, parce que quand t'as une piqûre de moustique sur l'orteil, je peux dire c'est relou. Ça fait pas mal, mais c'est quand même bien chiant. Le haut du bras 2,3 aussi. Les fesses 3,7 sur 10 là, ouais, au niveau de la douleur. Ouais. Le mollet c'est aussi 3,7. Le bas du dos c'est 4. La cuisse, le poignet c'est 4,7 et la plante du pied c'est 5. Et c'est que l'avant-bras et l'arrière du genou, ça fait 5 seulement. Donc ça fait à moitié mal. Ouais, ça fait. Ah, c'est pas mal. À moitié mal, c'est bien. Ça commence à être hardcore quand même. Ça commence, ouais. Donc, venez nous dire si vous avez déjà été piqué par des insectes et où est-ce que ça fait mal aussi. Vous nous dites. Vous envoyez vos messages maintenant. Vous envoyez Mickaël et votre message au 64 900. Ou alors vous nous appelez directement au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Ça, c'est depuis la Belgique. N'hésitez pas. Il y a Jordan de Bayeux qui dit c'est possible d'écouter Claude François avec Alexandra. T'es sérieux ou pas là? Enfin, dans l'absolu, oui, je pense que je peux éventuellement accéder à ta demande et malheureusement, ah si, je l'ai. C'est du son dancefloor. Hein. Voilà. Allez. Je suis dans tes bras. J'espère Jordan qu'on a réussi à te faire plaisir quand même. Hein. Alexandra. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des auditeurs de Fun qui demandent un jour Claude François. Ouais, c'est hier, c'est avec tout ce que t'as mis hier. Ah oui, peut-être, ouais, c'est vrai. Mais c'était pour Anthony, c'était pas pareil. Bon, il y a Aria aussi. Ouais, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais il ne faut pas s'en prendre à elle. C'est pas de sa faute et ça veut pas dire qu'elle est sale. Elle a dû le choper ailleurs hein, par rapport au morpion. Et bah justement, il y a Jean-Guy qui est avec nous. Salut Jean-Guy. Salut Mickaël. Salut. Ça va Jean-Guy? Ouais, impeccable, nickel. Bon, moi je suis énervé sur la technique de Fun qui a nouveau coupé Bean, putain. Ouais. À chaque fois qu'il y a un suspense dans un match. Ils font des travaux, je sais pas ce qu'ils foutent et la télé marche plus, ils sont relous possible, c'est vrai de la merde. Ah ouais, grave. Jean-Guy, c'est ton vrai prénom? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux enlever le kit main libre ou le haut-parleur? Ah ouais, je vais retirer alors. Ah d'accord, parce qu'on t'entend relativement mal quand même. D'accord. Et 1-0 pour l'Argentine à 2 minutes. À 2 minutes du de la fin du temps supplémentaire là. Ah bah là ça va mieux, ouais. Voilà, ça va beaucoup mieux là, c'est Angel Di Maria le madrilène qui a mis un but là, voilà. 1-0 pour l'Argentine. Bon, alors on vous tient au jeu évidemment. Jean-Guy, t'avais des conseils à donner toi par rapport à merde. C'est pas des conseils, c'est d'observer, ouais, c'est vraiment un coup de gueule parce que je vous explique parce que dernièrement, j'ai acheté un matelas parce que j'ai très mal au dos. Ouais. J'étais chercher un matelas dans un grand magasin. Et il s'avère que le matelas, quand je me suis couché, pendant 2-3 jours, ça me grattait le cul, le dos. Hein, mais un truc de fou. Ouais. Et il s'avère que le matelas était rempli de morpions. Ah putain. Ah merde. Ouais, putain, ouais, oh. Et comment tu fais pour t'en débarrasser? Comment j'ai fait? J'ai déchiré le matelas parce que ma femme en avait marre aussi. Tu m'étonnes. Je l'ai dépouillé et je l'ai ramené au magasin, carrément. Le mec m'a pris pour un con, le mec il me croyait pas. J'ai dit attendez monsieur, vous faites ma gueule ou quoi là? Ça me gratte, ça fait 2 jours que ça me gratte, j'ai le cul tout rouge. Il y a comme si tu en fleurs, et le dos et tout. Et le mec il me dit c'est pas possible. on travaille avec Cultex, la plus grande marque des matelas. Bah, je dis, mais non, regardez. Donc, je lui ai montré le matelas, et le mec, il a bien vu qu'il était rempli de Morbac. Putain, mais alors, à mon avis, ce que t'as dû avoir, c'est quelqu'un qui a dû essayer le matelas, c'est genre pour voir si t'es confort, il s'est assis dessus, et voilà. Il y avait un mec qui avait dû chier là-dedans, ou dans le matelas, ou je sais pas quoi, mais je sais pas. Putain. Ah, dégueulasse, franchement, mais pourtant, le matelas, il est emballé, hein. Le matelas, il est emballé. Ah, c'est bizarre, donc, c'est alors. Pour hein. vous dire, c'est pour vous dire, il y a une question d'hygiène, ça c'est sûr. Mais on peut trouver des morbacs partout. Ah, ouais, bah, méfiez-vous, hein. Et du coup, tu t'en es débarrassé comment? Ah bah, j'ai foutu dans la gueule, mec, j'ai balancé. Non, mais les morbacs, pas ouais, le matelas. Pas le les morbacs. On s'en fout du matelas. Ouais, pas le matelas. Attends, le matelas, il est retourné au magasin, hein. Ouais. Et les morbacs, il faut faire un bon shampoing, se laver, et voilà. Et ah ouais, d'accord. Un peu d'essence, une allumette, et on non, en mais non, mais non, mais non, mais non, pharmacie, voilà quoi. Bah, et merci, Jean-Guy. Le pire, ah, vas-y. Le pire, les mecs, c'est que moi, j'ai eu des articles, c'est qu'il y a des gens qui les mangent, les morbacs. Il y a des gens qui les mangent. Qui mangent les morpions? Vous pouvez rigoler, il y en a qui les mangent. Mais comment les ça, ils sont pas mangent. Sérieux, mais ils mangent, comment ça ils mangent? Je suis pas sérieux, mais bien sûr que si, allez voir sur le net. Jean-Guy, là. Non, on dit pas que toi, tu n'es pas sérieux, on dit que les gens sont pas sérieux. Alors, manger, c'est mort. Attends, parce que Toff, il va vouloir goûter, hein. Tu vois, faut que j'ai des morpions. Ouais, mais non, mais tu peux, ils peuvent goûter, là. Tout le monde peut goûter. Bah, quelqu'un nous emmène un sac. Ouais, voilà, ramenez un sac de morpions et Toff, il va manger. S'ils mangent ça comme des bonbons ou quoi, mais il y en a qui bouffent des morbats, c'est sur internet. Eh bah, écoute. Bon, on va se renseigner tout de suite, Jean-Guy, là. Ben, merci pour l'info, voilà, hein. Bah, écoutez, c'était sympa de passer en tête, hein. Je vous souhaite une bonne soirée, hein. Eh ben, pas de problème, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Salut à toi, hein. Salut, Guigui. Salut, ciao. Et la Suisse qui a failli mettre un but, c'était sur le poteau, là. Ça vient de passer sur le poteau, là. Donc, bah, voilà, le match est quasiment terminé dans une petite minute. Et ce sera l'Argentine qui ira en quart de finale. Et les Suisses vont devoir, malheureusement, rentrer chez eux, même s'ils ont quand même, chocolat. Putain, ils ont quand même bien joué, là. Bien joué. Oh, les pauvres. Mais sinon, il y a quand même des mecs qui se posent des questions existentielles sur Internet. Il y a un mec qui demande que donner à manger à mes morpions afin qu'ils deviennent aussi gros. Mais oui, normal. J'ai envie de dire. Mais oui. C'est une logique implacable. Bon, allez, 20h31 sur Fun Radio. Dans quelques secondes, on va se faire les appels malveillants avec des Américains qui viennent encore de faire une grosse étude, hein, au Texas. Ah. Les hommes préféreraient avoir des meufs abruties pour être sûr qu'elles ne soient pas plus intelligentes qu'elles. Enfin, qu'eux, plutôt. Donc, on va appeler des gens, enfin, Toff en l'occurrence, pour vérifier si c'est la même chose chez tes amis. Mais oui. Bon, eh ben, on fait ça dans quelques instants. Le temps d'écouter Kessa maintenant avec Hideaway. Et juste après, ben, on reviendra. Ce sera la fin du match et je vous donnerai le score final. À mon avis, ce sera 1-0. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. Kesa à l'instant sur Fun Radio avec Hideaway. Ça y est, les Suisses ont eu tout ce qu'ils pouvaient. Là, malheureusement, c'est raté. C'est les Argentins qui passent à pas grand chose, ouais. Mais ils passent. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, allez, on va espérer que la Belgique fasse mieux que la Suisse en l'occurrence. Mais hein. Oui. Face aux États-Unis, c'est à 22h que ça démarre. On aura des maillots à vous offrir tout à l'heure, mais on en reparlera. Et Nadia qui dit, moi je connais un ami qui a été à l'hôtel bas de gamme sur Paris et il y avait des bêtes dans le matelas. Oh my god. Putain, ouais, ça c'est. Mais t'imagines que j'ai jamais pensé à ça. Je pense que ça peut mettre une nouvelle parano au niveau des hôtels. Mais c'est à New York où il y a des puces, même dans les hôtels de surluxe, quoi. Ouais. Laisse tomber, putain. Ça m'angoisse. Aurélien qui dit diffuse que des bombes dance floor. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là, Aurélien. Et y a Tristan qui dit aussi, moi j'ai découvert chez moi que j'ai été piqué sur la tub. Ça c'est bizarre, Tristan. Il y a des trucs bizarres qui se passent chez toi, à mon avis, quand même. Hein. Et Samir qui dit, je me suis fait piquer par des araignées, des moustiques, des guêpes, tellement d'autres insectes également. Et Clément, hello Mickaël, moi perso, je suis pour la Belgique. Bonne soirée à toute l'équipe, j'adore votre émission. Bah c'est gentil, Clément. Nous aussi, ce soir, évidemment, on est pour la Belgique, normal. Et avant de parler des piqûres d'insectes, on va se faire les appels malveillants. On en parlait avant Kiesa avec Hideaway. Les Américains qui viennent donc encore de faire une grosse étude, hein, c'est au Texas. Les hommes préféreraient avoir des meufs complètement abruties pour être sûr qu'elles ne soient pas plus intelligentes que. Bah oui, ils ont raison, autant la prendre un peu bébête. Je sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas, on va appeler des nouveaux amis de Toff que vous nous envoyez comme tous les soirs sur son mail toph@funradio.fr. N'oubliez pas d'évidemment de donner le numéro de téléphone de la personne qu'on appelle. C'est totalement anonyme, on n'a pas besoin de connaître le nom, même votre nom, on n'a pas besoin de le savoir. On ne donne aucune info et on ne balance pas sur celui qui nous a donné le numéro de téléphone. Donc vous pouvez y aller. Si vous avez un ennemi ou un mec que vous trouvez drôle et qui s'énerve rapidement, ou une meuf, bah dites-le nous et on les appelle comme là maintenant. Allez, c'est parti. Premier appel de soir, il est 20h37 sur Fun Radio et on se mettra une heure sans pub juste après. Oui, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez choisi votre femme parce qu'elle est un peu abrutie. Non, mais... je vais vous découvrir et vous allez voir si ma femme est abrutie. Vous allez voir un petit peu. Je vais vous trouver, vous. Oui, bah si vous voulez, je peux vous donner l'adresse, monsieur, ce sera plus simple. Attendez, je vais prendre un stylo, vous allez donner votre nom et tout. Bien sûr, monsieur, avec plaisir. Non, mais pourquoi? Mais qui vous êtes, vous? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Toff? Voilà. Vous êtes un espèce d'illuberlu. Bon, allez, maintenant, ça suffit, maintenant. Hein. D'accord, monsieur, mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Non, je réponds pas à vos conneries. Bah. Mais n'importe comment, je chercherai à vous trouver, hein. N'ayez aucune crainte. Mais je n'ai pas de crainte, monsieur. En fait, je voulais juste savoir si c'était le cas ou pas, c'est tout. Non, mais... continuez à dire vos conneries, je vais vous trouver. Allez, salut. Mais non, monsieur, vous avez pas répondu à ma question. Allô? Non, merde, il veut pas répondre à ma question. On le rappelle, attends. Bouge pas. L'hurluberlu. L'hurluberlu. Nouvelle insulte, hein, l'hurluberlu. J'aime beaucoup. Oui. Mais vous voulez... Pas que je vous donne l'adresse, monsieur, ce sera plus simple pour me retrouver. Oui, non, mais ben alors donnez-la l'adresse et puis on va voir si vous allez bien chanter après. Ah non, je chante très mal par contre, monsieur. Oui, vous en faites pas. Bref, je vais vous faire chanter, moi. Vous en faites pas. D'accord. Alors moi, je m'appelle Toff. Oui, Toff. Et je suis 20 rue Bayard. Hein, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Oui. Et c'est à Paris. Et à Paris. Voilà. Eh ben moi, vous voyez, je suis en Corse, moi. Hein. Oui. Et puis, vous en faites pas, on va s'occuper de votre cas. D'accord, monsieur, mais ça répond pas à ma question, tout ça. Oui, non, mais je vais vous dire, je vais m'occuper de votre cas, vous allez voir un petit peu. Bien sûr. Mais vous voulez pas répondre à ma question, plutôt? Arrêtez de m'emmerder, hein, parce que tout à l'heure, ça je vais appeler les flics, moi, vous allez voir, ça va être vite fait. Hein. Mais oui, mais si vous répondiez à la question... Allez, salut. Mais non, monsieur, vous n'avez pas répondu. Ne m'appelez plus, hein. Ben oui, mais répondez à la question alors, monsieur. Allez vous faire voir. Mais pourquoi, monsieur, c'est pas gentil? Ah bah non, mais il veut pas. Pour une fois, on tombe sur un Corse qui veut pas te plastiquer le fion. Oui, c'est bref, ici, il veut quand même me trouver, ouais, il va s'occuper enfin, de mon cas. Il t'a quand même juste traité d'hurluberlu. Ouais. Oui, mais j'ai beaucoup aimé hurluberlu. Oui, hurluberlu, on retiendra cette expression. Ah oui, c'est mignon. Hurluberlu, voilà. Oui. Bon, bah 20h40 sur Fun Radio. On va se faire le tout à l'heure le jeu de la rupture également. Et puis on va également vous répéter la petite question pour repartir avec la tablette que je vous offre ce soir et comme tous les soirs d'ailleurs. Tirage au sort avant 22h. La tablette, c'est une Asus MemoPad 10, ça vaut 200€. Je vous l'offre ce soir si vous avez la réponse à la question. Donc, si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez 1 si c'est vrai, vous envoyez 2 si c'est faux, vous envoyez ça au 64 900, juste 1 ou 2 hein, en chiffres. Vous embêtez pas à mettre plein de trucs derrière, ça ne sert à rien. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 64 900 et puis pour la Belgique au 63 22, la tablette sera peut-être pour vous. Donc Tom Cruise aurait été prêtre s'il n'avait pas été acteur. 1 pour vrai, 2 pour faux. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Allez, on va prendre Louis qui est avec nous maintenant là. Salut Louis. Salut. Oh, t'es un doux toi? Ouais. Ah ouais, toi t'es un doux. T'as déjà été doux officiel ou pas? Non, justement, je viens pour ça et pour les piqueurs de moustiques aussi. Bon, parlons d'abord des piqueurs de moustiques. Enfin, de guêpes à la base, hein. Tu t'es déjà fait piquer par une guêpe? Ouais, à la main. À la main. Alors attention, la main, parce qu'on était tombé sur un petit article qui donnait sur 10 le degré de douleur. Alors la main, t'as eu bien mal ou pas? Ouais, pendant 2 jours. Ouais, sur le dos de la main ou sur la paume de la main? Sur la paume de la main. C'est horrible. Ouais, eh ben c'est 6,7. Ah oui, je savais. Ouais, ça fait un peu mal quand même, hein. 6,7, c'est pas mal. Sinon, il y a le mamelon, 6,7. Mais oui, ça doit être horrible, ça, le mamelon. Si tu te fais piquer sur la joue également, c'est 7 sur 10. Oh. Il y a le scrotum, 7 sur 10. Mais comment tu te fais piquer sur les couilles? Je sais pas, écoute. Il y a la bite également, hein. 7,3 sur 10 si on se fait piquer sur la bite. Ah si, il y avait le mec, vous vous souvenez pas du mec qui avait fourré sa bite dans un nid de guêpe? Non, mais il est complètement con. Ah oui, oui, ouais, couché avec un nid de guêpe, c'est vrai. Le mec, il mettait sa bite dans le nid de guêpe parce que les piqûres, ça le faisait, ça l'excitait. Et en fait, il en a eu tellement qu'il était mort. Il est mort, bah oui, ouais. Évidemment, quand tu te fais piquer comme ça. Ouais. Bon, et toi, Louis, t'as eu d'autres des piqûres de guêpe? Non. Non, moi, j'ai eu aussi une fois où. Au mollet, j'avais une piqûre. Ça fait bien mal aussi le mollet. Hein. Même s'ils disent que c'est 3,7, mais je peux te dire que moi j'ai senti bien plus que 3,7 sur 10 de douleur. Mais moi j'avais marché dans un nid de guêpe, quoi, et quand t'as l'essaim qui te suit comme ça, qui se colle à toi, c'est. Ah tous les seins, là, toutes les guêpes. Ah ouais, c'est ça. Et c'était en quelle année je sais pas, je dois avoir. 69 Non, de 92, un truc comme ça, 93. Ah oui. Ouais, et en fait ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais avec il avait déjà 20 ans. Ouais. J'avais une grosse chemise et un jeans, et du coup en fait tous les dards sont restés dedans, et avec une pince à épiler je pouvais les enlever. Ta mère a été scandalisée les guêpes ou pas? Ouais, bah bien sûr, elle est allée les embrouiller et tout, hein, leur a fait ça, scandale, leur a dit ça se fait pas. Les guêpes se sont suicidées, hein. Elle m'a fait piquer sur la tête. Non. Non, parce qu'en fait, j'ai comme. Tu aurais pu expliquer cette gueule bizarre. Ouais. Non, j'étais pas tout seul, et il y avait un pote qui avait un journal, et en fait, dès qu'elle s'attaquait à ma tête, il les tapait avec le journal, donc du coup, je prenais des coups à chaque fois, c'était drôle. Ah oui, non, bah ça avait l'air. Attends, il y a Mathieu aussi qui est avec nous d'Orgeval. Salut Mathieu. Salut Mickaël. Comment tu vas? Bien et toi? Bah super, c'est tranquille, beau, ouais. Tranquillement. Bon alors Mathieu, toi, tu t'es déjà fait piquer par des guêpes aussi? Enfin, guêpes ou autre chose, hein, mais. Par des guêpes non, mais par des abeilles et un bourdon aussi. Même si on dit qu'il pique pas, bah, je peux te dire qu'il pique. Bah si, un bourdon ça pique, mais en fait c'est comme tous les animaux. Ouais, mais ça pique que si tu l'emmerdes. Ouais, mais sauf qu'il sait pas si tu l'emmerdes. Tu sais, quand t'es en train de marcher, il sait pas le bourdon, la guêpe, l'abeille, si tu veux l'écraser ou si tu veux lui chercher la misère. Tu lui passes à côté, elle se sent attaquée et elle attaque. Pique la gueule. Bah, voilà, c'est ça. C'est comme avec les chiens. Ouais, mais faut pas avoir peur, il mord pas. Ouais, non, c'est bah ça, si, ouais. Jusqu'au jour où il va mordre. Hein, et voilà, c'est arrivé c'est déjà. C'est comme les mecs, là j'ai vu, il y a deux mecs qui sont complètement abrutis. Ils ont un tigre comme chat domestique. Oh putain, j'adorerais. Ils ont un tigre, et les mecs ils sont là, le mec il est en train de bouffer, je sais pas quoi, et donc t'as le tigre qui vient comme ça se poser au-dessus de son épaule pour bouffer et tout, et il le pousse comme un chat. Ça c'est quoi. La classe. T'imagines, t'as ça, tu le caresses, il ronronne là. T'imagines, c'est la folie. Ah mais c'est ouf cette vidéo. Oh putain. Ah ouais, grave. Bon, et donc du coup toi c'était quoi? Alors moi c'est, en fait j'ai eu une ruche dans ma chambre, enfin à côté de ma chambre. Ouais. Et vu que c'était une espèce protégée, les pompiers n'ont pas pu intervenir. Ah ouais, ah, exact. C'est sympa ça. Ouais. Donc je suis rentré un jour de chez moi, et du lycée en fait. Je suis rentré chez moi, et dans ma chambre, il y avait sans déconner plus d'un millier d'abeilles. Oh putain, et du coup t'as fait quoi? Bah, du coup, non mais en fait c'était pendant l'été. Ma chambre c'était le grenier. Donc des Velux et tout. Et il y en avait plein sur le Velux, et la moitié était morte de chaleur en fait. Ouais. Donc on a aspiré la plupart des abeilles. D'accord. Donc ça c'est... T'as réussi à t'en sortir comme ça? Là j'ai pas eu de piqûre, mais en fait la ruche était toujours là. Donc il restait des abeilles. Et en fait je me suis fait piquer 3 fois en dormant. Oh putain, moi j'aurais pas dormi dedans. Jamais. Ouais, j'avais pas trop le choix. Ouais, mais tant pis, mais t'appelles... Tiens, j'en sais rien moi. Dois bien avoir des gens qui viennent filer un coup de main pour ça, non? Les pompiers ils pouvaient rien faire. On a appelé les mecs qui s'occupent des guêpes, les apiculteurs. Ouais. Ouais, bah pareil, il a dit qu'ils pouvaient rien faire parce que c'était espèce protégée. J'en ai rien à foutre, moi je fais qu'un chalumeau. Attends. La fumée là. Je mets de la fumée. Ouais, c'est ça. Et je balance le truc. Voilà, et tu brûles le truc. Attends, il y a un moment donné. Bah oui. Chacun chez soi. Les exactement. Guêpes chez les guêpes, c'est et l'humain ça. Chez l'humain. C'est comme les chats, les chats ne dorment pas dans le lit, ce n'est pas leur place. Exactement. Quand ils prennent place, surtout dans les combles, c'est chaud à enlever. Ah ouais, c'est clair, c'est une galère. Bon bah écoute, t'as eu mal, tu t'es fait piquer où? Alors je me suis fait piquer entre les doigts, ouais. Sur le sternum. Alors ça par contre, je sais pas si t'as un chiffre sur le sternum. Non, le sternum, non, le scrotum, ouais, mais le sternum, non. J'ai eu l'impression d'être poignardé. Tu m'étonnes, bah ouais, c'est clair. Ça va faire archi mal. Et l'autre? Mais en pleine nuit en dormant, ouais, c'est un truc de fou. Et sur la cuisse. Et sur la cuisse, ah bah la cuisse, ouais, ça fait bien mal. Et puis sinon, il y a la narine, c'est 9 sur 10 si on se fait piquer par une guêpe sur la narine. Ouais, mais si, ouais, ça c'est clair. En termes. Ouais. Bah, à mon avis, le sternum, ça fait plus mal que la narine. Mais bon. Bah écoute, je sais pas, c'est ce qui était fait en tout cas. Bah merci en tout cas, Mathieu, d'avoir appelé, hein. Bah pas de problème, ça m'a fait plaisir aussi. Avec de plaisir. Partager. Et bah tu reviens quand tu veux. Salut à toi, Mathieu. Salut, bon, soirée. Louis, reste avec nous. Tu voulais devenir d'où? Reste là, il y aura Greg aussi qui voulait réagir aux piqûres d'insectes. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu hein, pendant les vacances, en tout cas pendant la première partie de juillet. On s'en fait un tous les soirs, canular tous les soirs également, comme ça pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter pendant l'année, vous allez voir qu'on s'est bien marré, que vous avez raté pas mal de choses. Il y a le son de Gilo qui arrive dans un instant. Bolé. Ça va débarquer sur Fun Radio, vous restez bien là, il est 20h47. C'est Mickaël No Limit et je vous calme. Une heure sans pub après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est Fun Radio, allez, c'est reparti. Une heure sans pub, c'est parti. Nos limites. Mickaël. Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Et on va continuer à parler de piqûres d'insectes dans quelques minutes. Là, dites-nous, est-ce que ça fait le plus mal si vous avez déjà été piqué par des insectes? Il y a le Club Med qui dit salut la famille. Moi, mon point de vue, pique d'insectes, je suis un menu 5 services pour les moustiques et je me suis déjà fait piquer par une guêpe sur le pénis et au pied. Vive la douleur. Ah bah oui, la pénis, ah ouais, ça fait mal. Pénis, hein, ça fait... Ah bah 7,3 la douleur. Hein. Julien qui dit bonjour, un petit coup de pelle pour mon retard, un message de bienvenue avec Biard également. Je vous aime grave toute l'équipe, sauf l'autre trou du cul de tof, cette tête de chien, cette merde. Et voilà Julien, le merci pour tout cet amour Julien. Voilà le coup de pelle et le bienvenue également. Il est 20h52, toujours la tablette à gagner, Asus MemoPad 10 qu'on vous offre avant 10h. Si vous voulez la gagner, c'est simple. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pas très compliqué. Vous envoyez un ou deux, un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je tire au sort l'un d'entre vous qui aura la bonne réponse avant 22h et il repartira avec la tablette. Elle vaut 200€, elle déchire tout et en plus vous serez livré aux alentours du 15 juillet. C'est important, ça, on c'est le précise. Bah ouais, ouais. C'est plutôt intéressant, ouais. Donc voilà, si vous voulez les gagner, à vous de jouer. Envoyez un ou deux par SMS maintenant au 64 900. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Si vous avez la bonne réponse, eh ben la tablette sera peut-être pour vous. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu maintenant, puisque pendant les vacances, on se fait péter la crème de la crème, le top du top. Et Dieu sait qu'on en a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de chéri, je peux te faire cocu. Et ben là, c'est Asma justement qui est avec nous là. Salut Asma, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci vous. Bah écoute, bonsoir, ça va plutôt l'équipe. Pas mal. Bonsoir. L'équipe te salue bien sûr avec cette voix de merde qui est la, voix, qui est la voix de Tof bien entendu. Hein. Non mais c'est vrai, il y a un moment où il faut le dire. Non, canards me l'envient. Bon, Asma, chérie, je peux te faire cocu? Oui, c'est ça. Très bien. Alors ne fais pas comme la semaine dernière, hein, c'est pas le... Attends, c'est quoi ce qu'elle avait sorti? Le chérie, je t'ai dans le cocu. Ça c'était drôle. Ah ouais, oui, j'ai entendu ça. Ah bah voilà, donc c'est bien le chéri, je peux te faire cocu, non pas le chéri, je t'ai dans le cocu, bien entendu. Bon, alors, Asma, t'es avec ton mec depuis combien de temps? Un an à peu près. Ok, comment il s'appelle? Mohamed. D'accord, il fait quoi dans la vie? Il est chauffeur. Ah, chauffeur-livreur, enfin camion? Ah ouais, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ok, ok, parfait. Bon, t'es avec lui depuis un an, c'est parfait, vous habitez ensemble? Non, pas encore, on est fiancés, mais on va bientôt se marier. Oh, et tu c'est sais que trop choupinou. Ça va capoter juste après, hein. Est-ce que t'es au courant c'est de ça? C'est ça. D'accord, bah si t'es au courant, c'est alors tout va bien. Alors c'est parfait. Bon, alors on va jouer pour le casque Beats by Dre ou pour la GoPro, en fait tout simplement, tu verras bien. On y va donc, Asma, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il a un petit truc dont il a honte, c'est genre depuis qu'il est avec toi, est-ce qu'il a perdu un peu de cheveux? Est-ce qu'il a un peu de bide? Non, est-ce que, je sais pas. Il a pris du ventre. Ah, ventre à bière ou ventre à cause de la bouffe? À cause de la bouffe. Ouais, elle le nourrit trop. Bah oui, bah j'imagine bien. Ouais. C'est ça. Bon. C'est ça. Depuis qu'il est avec moi, il est heureux. Bah donc, oui, c'est ça. Mais il va plus, tu vois. Tu vas voir, il va vite descendre là tout de suite. Hein. Il va vite descendre. Il va dégraisser. Ah, je confirme. Bon, il alors. Il va devenir fou. Ah bah écoute, c'est le but en même temps, c'est le but. Bon, alors où est-ce qu'on est repu se rencontrer, Asma, dis-moi. À la maison de retraite où je travaille là récemment. Ouais. On va dire que vous êtes un collègue à moi, infirmier. Ah pardon, j'ai cru que t'allais dire c'est un petit vieux dont je m'occupe. Ouais, c'est ça. Non, non, non. Mais je vais pas payer. Non, j'ai mieux que le collègue infirmier. Je suis plutôt le fils d'un des locataires. Voilà, pourquoi c'est mieux pas, comme ça, c'est parce que comme ça, sinon on va travailler ensemble et tout. Alors que là, je suis juste passé, je t'ai vu, on sait plus, je t'ai proposé de coucher avec moi un soir. Et tu m'as dit, bah écoute, faut que je demande à mon mec et tout, ça se fait pas. En plus, il y a une chambre qui est disponible là. Voilà, c'est ça. Donc là, on est au top. Il y a un vieux qui vient de clamser. Oh non, bon. On va donc y aller, je crois que j'ai posé toutes les questions qu'il fallait, donc c'est parfait, on va donc y aller. Et donc, on est chez moi, bien entendu. Hein. Vous êtes, t'habites où, toi? À Miramas. Miramas, d'accord, ok. Donc, j'habite dans le coin. Il y a un endroit un peu connu dans le coin ou pas? Où je pourrais dire j'habite tout près de là-bas. Ouais, j'habite à côté, à Salon, à côté. À Salon? À Salon de Provence, ouais. D'accord, ok, très bien, parfait. Ok, bon, eh ben écoute, nickel, on y va, on l'appelle, donc t'es chez moi évidemment. Il y a des moments où je te parlerai probablement un peu mal, mais t'inquiète pas, c'est pour rire, c'est juste pour l'énerver. Oui, non, ça va, ça marche. Et donc, et donc voilà, bonne chance, hein, si tu es doué, bien évidemment, les cadeaux seront pour toi, je te les ai énoncés juste avant. Asma, on y va, c'est merci. Parti, bonne chance, on appelle Mohamed, j'espère qu'il va décrocher, et puis bah le chéri, je peux te faire cocu. On y va. Ah. Déjà ça sonne, c'est parfait. J'espère qu'il va répondre. À moi aussi. Allô? Parfait. Allô. Oui. Oui, ça va ou quoi? C'est qui? C'est qui? Bah sérieusement, c'est qui? Je sais pas, je m'appelle en numéro privé. Oh là là, ah, ça y est, putain. Parce que je sais pas, mon téléphone il s'est éteint, donc du coup je vais t'appeler avec un autre... Qu'est-ce que je voulais te dire? Tu sais, là j'étais avec des collègues de travail et tout, et... Des collègues? Et du coup... Ouais, mais attends, je vais te raconter. Et en fait, t'as un des fils des résidents, enfin, où je travaille. Franchement, il est trop mignon et tout, rien à dire, mais enfin, il m'a invité à manger chez lui. Et du coup, je suis allée. Je suis allée et tout, et la vérité, c'est une plaie et tout. Et tu sais comment... J'ai pas compris là, ce que tu es en train de me dire. En fait, je suis un gars. Bah, tu l'entends, en fait, le mec, il me demande de faire des choses avec lui. Oh, et tu vois, comme on a jamais rien fait, toi et moi, je voulais d'abord tester. Bah, coucher avec lui. Mais t'as compris ou pas? Vous dire ou quoi? Mais non, mais franchement, c'est juste, c'est bon, c'est vite fait, c'est juste pour savoir et tout, comme ça au moins pour le mariage, c'est commencé et tout, au moins je serai prête pour que... Comment tu sais comment on fait? Tu veux que je t'arrache la tête ou quoi? Mais non, mais... Il est d'accord ou pas? Bah, il dit qu'il m'arrache la tête. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est lui, en plus, franchement, la vérité ressemble à lui. Allez, passe-moi-le. Bon, tiens, je te le passe. Ah, il veut me parler? Tiens, Michel. Ah. Oui. Merci, merci. Mais prends-moi un petit truc à boire aussi, s'il te plaît. Ça marche. Voilà. Tu mets des glaçons et un petit citron, hein. Merci ma chérie, merci. Allô? Tu parles à qui là? Tu dis à qui merci ma chérie là? Bah à Asma, pourquoi? Mais tu veux que je t'encule ou quoi? Bah je comprends pas. Mais vous êtes qui? Je suis avec ma femme là. T'es sérieux là ou quoi? Ah c'est ta femme? Ah oui, c'est à dire qu'en fait non mais en fait je crois qu'on s'est mal compris. De quoi, c'est mal compris, mais t'as pété les plombs ou quoi là? Non, mais pas du tout. En fait, si vous voulez... Non, bah on est chez moi là, je suis à salon, mais le truc c'est que... Où, je suis à salon, pourquoi? Tu es à salon? Bah oui. Et tu es avec qui là? Bah comment ça avec qui? Bah tu l'as eu avec Asma, c'est quoi le problème? Non mais il s'est rien passé. Non mais alors je t'explique parce que tu vas rire. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, donc moi je suis le fils d'un résident là. Et donc je suis passé voir mon père. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai vu Asma parce qu'elle s'occupait, etc. Et donc du coup, bah nous, moi j'ai un petit peu discuté, on a parlé, etc. Donc je vais. Ma femme, tu la connais tout là. Non mais justement, mais je la connais de, bah elle est infirmière, elle s'occupe de mon père. Et donc je l'ai rencontré là, donc c'est-à-dire qu'en fait on a discuté, etc. Et puis après, bon moi je suis plutôt cash, tu vois ce que je veux dire. Hein, c'est-à-dire que moi j'arrive, tu vois, je la vois, tac. Donc du coup, moi je lui ai demandé, je lui ai dit écoute, voilà, tu veux venir boire un verre, etc. Bon elle m'a dit écoute, non, j'ai un peu insisté, puis elle m'a dit écoute, ouais. Et puis après j'ai demandé, voilà, je dis boire un verre chez moi, elle m'a dit écoute, non. Alors, je lui ai dit bah vas-y, j'ai insisté, donc du coup elle m'a dit écoute, ouais. Et donc on est rentré, on est monté, et puis là je lui ai demandé si éventuellement on pouvait coucher ensemble juste un soir, tu vois. Et puis elle m'a dit écoute non, puis je lui ai insisté, tu vois. Alors elle m'a dit écoute ouais, mais il faut que je demande à mon mec, et du coup on t'appelle. C'est quoi ton adresse? Non alors attends, mais justement attends, parce qu'il y a mon coca qui arrive là. Asma, tiens, bah merci beaucoup, merci Asma. Hey, Asma, vas-y. Asma, putain, je t'avais dit de mettre les glaçons. Ils sont où les glaçons là, putain? Mais ça va, c'est bon. Mais ça va quoi? Ça fait deux fois là, putain. Vas-y, c'est bon, je vais aller chercher moi-même là, putain. Alors il a dit quoi? Il a dit d'accord, mais pas plus deux fois là. Attends, eh ben va me chercher des glaçons là. Bon, va me chercher des glaçons. Bon, il a dit d'accord, mais juste un seul soir. Et donc, je lui ai dit que, enfin, je l'ai rassuré. Passe-moi. Je l'ai rassuré, je lui ai dit qu'on ferait ça tranquillement et tout, comme c'est la première fois. Moi, je nettoie, je fais le travail. Je fais le premier travail, voilà. Donc voilà. Ok. Très bien. Allô? Prends le téléphone. Allô? Non, elle est partie chercher à boire, mais enfin, elle mettre les glaçons parce que cette espèce de dinde là, je lui demande avec les glaçons, le rapport sans glaçons, mais elle est sérieuse là. Oui, c'est quoi, vas-y, passe-moi, c'est pas. Attends. Ma mère, je sais pas où tu es là. Bon, sinon c'est bon, donc j'ai parlé avec un homme. J'ai parlé avec elle. Tu serais un vrai homme là. Non mais j'ai parlé. Ce métier où tu habites. Non, mais j'ai parlé avec elle et je lui ai dit ce qu'on s'était dit, donc tout va bien. Je suis pas ton collègue. Elle est d'accord. Je sais pas si tu es costaud, si tu fais 2 mètres, si tu fais du free fight, si tu fais ce que tu veux. Je vais venir, je vais t'enculer ta mère. Non, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est que moi, au moins, j'ai pas de bide. T'as un peu chat ou quoi? T'as pété les plombs. Moi, j'ai pas un petit ventre qui ressort du. Moi, j'ai pas du ventre, hein. Moi, j'ai pas un peu de ventre. Asma, Asma, tiens, je te le repasse parce qu'il est en train de parler tout seul, il est agaçant là, tiens. Allô, mais ça va, c'est que pour là, là. Donc c'est bon, il a dit qu'il était d'accord. Il est d'accord, mais que pour un soir. Tu veux me marier avec un tapin ou quoi, là? Mais non. Ah, oh, tu crains, comment tu me parles? Oh, dis-lui que c'est rien. Eh, c'est que du cul. Eh, dis-lui que c'est rien, c'est que du cul. Du cul derrière, il commence à dire oui, c'est oui et tout. Eh, c'est rien. Eh, c'est pas grave, il a dit que c'était que du cul. Tant que c'est que du cul, c'est pas grave. Asma. Comme il est à Lyon, là, je viens d'y penser, il peut pas ramener quelques andouillettes? Je lui ai ramené sa mère, dis-lui, t'as vu sa mère? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord ou pas? Bon, alors t'es d'accord ou t'es pas d'accord, là? Et un peu de saucisson. Dis-lui qu'il me passe sa mère, qu'il me passe sa mère, qu'il la démonte, et après je suis d'accord. Mais tu comprends pas qu'il y a personne chez lui. Bon, il est lui et moi. Dis-lui qu'on n'a pas le temps, là, parce que là, on a des trucs à faire, on va pas y passer la soirée avec lui, hein. Bah on va essayer parce que surtout que demain on travaille tous les deux. Moi demain je travaille en plus à 6h du mat là. Bon écoute, arrête de parler à ce moment, tu te fatigues pour rien là, garde tes forces. 140-150 là. Allô? Tu commences à me péter les couilles là. Allô? Est-ce que je parle pas, est-ce que je parle bien au monsieur qui a un peu de vide? Vas-y, pas pour ma femme, reste ta mère, toi, vas-y, pas pour ma femme. Est-ce que je parle bien au monsieur qui a un peu de ventre? Allô? Ça raconte ma vie et tout en plus. Ah non, mais on a un peu parlé de toi, hein. Apparemment t'as un petit peu de ventre. Eh, c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as quel âge? Mais ta mère elle aime quand j'ai du ventre comme ça. Ah ouais? Bon bah tant mieux. T'es un homme, dis-moi. Ah ouais, bah t'inquiète pas. T'inquiète pas, elle va le voir que je suis un homme, hein. Sur ma mère. Eh, t'as vu, il rigole, c'est bon, hein. On est potes maintenant. Ah merde, attends, elle est partie aux toilettes. Eh, dis-moi, je peux te poser une question? C'est comme je vois que le feeling passe bien. Ah, sur ma mère, mais tu vois. Ma mère, t'as pas froid aux yeux, toi. Est-ce que... Pourquoi? Sur ma mère, tu non, bah parce que moi, je parle avec des gens, je parle comme ça avec des potes. Dis-moi, est-ce que tu penses que... Je suis pas quoi, mais sur ma mère, je vais venir, je vais t'arracher ta mère. Mais vas-y, mon pote, on parle pas comme ça entre frères. Mais frère de quoi? T'as pété les plombs, quoi. Eh, bro. C'est quoi ton prénom? Vas-y, tranquille. C'est quoi ton prénom? Hein, moi, je m'appelle Michel. Michel, déjà, c'est quoi ce nom de bâtard, Michel, déjà? Comment ça, ça n'a rien à voir? Ta mère, elle te déteste que t'as appelé Michel comme mais ça? Mais pas du tout, mais c'est parce que c'est le prénom de mon arrière-grand-père. En fait, il avait deux prénoms, c'est-à-dire qu'en fait, elle a pris le deuxième. Et comme en fait, il y a l'autre grand-père, parce que si tu veux, en fait, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-mère, en fait, avait une liaison avec un deuxième mec. Et donc, du coup, en fait, on a choisi le prénom du vrai arrière-grand-père. Oui, passe-moi ma femme. Attends, elle est aux toilettes. Toilette de quoi déjà? Mais sinon, elle va bien sûr. Mais les plombs, quoi, là. Mais bien sûr, elle a même fait le ménage tout à l'heure et tout. Elle est bien, hein. Franchement, tu seras content, hein. J'ai envie de faire demi-tour là. Mais dis-moi, mon pote, j'ai oublié de te demander tout à l'heure. Pas ton pote à compte de ta mère. Ouais, vas-y. Non mais bro, tranquille, entre nous, on est potes maintenant, on partage la même et tout là, même un soir, mais c'est pas grave. Dis-moi, est-ce que y a des trucs, dans les préliminaires qu'elle aime ou qu'elle aime pas? Tu sais ce que tu fais? Tu prends ta bite, tu te la mets dans ton cul, elle aime bien quand tu fais ça. Ah, elle aime bien? Tu prends un balai, tu le mets dans le cul. Bon, d'accord, ok, bah écoute, très bien, bah je note alors. Je note. Mais sinon, tu veux toujours parler à ma mère parce qu'elle passe garder le chien ce soir? À ta soeur, je veux niquer ta soeur. Ah non, mais j'ai pas de soeur. Ah, tu sais quoi, tu vas tirer à ma femme. Par contre, j'ai un frère. Ouais, mais j'ai vraiment niqué ton frère aussi. Ah, attends. Dans le cul à ton frère. Jean-Claude, tiens, je te passe, c'est un nouvel ami, vous êtes le futur mec d'Asma, là. Ah bon? Allô? Ça va, mon minou? Vous êtes combien, là? Vous êtes... Ah ben là... Où, ben là ta comme... mère, la pute, elle a fait un homme. Tu mens ou tu habites? Eh... Ben, mon on habite à Salon, mais pourquoi tu... Oh là là, calme-toi, minou! Non, je te sens tout tendu, qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je te fasse un petit massage? Oui, je suis là. Rien. Non, Asma, elle est pas là, c'est Jean-Claude. Allô? Oui, Jean-Claude, c'est moi. Allô? Minou? Allô? Oui, tu m'entends, minou? Allô, minou? Allô? Oui, minou, tu m'entends? C'est qui, là? Moi, c'est Jean-Claude. Ça va, mon minou? Nique ta mère, Jean-Claude, vas-y, va niquer ta mère un peu. Vas-y, vas-y, passe-moi ma femme. Mais non, parce que tu sais, moi, les femmes, c'est pas trop mon truc, mais toi, t'as l'air... Oui, je m'en bats les couilles, vas-y, vas-y, va, ah, va, oui. Va te branler, va. Tu veux va pas... sur YouPorn, va te branler, vas-y. Ah non, je regarde pas YouPorn, y a rien d'intéressant, là. Je m'en bats les couilles, vas-y, passe-moi ma femme, allez. Mais hey, c'est mon frère. Oui, tu veux pas... Allez, vous enculez, vous deux. Ah oui, j'adore. Ah oui, tu veux pas venir? Je vais vous enculer, moi, vous allez voir. Ah oui, oui, oui, oui, oui, bon, oui. Bon, Jean-Claude, occupe-toi du chien, moi, je vais ah bah oui, mais attends, il me propose des trucs. Il y a Asma qui est sorti des toilettes, là, ah tiens. Ah bah oui, mais bon, on était sur une bonne vibe. Asma, Mohamed. Oh, il voulait m'enculer. Momo. Oui. Eh, hey, je voulais juste te dire, je vais te donner une bonne nouvelle, mais je voudrais que tu t'excuses d'abord. Vas-y, donne-moi ma femme, Non, mais attends, je veux juste que... Est-ce que tu te rends compte de la chance que t'as? La chance, je vais t'enculer ta mère, c'est ça la chance que j'ai. Bon, Asma! Oui, ça fait rire en plus, ça fait rire! Bon, c'est Mickaël de Limite en direct sur Fun, c'est le chéri, je peux te faire cocu! Mais oui, c'est la radio! C'est la radio! Mais non, c'est la radio! C'est la radio! Mohamed! Mais oui, c'est la radio! T'es sur Fun Radio! Eh, je t'appelle parce que c'est le chéri, je peux te faire cocu! Donc le concept c'est d'appeler les mecs des meufs! Putain, mais je l'écoute tous les soirs! Ça, en plus! Je suis dans un camion, y a pas de poste! Bon, et ben voilà Mohamed. Bon, et tu sais quoi? Du coup, je vais pas offrir le cadeau. Je vais pas te l'offrir à toi, Asma. Je vais l'offrir à Mohamed là. Mohamed. C'est pas grave, c'est pareil. Ouais. Mohamed, tu veux quoi là? On a des casques Beats by Dre ou alors on a des caméras les GoPro affilées? Bah mettez-moi la caméra. Bon allez, la GoPro. Alors on va te filer ça. En plus, hey, t'as bien choisi. Ça vaut 450€, Mohamed. Oui. t'as plutôt bien choisi, c'est bien. Bon ben voilà, la GoPro, la Hero 3 Plus Black Edition, elle est pour toi Mohamed, bravo à toi. Et puis et ben Asma également, bravo aussi pour le théâtre. Gros bisous à vous deux en tout cas. Merci et puis à et, tous. Et bravo et félicitations pour le mariage, sois heureux. Merci beaucoup. Bon allez, si vous voulez faire un petit chéri, je peux te faire cocu, on met le couvert demain bien sûr. Hein. Vous nous appelez au 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Mathilde qui dit salut Mickaël, j'adore ton émission et ton équipe. Et toi, ne changez rien, cartonne ce soir. 1000 bisous de Mathilde. Bah, gros bisous, Mathilde. Demain, permis et vendredi, résultat du permis et du bac. Souhaitez-moi bonne chance. Ça va aller, t'inquiète. Mais oui, au pire, tu recommences. Bah oui, Loïc qui dit énorme, vous êtes les meilleurs. Jojo qui dit ta mère, elle aime quand j'ai du ventre. Lol. Mister Steven aussi, on kiffe vraiment bien, chéri. Je peux te faire cocu. Il y a Samir aussi, explosé de rire. Là, il est en train de bien se vénère. Surtout Mickaël qui le chauffe en insultant Asma. Pas mon style. Critique Man aussi, le canular, trop de la bombe. Amazing aussi, énorme, le chéri, je peux te faire cocu. C'était des bars. Virginie également, il est bien aussi, chéri, je peux te faire cocu là. Il y avait quoi, Nicolas aussi. Moi, je suis pas le foot, mais je supporte la Belgique ce soir. Ah bah, j'espère bien que vous supportez la Belgique. Puisque Polo, que Toff, je rappelle, est à moitié algérien-belge. Bah, je suis déçu que l'Algérie n'ait pas passé. Voilà, moi, je suis à moitié portugais-belge. Donc, voilà, comme j'ai plus le Portugal à soutenir, je supporte la Belgique. Et hier, on a tous soutenu la France. Donc, j'espère que vous allez faire pareil ce soir avec la Belgique. Bon, il est 21h10 sur Fun Radio. On va récupérer Yann, Louis, dans un instant Renaud aussi pour parler des piqûres d'insectes. On va se faire le jeu de la rupture évidemment et j'en profite pour vous rappeler encore une fois la petite question pour repartir avec la tablette Asus MemoPad 10. Ça vaut 200€. Vous répondez simplement à cette question là. Si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900, un pour vrai, deux pour faux, et vous envoyez un ou deux aussi au 63 22 si vous êtes en Belgique. Et je vous souhaite bonne chance. Allez, on est au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. On se fera un autre canular tout à l'heure, les appels malveillants dans moins de 20 minutes et le son de Jennifer Lopez sur Fun Radio. Gino et Pitbull qu'on écoute maintenant sur Fun Radio à 21h11, c'est Bully Bully Bully Bully. Et le son de Gino à l'instant, c'était Bully sur Fun. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my god! Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Et il est 21h14. Il y a J'aime J'aime qui envoie un message. C'est Ness qui dit j'ai déjà fait piquer par une guêpe au niveau du sourcil, ça fait super mal. Oh, et merde. Qui dit je kiffe les appels bienveillants de Toff. Ils sont pas des appels bienveillants, ils sont malveillants, Eric. Par une guêpe en dessous de l'orteil des pieds. Il y a Madison aussi. Je me suis fait piquer par une guêpe au coin intérieur de l'œil. Pas franchement agréable, bah ça c'est clair. Moi je me suis fait piquer par une guêpe à la cuisse quand j'étais au volant. Aïe aïe aïe. Mais non, c'est surtout un risque d'accident ça. Quand t'as une guêpe qui rentre dans la voiture, t'es tenté de faire des conneries. Hein. Jeune Françoise aussi, il a pêché par la chair. Bah oui, on ne pêche jamais par les arêtes. Et Tristan qui dit salut mon pote Tristan, pour avoir un message de bienvenue s'il vous plaît. Il me semble que je l'ai déjà mis le message de bienvenue, mais au doute. Tu veux que je te fasse une tête au carré, ce bâtard? Voilà, et Wesley aussi qui dit salut Mickaël, hier j'étais en retard, vous m'avez coupé la tête avec le pénis de Toff. Mais maintenant je suis là 20h minuit non-stop avec vous, sauf avec Toff évidemment. Eh ben merci Wesley d'être avec nous, c'est plutôt cool. 21h15, des appels malveillants dans moins d'un quart d'heure. Et puis on va récupérer Jean-Christophe avec nous maintenant de Montreux, 38 ans. Salut JC. Salut. Salut Mickaël. Comment vas-tu? Ah très bien, nickel. Bon bah tant mieux alors, tu nickel. T'es déjà fait piquer par des insectes et des guêpes en particulier? C'est plus le frelon moi. Ah, frelon, d'accord. Ouais, ah putain, frelon, ouais. c'est la version A380 de la guêpe. Tout à fait, le truc qui fait 5-6 cm de long. Ouais. Affreux. En fait, ça s'est passé il y a une petite vingtaine d'années, à peu près. Et surtout quand ça arrive, ça fait... ouais, c'est une espèce de bombardier. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Et en fait, bah, malencontreusement, je me suis assis sur le lit et en fait, il y avait un frelon qui était sous le drap, en fait, qui était bien planqué. Putain. Et je me suis assis dessus. Et l'impression que ça donne, c'est comme une aiguille hyper chaude qui te rentre dans le cul, enfin, c'est qu'elle veut dire, quoi. Oh, si c'est chaud, ça va, c'est agréable. Ah oui, c'est chaud, c'est très chaud. Mais alors, 10 minutes après, j'étais aux urgences, quoi. Ah ouais, carrément, pourquoi t'as eu quoi? Ça a gonflé, bah, ça carrément, fait quoi? j'ai fait, comment dire, une... allergie? Ça m'a pas, une espèce d'allergie, ouais. Oh merde! À cette piqûre-là, ouais. Ouais, bah, je suis plus de 12 heures en observation à cause de ça. Ah oui, donc en fait, le problème ne vient pas du fait que t'es piqué, c'est juste que t'es allergique au frelon, en l'occurrence. Bah, en fait, ouais, je crois que j'ai pris une trop grosse dose de venin, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ou alors c'est le frelon, ça faisait longtemps qu'il avait plus piqué, du coup, c'est comme les couilles, elles étaient bien remplies, quoi. T'es bien rangé. Ah putain! voilà, quoi. Ah ouais, bah. Donc t'as un bon souvenir, quoi. Ouais, bon souvenir, ouais. Bon, attends, il y a Renaud aussi qui est avec nous d'Avignon. Salut Renaud. Salut. Comment va? Ça va. Bon, tant mieux. Alors, bienvenue à toi Renaud. T'as déjà été piqué également ou pas, toi? En fait, le truc, c'est que j'ai donné un coup de pied dans... En fait, c'était plutôt des guêpes de terre, tu vois. Des guêpes de terre, ouais, c'est celles en fait qui étaient, elles restent sous terre, elles ont pas d'ailes. Ouais, oui, d'accord. Des guêpes de terre. Et c'est encore plus. Enfin, ouais, voilà. Elles sont archi violentes, celles-là. Ouais. Non, mais sérieux, c'est des guêpes qui vivent sous la terre? Non, j'en sais rien. C'est des nids sous la terre, en fait. Ils font des nids sous la terre, d'accord, ok. Et alors? Le truc, c'est que j'ai donné un coup de pied dans les salles, et puis en fait. Et bien après, malheureusement, il en est mort. Renaud? Ah, bah, c'est bon. Les guêpes, alors elles l'ont entendu. Attends, je vais deviner ce qu'ils aient. J'ai donné un coup de pied dans les seins et je me suis fait piquer. Ouais. Voilà, j'imagine que c'est ça, parce qu'on a perdu Renaud. Avoir une pensée pour la famille quand même, ouais. de Renaud. Qui... Renaud vient de décéder malheureusement, voilà. C'est dommage. Tu es des guêpes de terre. Tant pis, Renaud d'Avignon, c'est pas grave, on te reprendra un autre jour. Bon, Jean-Christophe, mais merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. C'est avec plaisir. Bon, très bien. T'as suivi le match de l'équipe de France hier ou pas? Ouais, j'ai regardé. Non, très bien, parfait. Tu voulais dire quoi? Magnifique. Ouais, je voulais passer juste une petite dédicace. Eh ben vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. Voilà, une personne en fait, ça va regrouper. Je passe un gros bisou, dire à ma petite famille que je les aime du plus profond de mon cœur. Voilà. Oh, bah du plus profond de tes fesses avec la piqûre du frelon, surtout. Ouais, sympa. Évidemment, ça fait des petites aspérités pour s'accrocher. C'est ça. Tout à fait, on va dire ça. Bon, salut JC, à bientôt, merci salut, d'avoir appelé. Bonne soirée. Allez. À vous, ciao les gars. Ciao. Bon, on a Louis là qui est. Hey, Louis! Ouais. Tu voulais devenir doux, toi, c'est ça? Ouais. Bon, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui n'ont moins de 15 ans, voire les deux en même temps. Et pour devenir doux officiel, eh bien, on passe impérativement par le général Polo qui est avec nous. Je te le passe de suite. Louis! Oui. Oui, moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et surtout grand, grand général de l'armée des doux. Va te faire enculer, mais c'est mort. J'apprends par une missive apportée par le bouffon Toff que tu... Voici mon Polo. Que tu voudrais devenir doux officiel. Sac à merde. Ouais, sac à merde. Eh bien, je peux répondre à ta demande. Louis, mets-toi à genoux. C'est bon. Louis, insulte-toi. Je m'appelle Toff, je suis un connard, un enculé, un fils de pute. Bon, très bien. Louis, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ton marteau. Ouais. Tape-toi sur la tête avec. Ça suffit, Louis. La bonne nouvelle est enfin arrivée, Louis. Tu es un doux officiel, bravo. Ouais. Et tu seras le doux d'or, car Louis d'or. Ah, le loup, oh, le doux d'or. Le doux d'or comme de l'or, hein, pas comme dormir. Ah non, c'est le doux comme de l'or. Voilà, le doux d'or, donc D'OR. Eh ben ça va, t'es bien, tu t'es mis bien Louis, hein. Bah ouais. Tu sais, il y a des doux, ils ont des prénoms de merde, bah toi t'as le doux d'or, c'est quand même sympa ça. C'est beau. Bon, attention le doux, comme tu le sais, eh bien quand on devient doux officiel, il est très important, il est même indispensable de prévenir tes amis. Tu dois leur dire que bah, y a une émission à écouter le soir sur Fun Radio, 20h minuit jusqu'au 13 juillet. Et puis à partir de la rentrée, évidemment, on sera là de 23h à 2h comme l'année dernière. La semaine est de 20h à minuit le dimanche. Je compte sur toi, Louis. Ouais, t'inquiète. Très bien. Eh ben c'est parfait. Le doux d'or. Ouais. Passe une bonne nuit. Bonne soirée, le doux d'or. Oh, bah, c'est bon, je reste jusqu'à minuit. Ah, bah très bien. Bah, bonne soirée à notre écoute. C'est bien, c'est bien. Tu vas suivre un peu le match de la Belgique ou pas? Non, pas forcément. Belgique, États-Unis. Bon, on suivra ça pour vous. De toute façon, on vous donnera les scores quand il se passe quelque chose. Salut le Doudor. Salut. Allez, à bientôt. On va se faire le jeu de la rupture maintenant. On est un peu à la bourre. Salut Romain. Salut Kenan. Salut. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, bah c'est parfait. Ben, plutôt nickel, hein, plutôt tranquille. Tout roule là. Romain, 22 ans de Saint-Paul en Gironde. Et Kenan de Nantes dans la Loire-Atlantique. Alors, ouais. Le principe du jeu de la rupture est, ma foi, très simple. On le fait depuis l'année dernière, évidemment. Le but, donc, appeler là des gens au hasard. Chacun à votre tour. Et il faut arriver à tenir le plus longtemps possible avec une discussion de rupture. Donc, comme si vous appeliez votre copain ou votre copine, puisque vous êtes des gros lâches, vous le faites par téléphone, bien entendu. Et donc, vous l'appelez pour lui dire, voilà, écoute, c'est plus possible, faut que ça s'arrête, etc. Enfin, vous inventez n'importe quoi. Évidemment, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc, c'est à vous de gérer correctement. Et normalement, c'est en deux manches. Sauf si, évidemment, il y en a un des deux qui écrase l'autre. À ce moment-là, ça sert à rien de perdre notre temps. Celui qui aura écrasé l'autre aura gagné d'office. D'accord ? D'accord. Bon, c'est les casques Jabra qu'on file ce soir. Les Jabra offerts par la maison du GSM.com. Ça vaut 120 euros. Attention, qui veut démarrer ? Romain ou Kenan ? Moi, je l'ai. Qui veut commencer ? Bah, ils veulent tous les deux commencer maintenant. Bah, c'est très bien. Bon, on va commencer par Romain. Voilà, au hasard. C'est parti. Je vais commencer. Allez, Romain. Bonne chance. Bonne chance. On appelle maintenant le premier. Donc, bah, comme je le disais, hein, tu inventes ce que tu veux, mais il faut impérativement une discussion de rupture. Ok ? Donc, chose importante, pas la peine. Vous êtes censé être ensemble. Donc, la meuf ou le mec que tu appelles, c'est censé être ton copain ou ta copine. Donc, pas la peine. Et tu te souviens pas de moi puisque vous êtes ensemble. Donc, évidemment, il va se souvenir de toi. Et d'accord, là, vous vois pas, ouais. Et pas de vouvoiement, etc. Enfin, c'est pas indispensable, mais c'est un conseil que je donne. Vas-y à toi, Romain. Bonne chance. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Allô. Oui, tu vas bien? Pardon? Tu vas bien? C'est qui? C'est celui que t'as rencontré l'autre soir en boîte. Bon, c'est pour te dire comme de quoi je peux plus être avec toi, c'est pas possible. J'en ai rencontré une meilleure et elle vaut mieux que toi. Une meilleure? Bon, j'ai fait aucune idée. En fait, vous voulez parler à qui? C'est une russe. Vous êtes qui? À toi, justement. Bon, d'accord. C'est bon, je vais raccrocher, d'accord. Je ne vous connais pas, vous ne savez pas mon nom. Bon, on se rencontre en boîte l'autre soir, souviens-toi. Stop. 35 secondes. Ah ouais. Ouais, c'est pas terrible. Alors, 35 secondes, c'est pas le meilleur des scores, Romain. Mais bon, c'est pas grave. Romain ? Bah oui, bien sûr. Bon, Romain, 35 secondes. Bah, sauf si Kenan déchire tout et qu'il fait 3 minutes. Hein. Bon, on y va. Kenan, à ton tour. On y va, on appelle. Même combat, on appelle quelqu'un d'autre. Le jeu de la rupture. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Vas-y, Kenan, bonne chance. Croise les doigts. Pour que ça décroche, surtout. Bon, je pense qu'on va appeler un autre, Kenan. Hein. Ouais. Bon, allez, c'est pas grave. On appelle un autre maintenant. Bonne chance, Kenan. Comme je le dis, dès que t'as... Allô ? Oui, allô, bonsoir. Ça va bien ? C'était rapide. Oui, je crois que ça va. Pourquoi pas ? Je voulais te dire, je me plais plus trop avec toi. Donc, je voulais te dire que c'est plus trop possible avec nous. En plus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est vraiment génial. Ouais. Donc, vu qu'en ce moment j'ai plus trop le temps, bah je voulais pas perdre plus de temps, donc je voulais te dire par message. Bon bah ça y est. Mais bon, Ouais, mais enfin. C'est entendu, c'est compris. Ouais, mais enfin, je voulais dire pourquoi en fait je voulais cacher avec toi. Donc voilà, on est plus ensemble maintenant. Donc je me peux plus trop avec toi. Avec sa voix de prédoux. Bon lit, donc voilà, donc je suis allé voir quelqu'un d'autre. D'accord. Et lui, il est bien meilleur. Donc d'accord. Donc voilà, je voulais dire ça. Donc okay. Si c'est possible. Qu'on se voit un autre jour pour en parler plus sérieusement en face à face. Donc si tu veux pas, tant pis. Puis moi je vais continuer avec quelqu'un d'autre et puis toi tu vas revenir avec quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, donc si c'est possible. Hein. Oui. Non, mais le fait qu'on se voit pas maintenant, bien sûr, c'est possible. Bah, c'est possible. Donc, moi je voulais juste te dire ça. Hein. Donc après si ça c'est possible pour qu'on casse, je voulais juste te dire ça, qu'on est plus ensemble et puis à bientôt quoi. Mais bien. On verra sûrement en ville. D'accord. Si tu veux, on peut reprendre contact un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine ou bien je sais pas quand. Mais sinon je t'appelle demain et puis d'accord. On se voit demain face à face et on en reparle plus sérieusement quoi. Si tu veux pas, moi je veux bien prendre contact avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai déjà mon autre copain, mais si tu veux plus prendre contact avec moi, deux minutes là. Pour toi. Hein. Bon, en tout cas, j'étais bien avec toi, mais bon, je voulais arrêter avec toi, quoi. Non, mais j'ai compris. Mais écoute, on va faire suivant tes besoins, parce que effectivement, ce sont tes besoins qui guident tes actes. Donc, il n'y a pas de raison que le prochain geste que tu fasses ne soit pas également guidé par ce besoin-là. Que je te. Je voulais juste te dire ça, hein, que c'était plus possible avec nous, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et puis non, voilà quoi. Enfin, beaucoup de respect. On se plaisait trop tous les deux, tu m'avais déjà dit, et puis voilà, moi je voulais tout arrêter avec toi du coup. Tu as bonne mémoire. Mais... j'ai une bonne mémoire, mais je voulais arrêter avec toi. Non mais écoute, c'est bien de... Ouais, donc ça fait rien, je pense ça fait pas mal au cœur. Bon, je pense qu'il a gagné. Pour me l'avoir dit, c'est que t'avais vraiment besoin, quoi. Donc, j'avais vraiment besoin. Moi je me félicite, moi je pense pas à moi, sur le coup, ce sera plus tard, je me dirais, mais quel con j'ai été de... Ouais, tu regrettes quand même, non? Non, absolument pas, je suis absolument désolé, mais tu me connais bien. Moi je suis dégoûté, je voulais continuer avec toi, mais bon, voilà, quoi, c'était possible. Non, mais je comprends bien, t'inquiète pas. Mais tu sais, c'est après coup... Mais comment, tu veux vraiment pas... Je veux vraiment pas qu'on se revoie bientôt. Mais si. Écoute, c'est comme tu veux. Tu veux bien. Si t'as besoin, il y a aucun problème, ça me fera très plaisir. Au pire, je te rappelle demain matin, on se voit en ville, quoi, au supermarché, comme hier. D'accord. Donc je te rappelle demain, puis on revoit, mais voilà, moi je te le redis, ça, je me plaisais plus trop avec toi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, et puis voilà, quoi. Je crois que je comprends. Mais... Ta merde. Donc voilà. Faut qu'on se revoie pour en parler en face à face, quoi, si tu veux. Ouais, il est parti, putain, il était temps. Ah, alléluia. Il était chaud l'autre. Hein. Bon Romain. Ouais. Bon 3 minutes 43, wow. Je pense que là, au niveau. 3 minutes 43 là, Kenan. J'y reviens pas là. Romain, je pense que c'est mort. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. Écoute, tu retentes ta chance quand tu veux, Romain. Ouais. Bon, ça va aller, t'inquiète pas. J'ai gagné, Mickaël. Bien sûr que t'as gagné. Ouais. Ouais, évidemment. Plutôt deux fois qu'une. Eh oui, le casque Jabra offert par la maison du GSM.com. On va te le filer, ça vaut 120 euros. Eh ben bravo à toi en tout cas, Kenan. Merci beaucoup, Mickaël. Bah avec plaisir. Salut, Kenan. Salut, allez. Je te passe avec Sandro. Eh ben bien sûr, je te repasse Sandro sans problème, Kenan. Et Romain, merci à toi d'avoir joué. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok, mais pas de soucis. De toute façon, je le mail, je vous contacterai. Sans problème, avec plaisir et quand tu veux. Salut à toi, Romain. Allez, 21h28. On va se faire les appels malveillants dans quelques minutes sur Fun Radio. Et ouais, je vous rappellerai également la question pour repartir avec la tablette Asus qu'on vous offre tous les soirs sur Fun Radio, la MemoPad 10 qui vaut 200 euros. Attention, c'est pas n'importe quoi. Question facile, en plus on tire au sort dans moins de 30 minutes. Donc restez bien à l'écoute de Fun, c'est Mickaël No Limit en mode été 20h minuit et c'est Avicii qu'on écoute, Lay Me Down, au cœur d'une heure sans pub. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. de 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct, il est 21h33, message dans un mois pile, je ne suis plus doux, enfin, bientôt vaut un an, bravo à vous, continuez comme ça l'équipe, c'est génial, ben, merci à toi et profite de ta douceur. Pierre aussi, je suis l'homme qui a réussi à ne pas vomir en voyant Toff, et oui, je suis trop fort. Bravo, félicitations. Ouais, très bon, ouais. Wesley aussi, petite question, comment tu arrives à faire de si bons selfies? Je viens de regarder tes photos et t'es super photogénique. Oh ben je les recommence 100 fois, Wesley, pour qu'elles soient bien. Eh t'inquiète, c'est pas la première, comme ça, tac tac au premier coup. Note, parfois ça arrive, mais pas toujours. Bah, merci en tout cas pour le compliment, Wesley. Bon, je rappelle qu'il y a toujours la tablette à gagner. Dans moins de 30 minutes, on va tirer au sort l'un d'entre vous qui repartira avec la tablette qu'on livrera avant la moitié du mois de juillet. Hein. Donc c'est dans 15 jours qu'on la livre. Donc si vous la gagnez ce soir, elle sera livrée vers le 15 juillet. Mais pour ça, il faut répondre à la question. Tom Cruise, s'il n'était pas devenu acteur, aurait voulu être prêtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 et on vous tire au sort là, maintenant, là, dans les 25 prochaines minutes. Un ou deux par SMS au 64 900 ou au 6322 depuis la Belgique. S'agit-il donc d'une bonne ou d'une mauvaise réponse? Tom Cruise aurait fait prêtre s'il n'avait pas fait acteur. Je vous souhaite bonne chance. 21h34 sur Fun, restez bien là, à suivre. We go. Jason Derulo sur Fun Radio avec Snoop Dogg. Je vous cale aussi le nouveau Guetta que vous avez découvert dimanche sur Fun Radio. C'était Lovers on the Sun. Waouh. Voilà, si vous voulez écouter d'autres sons, si vous voulez demander, n'hésitez pas. M-I-K-L suivi de votre message au 64-900. Et puis on va se faire maintenant les appels malveillants. Ah bah oui. Appels malveillants donc à base d'Américains. Puis, non, rien à voir avec le foot. Hein. C'est juste les Américains, les Texans pour être précis, qui ont déclaré qu'ils préféraient se mettre avec une meuf complètement débile pour être sûr qu'elle ne soit pas plus intelligente qu'eux. Et ça c'est beau. Et ça je trouve que là on voit tout le, toute la recherche de l'Américain. Et surtout du Texan. Parce que le Texan c'est quand même particulier. Le Texan, il est américain certes, mais il n'a rien à voir avec un Californien, un New Yorkais, ou enfin bon, il n'a rien à voir avec, okay, avec personne en fait, le Texan. Il est armé et il porte un chapeau. Exactement, et il tire sur tout ce qui bouge et il réfléchit après. C'est ça. Voilà. Bon, on y va, on appelle maintenant grâce au numéro que vous nous avez envoyé sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est parti, on y va. Premier appel maintenant, 21h35. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez choisi votre femme parce qu'elle était un petit peu stupide. Ma? Votre femme. Qu'est-ce que vous me dites? Ben, en fait, je voulais savoir si vous avez choisi votre femme parce qu'elle était un peu stupide, un peu bête. Oh. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, on n'a pas eu malheureusement de beaucoup d'explications, mais on va rappeler quand même encore un petit coup. Hein. C'est reparti à 21h36. Et Belgique USA, c'est dans 20 minutes également. On suit ça en direct. Qui c'est? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Comment? Si je choisis ma femme, vous me prenez pour un con, quoi? Mais pas du tout, monsieur, je me permettrai pas. Moi, je... Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je vous connais pas, vous m'appelez. Vous me prenez pour un con. Mais pas du tout, monsieur. Je veux juste savoir si vous avez choisi votre femme parce qu'elle était abrutie, c'est tout. Oh là là, mais vous me prenez vraiment pour un débile. Mais pas du tout, monsieur, enfin... Tu es d'où? Je suis de Paris, monsieur. De Paris, va te faire enculer. Oh non, monsieur, non! Oui, non, mais tu vas te faire foutre. Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ça se fait pas! Vous m'appelez en masqué, vous me dites des conneries, vous me prenez pour un con! Mais pas du tout, enfin, monsieur, je vous pose juste une question! Mais non! Je vous pose une question, c'est vous qui n'y répondez pas! Mais vous me prenez pour un con! Mais pas du tout! Qu'est-ce que je veux vous répondre? Bah, si vous avez choisi votre femme parce qu'elle était abrutie ou pas? Vous me prenez pour un con, mais vraiment! Mais pas du tout, c'est une étude qui a été faite au Texas et les hommes préfèrent les femmes abruties! Alors je me demandais si encore c'était pareil. Mais toi tu es pas un peu abruti. Mais pas du tout monsieur, enfin pourquoi vous dites ça? Tu es pas un peu abruti toi. Mais non, pas du tout, absolument pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je raccroche, tu vas me rappeler là ou qu'est-ce? Ah bah oui, moi tant que vous répondez pas, je vous rappelle monsieur. Vous allez me rappeler? Ah bah oui. Hein? Vous allez me casser les couilles longtemps, vous croyez que j'ai que ça à faire? Bah moi je crois rien monsieur, moi je vous appelle, je vous pose une question, vous y répondez pas, je vous rappelle. Et alors, si j'ai pas envie de répondre? Bah ça se fait pas monsieur, quand quelqu'un pose une question, on lui répond. Bon mais vous savez quoi, allez vous faire foutre, hein, et puis rappelez, de toute façon je répondrai, peut-être que je répondrai, on verra. C'est bon? Bah non c'est pas bon, tant que vous répondez pas à la question c'est pas bon monsieur. Ouais c'est bien, ciao. Ah bah non monsieur, allô? Ah bah non il est parti, attends, on rappelle ou on laisse tomber? Non encore une fois. Encore un coup? Oui. Allez. On rappelle alors. C'est encore vous. Bah oui, c'est encore moi, monsieur, parce que vous avez pas répondu à ma question, donc du coup, je suis bien obligé de vous rappeler. Oh là là, mais vous commencez à me gonfler, alors, un peu quand même. Hein. Mais pas du tout, monsieur, moi je vous appelle, je vous pose une question, vous n'y répondez pas, je suis bien obligé de vous rappeler. Bon, dites-moi qui vous êtes. Je m'appelle Toff, monsieur, je vous l'ai déjà dit. C'est un beau prénom, hein. Bah je vous remercie. Ah, non, mais c'est pas vrai. Bah comment ça, c'est... Là, c'est pas moi. D'accord, mais sinon, pour la réponse à ma question... Non, il a raccroché, malheureusement. Bon, tant pis, on en saura pas. Je croyais qu'il me faisait un compliment gratuit, bah, gentiment. Ouais. Et... Bah ouais, mais non, un échec total. Bon, bah 21h39, c'est pas grave. On en appellera d'autres tout à l'heure, d'autres appels malveillants, ce sera dans une heure. Il y a Léandro aussi, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Tu veux que je te fais une tête au carré, ce bâtard? Bah voilà, et Capitaine Wasabi qui en veut également un message de bienvenue. Hein. Va te faire enculer, parce que t'es mort, et va te faire enculer. Et bah voilà, comme ça au moins, toute cette gentillesse comme ça, là, c'est. Ça fait plaisir, ouais. C'est waouh, y'a rien à dire, c'est juste waouh. Mathéo est avec nous maintenant dans les Bouches-du-Rhône d'Arles. Salut Mathéo. Salut Mickaël, ça va? Ça va et toi? Toi, t'as encore un doux d'ici? Moi, y'a que ça ce soir là. Ouais, t'as déjà été doux officiel? On peut dire ça comme ça, ouais. Comment ça, on peut dire ça comme ça? T'es déjà passé avec Polo qui t'a fait doux officiel en direct à l'antenne? Non. Ah bah, donc, jamais, mais bon. Ah bah donc t'es pas doux officiel, non. Donc on peut pas le dire comme et ça, ouais. tu n'es pas doux officiel. Bon, qu'est-ce qui t'amène, dis-moi Mathéo? Bah en fait j'aimerais bien qu'on m'arrange un coup avec une fille qui s'appelle Naïs. Mais t'as pas envie de d'abord muer un peu, non? J'espère qu'elle est pas trop Naïs quand même. C'est drôle ça, ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mauvais. N'importe quoi. Donc t'as pas envie de d'abord muer un peu pour voir quel âge elle a? Elle a 13 ans. 13 ans, et toi t'en as 12. Ah, tu tapes dans les vieilles. Ouais. Ah, mais pourquoi tu la kiffes? Qu'est-ce qu'elle a de bien? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des gros seins. Ouais, quand même. Ah, déjà? Bah, tu vois? Un petit peu quand même, ouais. Ah, ouais, bah oui, mais ouais, ça commence, mais c'est normal. Pour lui, ça a l'air énorme, mais en fait, ouais, c'est rien du tout. En fait, c'est un M&M's. Voilà, c'est deux voilà, M&M's. C'est deux M&M's qui sont là en duel. Bon, Mathéo, bon, qu'est-ce que t'as déjà fait? Qu'est-ce que t'as déjà essayé de faire pour la draguer? Est-ce que tu l'as déjà invité chez toi à regarder des dessins animés? Bah, en fait, j'étais allé à un anniversaire et en fait, bah, j'ai essayé un petit peu de me rapprocher d'elle, de la faire rire et tout. Ouais. Attends. Comment est-ce que t'as essayé de la faire rire? Ah ben en gros, ben, je vois, t'as de me rapprocher d'elle, de danser avec elle et tout. Est-ce que t'as pété pour la faire rire? Ah non, pas du tout. Ah non, mais t'as raison. Bien, Polo, non. De drague. Surtout pas, juste, bah regarde, il est toujours célibataire. Il arrive à côté de la meuf et... Ouais, bah justement, tiens, regarde ce que et ça lui a rapporté. Regarde ce que ça lui a rapporté. Bon, et qu'est-ce que je vais dire? Ouais, donc t'as essayé de danser avec elle, et alors comment est-ce qu'elle a réagi, elle? Bah ça va, elle rigolait, voilà, on s'amusait, on rigolait, voilà. D'accord, vous avez partagé un bout de gâteau? Non, quand même pas. Non. Bah tu sais comment elle aurait fait, Toff, il aurait pris le gâteau, il l'aurait mis dans la gueule, tellement il est con. J'aurais éclaté comme ça. Et j'aurais bien étalé. Ouais. Et il ne faut pas le faire, bien entendu, c'est sur les conseils de merde, ouais, Mathéo. Ouais. Bon, et hormis cette soirée-là, t'as quand même essayé de lui dire quelque chose, tu l'as déjà parlé? Bah ça va, par exemple, enfin, pas vraiment, mais voilà, je me suis juste un petit peu rapproché, et après j'ai réfléchi, je me suis dit, voilà. Et tu t'es barré, quoi, en ayant réfléchi. Ouais, ça c'est les mecs qui se rapprochent, et au moment où la meuf elle se dit bon allez je vais me laisser faire, le mec fait non on va, je vais prendre un peu le temps, peut-être qu'elle a pas envie, c'est là que le mec commence à réfléchir. Ouais mais c'est pas évident parce que t'as toujours cette situation où tu penses que tu peux y aller, t'y vas et la meuf elle te regarde, elle dit mais pour qui se prend, ou elle t'envoie chier, et t'as ce moment où tu ne prends pas les devants parce que la meuf elle a l'air un peu coincée, et là t'apprends que bah c'était là qu'il fallait y aller. Exact. Donc c'est toujours un peu bâtard. Mais par exemple on a fait des jeux et j'ai fait que là à l'embrasser et tout ça. Oh, mais t'es un gosse beau toi. Ah, ouais. Donc t'as déjà géré un peu le business là quand même. Ben ouais, en fait on a fait un jeu et en fait ben voilà, et au bout d'un moment ben après ça s'est enchaîné et voilà. Et ben voilà, bah ben alors c'est bon là, c'est une affaire qui roule. Tu l'as embrassé pas sur l'oreille. Parce qu'après elle m'a dit, on a tous compris qu'en fait c'était un jeu, que ça sortait pas de notre part, voilà. Elle dit voilà que c'était un jeu et qu'il y avait rien de... C'était juste un jeu, quoi. Hey, le doux, invite-la à aller au ciné. Bah oui, voilà, c'est ça, un ciné chez toi, tu regardais des dessins animés. Un ciné, un McDo et hop là. Et hop là, voilà, c'est ça, toi t'es un gentleman, tu dînais aux chandelles au McDo, tu mets une petite bougie là, tranquille. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est sûr, ouais, mais bon... Attends, t'as son numéro aussi, attends, t'as son numéro, sinon on l'appelle en direct. Ouais, c'est une bonne idée, ouais. Et bah voilà. Comment elle s'appelle, Anaïs, c'est ça? Naïs. Bah d'accord, ok, très bien. Bon, alors reste là, Mathéo. On va l'appeler, on va sur le canular et on l'appelle d'ici un gros quart d'heure, d'accord? Ok, d'accord. Bon, pas allez, bouge pas de là, Mathéo. Là, tu vas être un beau gosse là parce que tu vas passer en direct à la radio et tout. Tu vas te la ramener un peu. Et tu dis qu'on était potes. Ouais. On est des potes, on se connaît bien. Et évidemment. Tout. Bon, on était à la maternelle ensemble. Oui, quoi, Mathéo? Donc, je dis pas que j'étais sur scène. Pas au début, mais après tu pourras. Mais t'inquiète pas, t'as encore le temps de réfléchir. On fait ça dans un petit quart d'heure, d'accord? Ok, d'accord. Bon, allez, reste avec nous, Mathéo, là. Et puis, vous aussi, restez avec nous. Il est 21h43 sur Fun Radio. On se termine cette petite heure sans pub. On s'est mis bien, là. Ouais, une petite heure sans pub qui est passée en speed là avec le canular de tout à l'heure, le chéri, je peux te faire cocu. Nouveau canular qui arrive dans quelques minutes. Et puis, je suis tombé sur un site aussi qui donne votre profil sexuel en fonction de votre signe astrologique. Oh, c'est bon ça. Ah non, mais ça, c'est une tuerie. Hein. Donc, venez nous donner votre signe, on va vérifier si c'est juste ou pas. Par exemple, je vais commencer. Alors, Tof, toi, t'es quoi toi? Balance. Balance. Ah, ça m'étonne pas. Ouais, moi non plus, ça m'étonne pas. Les balances. Ah oui, les balances, c'est là. Les natifs de la balance n'ont pas de fortes préférences sexuelles. Non, c'est si vrai. Je suis ouvert à tout. Ouais, si votre partenaire est balance, comme ils n'ont pas de préférence sexuelle clairement affirmée, les balances ont tendance à varier les plaisirs et à tester de nouvelles choses. Alors, exactement, expérimenter à deux. Mais tout à fait. Voilà, bon, vous voyez. L'expérimentation même. Ouais, ça marche pour Tof. Donc, si vous voulez. Je cherche toujours une croix. Ouais. Si vous voulez qu'on vous donne justement votre signe et le profil sexuel qui correspond à votre signe, n'hésitez pas à vous envoyer votre signe par SMS. Vous envoyez MIKL suivi de votre signe au 64900 ou alors avec le hashtag MIKL 20h minuit sur Fun ou même sur le Facebook de l'émission. facebook.com/MIKL officiel. On en parle dans quelques minutes. On aura également, bien sûr, la tablette à vous offrir. Je vous balance la question encore une fois, une dernière fois après la pub. Et puis on aura aussi le canular qui va arriver, ainsi que le son de Jason Derulo. Voilà, Jason Derulo et Snoop, c'est ce qui arrive dans quelques minutes sur Fun. Vous restez là, MIKL No Limit, 20h minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. MIKL No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec MIKL No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! MIKL No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Continuez à balancer vos messages. Il y a le match qui va commencer dans 9 minutes maintenant entre la Belgique et les United States of America. Vive la Belgique, évidemment. Allez, les diables. On devra voir aussi Anthony là pour souhaiter bonne chance au Diable Rouge. Et Stéphanie qui dit: moi, je suis poisson, ça donne quoi? Ah, ouais, c'est vrai. Attends, là, poisson. Aussi. Alors, poisson, c'est dans le profil sexuel pour les poissons. Les natifs du poisson savent lire le langage corporel à la perfection. Ah. Rien ne leur échappe. Si votre partenaire est poisson, vous devriez prendre énormément de plaisir au lit, car il sait ce que vous aimez. Il peut le lire dans vos yeux. Votre gestuelle trahit votre envie et votre partenaire saura parfaitement déchiffrer ces signaux presque imperceptibles. Il sait s'adapter à la situation et vous donner ce que vous aimez. Et pour couronner le tout, ils adorent les jeux de rôle. Alors qu'attendez-vous pour enfiler votre déguisement d'hôtesse de l'air? Ah, je vois déjà Polo en hôtesse de l'air. C'est ce que je vais faire. Je fais voilà. Eh ben, mets-toi l'hôtesse de l'air, ça va être parfait. Bon, dites-nous votre signe astrologique et on vous donnera votre profil sexuel. Vous envoyez MIKL suivi de votre message au 64900 ou alors par Twitter, notamment avec le hashtag MIKL 20h minuit sur Fun. Il est 21h52 sur Fun Radio. Et puis, dans quelques minutes, dans 8 minutes, on arrête les inscriptions pour repartir avec votre tablette, la Asus MemoPad 10. Elle vaut 200€. Elle est magnifique. Vous serez livré avant le 15 juillet. Et donc, la question est la suivante: si Tom Cruise n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux par SMS en fonction de la réponse. Un pour vrai, deux pour faux. Un ou deux par SMS au 64900 ou au 6322 depuis la Belgique. Et dans moins de 8 minutes, je tire au sort l'un d'entre vous. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. Bon, on va se faire le canular maintenant. Et c'est avec Fred qui est avec nous là. Salut Fred. Bonsoir, je voudrais faire un canular à mon ami parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bon, c'est 20 ans, on a envie de... Ah, c'est pour fêter ses 20 ans. Un petit coup, ouais. D'accord. Pour lui faire un petit coup de pipe, ouais. Bon, bah très bien. Un coup de flip ou un coup de pipe? Ouais. Les deux, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Non, mais très bien. Bon, écoute, on va l'appeler, mais est-ce que t'as une idée, un truc en particulier?

Moi je dis c'est bizarre qu'on m'invente pas des villes. Hein. Mais putain, je t'invente une vie, mon gars, t'as tout entendu de ce qui s'était passé, c'est pas mon gars. Ouais mais gros, peut-être que là tu me faire peur. Oh toi. Putain. Ah hey, ouvre la porte. Non, non, non. Ouvre la porte. Non, t'as... non, j'ouvrirai pas la porte. Ouvre la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte. Non, j'ouvrirai pas la porte. Ta gueule, j'ouvrirai pas la porte. J'ouvrirai jamais la porte. Mais putain mec, je fais quoi? Je fais quoi là? Je fais quoi? Je fais quoi? Je peux pas sortir par la fenêtre. T'es où là? Mais là, je suis dans la zone. Mais non, je suis au quatrième étage, mon gars, je peux pas, je peux rien faire, je suis coincé, il est juste derrière. Ta gueule, putain. Ah, passe par la fenêtre, wesh. Mais mec, la fenêtre, quatrième étage, je vais pas sortir. Mais t'es un fou. Mais non, mais passe par la fenêtre, genre pas essayer d'aller dans les voisins. Ouvre. Je sais plus quoi faire, mon gars. Appelle les Schmitt. Mec, tu fais quoi? Eh gros, si tu fais quoi, là? Eh gros, là, tu fais quoi? Appelle les rejetats, gros. Te fais pas ouvre. Il m'a touché. Jeff. Il a tiré à toi dans la porte. Jeff. Allô. Ouais, Jeff. Il fait son cinéma, il a rien là. Eh hey, Jeff. Jeff. Eh hey, Jawad. Oh merde. Hey, il est con. Pourquoi t'as fait le mort? Il est con lui. Il va appeler les flics. Vous êtes des il va appeler les flics. Jeff, attends, rappelle. Allô, allô. Eh, hey, t'es trop fort, Jeff. Mais oui, qu'il est con, il fait le mort. Hey, lui. Attends, Tov hurle. 07. Merde. Oh putain. Merde. Mais je peux putain, sérieux. De toute façon, je m'en fous, c'est Tov qui a tiré. Ouais, c'est Tov. Ouais, tout le monde est. Attends, vas-y, je commence. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Il a buté connard les deux. Connard. Connard. Mais non, t'es déjà mort, Tof. C'est une espèce de mort. Ouais. Alors, hey, Jawad. Jawad, bon anniversaire. Jawad, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Jawad. Avec plaisir. Bon anniversaire, mon gars. Bon anniversaire. Et là, c'est vraiment Fun Radio, mon gars. Ouais, j'ai cramé, t'inquiète, j'ai cramé. Ouais, oui, c'est ça, ouais, t'as raison. Ouais. Bon, je te mets une petite musique d'anniversaire quand même, hein. C'est pour c'est moi, ça me fait plaisir. Attends, merde. Ah oui, putain, attends une seconde, la musique d'anniversaire, elle est foireuse là. Mais bon, alors quel acteur? Mais quel acteur? T'as vu un peu là? Quel talent quand même. Tof, tu peux. Non, crier. Mais Jeff, hey, Jeff, tu joues mal, hein. Hey, Jeff, tu joues archi mal. Voilà, bon anniversaire, Jawad. Ouais, bon anniversaire, et vous lui mettez pas une petite musique avec joyeux anniversaire, mon gars. Ah, si, attends, c'est ce qui passe là, c'est ce qui passe. Eh, franchement, tranquille, c'était marrant. C'était marrant. Bon, Jawad. Ouais. Bah, comme c'est ton anniversaire, on avait un cadeau qui était prévu pour Jeff, on va te le filer à toi du coup, hein, comme c'est ton anniversaire. Bah c'est normal. Hein bah normal, non, ouais. Normal, ah, normal. Ouais. Allez, c'est caméra cool. Numérique pour toi Jawad, on va te filer ça du coup à la place de la filer à Jeff, hein, puisque bon finalement c'est comme toi qui était dedans. Est-ce que Tof pleurait un peu là? Ah ouais, attends. Hey, je peux fermer ta gueule. Une bonne fois pour toutes là, qu'il est con lui. J'adore. Bon. Bon, bah c'est vraiment con, hein, la prochaine fois il t'arrivera vraiment un truc comme ça. Ah ouais, tu veux mais non, mais non, mais vraiment, en fait, en plus le pire c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein. Est-ce que tu peux donner de la Fun Radio? Mytho, c'est pas nous, arrête de dire des conneries là. Bon, Jawad et Jeff, t'es un menteur. Merci à vous les deux, en tout cas, vous revenez quand vous voulez, je vous repasse Sandro au standard pour prendre vos coordonnées. Ok, ciao les gars. Allez, à bientôt les gars, ciao. Salut. Allez, salut. Ciao. Bon, et ben voilà, j'espère que vous êtes bien marrés. On en fera l'autre demain, hein, des canulars évidemment. Là, 22h06, il y a Mathis qui dit ah, mort de rire, il a buté les deux. Ouais, putain, on avait l'impression qu'il égorgeait Tof là, c'était une horreur. Stéphanini, mon Tofino est parfait dans ce canular. Samir aussi, merci, le best Stéphanie. Canular ever. Mister Steven, super le canular, j'ai bien rigolé. Pierre également, où est-ce qu'il est le message? Tu touffes Michael, je t'en prie, défonce-lui la gueule, je t'en prie, sauve l'humanité. Yako aussi, la douce fada qu'il y a, il a buté les deux, mort de rire, Tof, il m'a tué, il était énorme le canular. Et alors Loïc aussi, énorme, vous êtes des ouf, bravo, bah, merci à toi Loïc. Bon, on parlera des signes astrologiques aussi dans quelques minutes, hein, on va vous donner votre profil sexuel, continue à nous dire d'ailleurs quel est votre signe astrologique pour qu'on vous donne votre profil sexuel. Et on appelle maintenant vite fait, avant de se mettre la pub et avant d'écouter le son de Jason Derulo avec Wiggle, on appelle le ou la gagnante maintenant qui s'est inscrit ou inscrite avec la bonne réponse pour repartir avec la tablette. On y va. Faut que ça décroche et que la réponse soit bonne. C'est pas plus compliqué que ça. Attends, la question était tellement compliquée. Allez. Ça sent le répondeur. Ça sent la merde. Et oui, ça sent la merde. Normal, il y a Tof. Ouais, Bonjour. Oh là là, dommage. Mignon Thomas. Oui, Thomas. Veuillez laisser votre message. Bon, bah, du coup, allez-y, hein, si vous avez la bonne réponse là. Bah, il est pas très mignon. Eh ouais. Salut Thomas, c'est Mickaël. Bah, je t'appelais pour te filer ta tablette, la Asus qu'on allait te filer, la MemoPad 10. Malheureusement, tu n'as pas décroché. C'est bien dommage. Résultat, bah, vous avez le temps de la pub. 1 minute 52 précise pour envoyer un ou deux. Donc, Tom Cruise, il est acteur, mais s'il n'avait pas été acteur, il aurait été prêtre. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez ça au 64 900 dans 1 minute 52. Je n'appelle que ceux qui se sont inscrits là maintenant, puisqu'on vient de faire un tirage au sort parmi ceux qui s'étaient inscrits avant. Donc allez-y, 1 minute 52 pour vous inscrire. Je vous souhaite bonne chance. Et on peut remercier Thomas également, hein, justement, de ne pas avoir décroché. Tom Cruise aurait été prêtre s'il n'avait pas été acteur. Un pour oui, deux pour non. Vous envoyez ça, enfin vrai ou faux, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. On saura qui gagne dans moins d'une minute 52. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Nos limites. Mickaël. Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Exact, il est 22h11 sur Fun Radio. Je vous avais promis juste après la pub de tir au sort celui qui aurait ou pas la bonne réponse pour repartir avec la tablette Asus. Allez hop, c'est parti, on y va. Bah Tof là, hop là, on y va, on appelle là maintenant hein. 22h11, la question était la suivante. Tom Cruise, il est acteur, mais s'il n'avait pas été acteur, il aurait fait quoi? Il aurait fait prêtre, vrai ou faux? À vous de jouer, on y va, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante là, si il ou elle décroche évidemment, j'espère hein, parce que sinon on va y passer la nuit hein. Allez, puis il y a le foot aussi. Allô? Il y a le foot. Allô? Allô, bonjour. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Dominguez, Nicolas. Nicolas, bon, on coupe ta radio, Nico. Voilà, ah, coupe-la, oui. coupe-la. Bon, alors, allez, Nicolas, pour repartir avec la tablette Asus, là, est-ce que Tom Cruise, il aurait fait prêtre s'il n'avait pas fait acteur? Oui. Bah oui, effectivement, bah oui, bah oui, bah oui. Et vous êtes putain nombreux à avoir répondu faux, hein. Eh ben voilà, oh là là, quel bravo. Bravo Nicolas, la Asus MemoPad 10, elle est pour toi, elle vaut 200 €, tu seras livré milieu du mois de juillet. D'accord, mais c'est super cool, vous gérez. Eh ben avec plaisir Nico, merci d'avoir joué, puis comme quoi ça paye. Nico, ouais, ben voilà, ouais. Tu restes au standard, on prend tes coordonnées, d'accord? Vas-y, merci. Allez, salut à toi Nico, tu restes là. Et puis on va enchaîner aussi juste après Jason Derulo avec Wiggle, avec la question pour repartir avec vos maillots de foot, ballons de foot ou chaussures de foot offerts par Pro Direct Soccer. On fait ça après Jason Derulo et Snoop maintenant sur Fun Radio. C'est Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say so. Damn, baby, you got a bright future behind you. Hey, yeah, Jason Derulo et Snoop à l'instant. C'était Wiggle sur Fun Radio, il est 22h15. Y'a Marat qui dit bonsoir l'équipe, je vous écoute avec un pote et il veut un message de bienvenue, bah, si on peut lui rendre service. Ben voilà, Cédric aussi, moi je suis Capricorne, ça donne quoi? Ah bah je vais les lire dans un instant, les signes. Je vous avais demandé de m'envoyer votre signe par SMS au 64 900, en débutant le message par M.I.K.L. pour vous donner votre profil sexuel. Vous pouvez aussi le faire sur le Facebook et le Twitter, bien entendu, avec le hashtag M.I.K.L. À L, 20h minuit sur Fun. Il y a un Américain qui est en train de sortir là dans un sale état sur le match Belgique-USA. C'est toujours 0-0. C'est la 15e minute de jeu. Il y a eu un but, je crois, pour les États-Unis qui a été annulé. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'était hors jeu, mais sans certitude. Donc voilà, on vous tient en jus. Toujours 0-0. Et allez les diables. Allez les diables rouges, évidemment. Bon, on va. Qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Oh oui, on va récupérer Mathéo là, suis-je bête? T'es toujours là, Matt? Mathéo, bon, très bien. Alors Mathéo qui nous avait appelé parce que il veut que on lui arrange un coup avec une meuf, c'est ça? Oui, c'est ça, mais elle a pas encore mon numéro. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas ton numéro? Naïs. Elle a pas ton numéro? Bah tant mieux. Non mais toi t'as le sien. On s'en fout, toi t'as le sien. Voilà, c'est ça. Bon bah on va l'appeler alors, c'est parfait. Donc on l'appelle, on l'appelle, tu gères. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bah, je vais en gros lui dire la dernière fois, il y a la semaine dernière, j'ai flashé sur toi et voilà en gros. Et ouais, mais tu vas lui demander si elle veut sortir avec toi? Ouais. Ouais. C'est pas comme ça, mais voilà, je vais essayer. Ah, pas comme ça, bon, tu vas improviser quoi. Voilà, c'est ça. Ah bon, et si on faisait un essai avant? Ouais, faisons un essai avant. Ok, d'accord. Bon, on va faire un essai avant. Donc on va faire le téléphone comme si il y avait vraiment le téléphone, comme si elle allait décrocher, tout ça, d'accord? Ok. Allez, c'est parti, on y va. Elle décroche pas, hein. Elle doit dormir sûrement. Ne t'énerve pas, même si ça met du temps. Allô? Allô? Naïs, c'est Mathéo, en fait, l'autre jour. C'est qui? En fait, C'est Mathéo, l'autre jour, tu sais, quand on était à l'anniversaire, le copain d'Erika. Oui. Eh ben en fait, l'autre jour, tu vois, j'ai essayé de me rapprocher. Enfin, voilà, je t'ai trouvé jolie et tout ça. Oh, c'est gentil. Donc, sale doux. Et alors? Et donc, et alors, en fait, tu me plais. Et j'aimerais, et j'aimerais que, voilà, quoi, qu'on se... T'aimerais que voilà quoi? Ben, qu'on se... Enfin, qu'on se rapproche et tout ça, enfin, parce que j'ai placé sur toi et tu tout ça. Tu veux qu'on se rapproche ou ça? Eh ben, par exemple... Dis par exemple, les choses. Les jours où on va se... Dis-moi non. Les jours où on va se voir, selon les jours où on va se voir, ben, par exemple... voilà, quoi. Bah, voilà, oui. Bah voilà quoi. Je sais pas comment improviser, aidez-moi s'il vous plaît. Mais je sais pas ce que tu me veux. Eh ben je voudrais qu'on se rapproche, qu'on rigole ensemble. On se rapproche de quoi? Eh Mathéo, t'es mort, dis-lui que tu veux sortir avec elle. Quoi? Tu veux qu'on se rapproche de la gare? Eh hey, Mathéo, Mathéo, se rapproche de la cuisine. Dire, en fait, Mathéo, dis-lui qu'elle est belle, que tu kiffes sur elle, que tu l'aimes bien, que tu veux sortir avec elle et que tu vas aller au cinéma avec elle. Mais lui dis pas tout de suite le mariage et tout parce qu'elle va flipper. C'est con, une meuf, n'oublie pas ça. Va te faire enculer, Polo. En fait, je sais pas comment lui dire parce qu'en fait, je vais pas lui dire j'ai envie de sortir avec toi. Ah bon? Non. Bah, je vais pas lui dire comme ça. Je vais pas le dire comme ça. Non, mais tu vas le dire comment alors? Dis-lui que t'as envie de la voir, que t'aimerais passer du temps avec elle. Ok, d'accord. Parce qu'il y a envie de te rapprocher d'elle, ça veut dire qu'en fait, t'as envie peut-être de déménager à côté de chez elle. Voilà, vois, c'est ça, ouais, tu vois, donc faut éviter ça. Bon, t'as noté toutes les infos qu'on t'a données là? On la refait. Ouais. Bon, on la refait en speed. Oui, allô? Allô, Nani, c'est Mathéo. C'est celui qui était. C'est Mathéo, tu sais, un copain d'Erika. Ah oui, Mathéo, comment ça va? Ça va, nickel, et toi? Eh oui, bah tu peux me vous voyez. Oui, je préfère. Et en fait, ben. Je sais pas, en fait, moi j'ai flashé sur toi, je t'ai trouvé trop jolie et tout. Oh, c'est gentil. Et donc, ben, en fait, j'aimerais qu'on se voie plus souvent et tout ça pour approfondir. Pour qu'on discute ensemble, pour qu'on passe des temps ensemble et tout ça. Ouais. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, par exemple, fin de moi et tout ça. Rien. Ah bah frelou, ouais. Et elles sont comme ça. Dis-lui, ouais. tu veux l'inviter au ciné ou aller bouffer? Invite-moi. J'aimerais qu'on se voie plus souvent, qu'on s'invite et tout ça quoi. Ah quoi, tu veux que je paye, sale connard, va rapace. Ah oui, paye toujours parce que tu vas en entendre parler pendant 1000 ans après. Ouais. Oui, radin, tu es un radin. Bon non, tu l'invites, voilà, invite-la au ciné. Oh mais invite au ciné, mais moi comment je fais? J'ai 12 ans. Bah oui, alors quoi, tu peux aller au ciné? Top, va t'envoyer 20 euros. Allez, hop, on va te trouver deux places de ciné, oh là là. Oh, bon, deux places de ciné, on va te les filer si t'arrives à pécho correctement, d'accord? Si t'es bon, on va te trouver deux places de ciné. Si t'arrives à pécho, moi je mets 10 euros pour le McDo. Genre, c'est beau ça. Ah ouais, mais je suis comme ça, moi je suis pour l'amour. C'est beau ça, c'est beau, ça c'est beau. Bon, on y va, on l'appelle? Ok, allez. T'es sûr, hein? Sûr. Tu veux que je te mette une petite musique pour accompagner? Ouais, peut-être à la fin, mais pas pour le début. À la fin, il y aura ça. Si jamais t'y arrives, si elle dit... Tu veux sortir avec moi? Oui! Ok, d'accord. La folie des grandeurs. Là, on sera bien, là. Oh, les grands d'Espagne. Oh. Bon, mais pour ça, il faut être bon. Allez, vas-y, on y va. Là, ça s'appelle Naïs. On y go. Allez, c'est parti. Mathéo, bonne chance. Merci. Bon, nous, on est derrière. Ok. Flatte-la, elles adorent qu'on les flatte. Et comme d'habitude, si je dis ouais, on est en direct sur Fun Radio, on décroche, on ne dira rien. Allô, Naïs, c'est Mathéo. Tu sais qui est à l'anniversaire la dernière fois? Oui. Ça va? C'est comment ça va? Ça va. En fait, t'as vu la dernière fois quand on a fait les jeux et tout, bah, j'ai flashé sur toi et tout. Ça commence mal. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait un truc entre nous. Ouais, bah, elle l'a pas bien vu. Ben après j'en sais rien dans le truc, mais voilà. Et donc ben, j'ai flashé et en fait ben, je sais pas pourquoi je commence à avoir un petit peu des sentiments pour toi. Et donc ben, j'aimerais par exemple qu'on se voie un peu plus souvent et tout, tu vois. Non, c'est pas mal. Ben, si on peut. Genre on s'arrange avec Erika pour qu'on soit un truc commun ou quoi. Non, c'est mais genre c'est là tu m'as appelé un numéro inconnu, donc j'ai pas ton numéro, tu vois. Ah pardon, non, c'est Erika qui m'a donné ton numéro et tout, et ben en fait ouais, c'est mon téléphone qui déconne. Elle a une voix de Lascar, hein. Ouais, mais c'est parce qu'elle dormait, je crois. Message, et puis on parle par message. Ah, cool. Ah, ok, mais tu m'as compris, quoi. Ouais, je commence à avoir des sentiments. Mais qu'est-ce que t'en penses? Ben ouais, ben je t'ai compris, t'inquiète. Je peux rentrer dans le régime. Tu vois, genre, limite, par exemple, entre potes et tout. C'est bon, Mathéo, il lui explique pas, Google. Mathéo, demande-lui s'il a pas une copine pour moi. C'est fini, donc... Non, c'est un pote, il m'a dit absolument de t'appeler, mais il est au courant de rien, tu vois. Ouais. Et donc, voilà, donc... Elle a une copine pour moi ou pas? Non. Du coup, il me dit, il a une copine pour toi, voilà. Non, il en a pas. Non, okay. Il en a pas. Eh, parce que tu peux lui dire que moi, j'ai 14 ans, je suis bien, je suis mûr et tout, hein. Lol. Ah, putain, quand même pour lui. Et donc, tu vois, parce qu'en fait, toi, je t'ai trouvé, tu vois... C'est bon, elle a compris, mec. Tu fais grand, tu fais pas con, quoi. Et donc, moi, je te trouve trop belle. La musique, donc, ouais, il a mérité. Non. Rien. Mais c'est marrant parce qu'elle voit plutôt grave. Mais oui, faut qu'on apprenne à se connaître plus après. C'est beau. Ok, d'accord, pas de soucis, très bien. En tout cas, si on peut s'arranger ça avec Erika et tout, ça serait bien. Et elle se demande pas de la musique. Après, je vais essayer de la joindre, Erika, comme ça, voilà. Ok, ça moi. Donc voilà, c'est pas de soucis. Parce que moi tu vois j'arrive pas à garder les trucs comme ça tu vois et tout donc C'est bon. Mais c'est pas vraiment voilà quoi. Et je pense qu'il va la soulager. T'as raison. C'est voilà, magnifique. Après toi je pense que t'es comme ça. J'adore cette musique. Bon, Mathéo, ça me rappelle mon amour perdu. Mathéo, cette femme que j'ai tant aimée. Ta gueule. Mathéo, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ne la saoule pas, toi tu racontes ta vie là, elle a déjà presque envie de raccrocher la pauvre. Bon, Naïs. Naïs. Oui. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ça va? Mais ça va. Bon, il nous avait appelé parce qu'il était, était manche. Hein. Oh là là. Si t'avais entendu ce qu'il voulait dire au début. C'est un pote à nous. On l'a dû gérer. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on était en train de le travailler là, le météo là, parce qu'il allait dire n'importe quoi. Donc du coup, bon, ça s'est plutôt bien passé. T'es intéressé là? Bah après, on n'a pas le même âge tous les deux. Donc. Bon, t'as quel âge toi? J'ai 14. Ouais, et lui il en a 13. On n'est pas dans le détail, on n'est pas ça un va, an. Ça va, ouais, c'est pas violent quand même. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Et t'inquiète, hein, il va bientôt muer. Hein. C'est une question de jours. C'est pour bientôt. Non mais ouais. Des cachets pour muer. Ça va bien se passer là. Dans quelques jours, il va muer et tout. Ça va être la folie. Ça va être la folie totale. En même temps, je suis saoulée parce qu'en même temps, vous m'avez laissé comme ça. Vous avez rien dit là. Ah bah oui, mais bon, attends. Une fois qu'elle dit oui, tu vas pas dire ouais, mais parce qu'en fait, je trouve intelligente, belle, machin. C'est bon. Mais, c'est ça. Ouais, elle aurait raccroché. Bon. Oui, bah là, elle va raccrocher au nez. Ouais, c'est ce qui te pend au nez, ça. Mais non, c'est un mec bien. Bon, Mathéo. Naïs. Oui. T'as pas envie de te faire un petit ciné avec le petit là? Bah là faut jouer avec ma cousine et tout parce que c'est par rapport à lui qu'on se connaît, par rapport à elle qu'on se connaît. Ouais bah c'est très bien, mais justement, une fois que la cousine l'a présenté, là après t'as plus besoin d'elle en début là. Un petit ciné, c'est moi qui paye. Je sais pas. Ah. Bon allez, oui, allez. Allez, dis oui. Allez, en après. Je sais pas. On va en parler, on est encore jeune, donc voilà. Ouais bah oui, vous avez la vie devant vous pour aller faire un ciné, c'est vrai. Mais oui. Bon, bah tiens-nous au courant, Mathéo, et on a qu'une parole. Si vous y allez, Polo paye la bouffe et nous on paye le ciné, d'accord? Ok. Bon, allez, Naïs, je te fais des gros bisous. Au revoir. À bientôt Naïs, salut à toi, ciao. Et bon bah Mathéo. Oui. Bon bah espérons que c'est une affaire qui roule. Hein. Mais Mathéo, raconte pas trop ta life. Ouais, raconte pas trop ta life, mais... pose-lui des questions, intéresse-toi à elle, parce que tu racontes sa vie là, Mathéo là. Hein. Ouais, d'accord. Bon Mathéo. Mens-lui, elles adorent qu'on leur mente. Mathéo. Ouais. Ne te dévoile pas. Ça te remettra le cerveau en place, c'est très bien. Et je tiens à préciser que c'est de mes deniers personnels que je vais payer ta bouffe. Mais c'est alors, bien, ouais. Et c'est ça qui est bon. Parce que moi je suis un peu le Cupidon moderne. Mais c'est très bien. Bon, ouais. Allez Mathéo, tiens-nous au courant, passe une bonne soirée Matt. Allez, merci à vous aussi. Allez, à bientôt. Ciao à toi, Mathéo. Ah ben, on est là comme ça, nous, pour faire des nouveaux couples. Mais oui, il faut aider voilà. Les gens. Exactement. Bon, allez, question football. Maintenant, la Coupe du Monde a lieu tous les combien de temps? 2, 3... Ah non, merde. C'est quoi la question que j'ai posée? Oui, c'est ça. Je me souviens plus de quelles étaient les propositions que j'avais prévues. Attends une seconde, je vais te dire ça. 2, 3... 4 ou 5 ans. Voilà, donc c'est tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans, la Coupe du Monde, elle a lieu. Vous nous dites, hein, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique pour repartir avec votre maillot de foot au choix. Pour ceux qui sont sur le Facebook, j'en ai un des Diables Rouges de la Belgique, là, vous pouvez repartir avec celui-là. Hier, j'avais celui de Karim Benzema de l'équipe de France, vous pouvez repartir avec celui-là aussi, du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie, du Brésil, de l'Argentine, bref, tous les pays qui ont participé à ce mondial 2014. Si vous voulez tenter votre chance, à vous de répondre. M-I-K-L est la réponse. La Coupe du Monde a lieu tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Et je vous souhaite bonne chance. Et si on se faisait un son qu'on a découvert sur Fun Radio aussi. On s'est mis bien. Ah, et c'était dimanche soir, on s'est mis plus que bien même avec le nouveau Guetta, Lovers on the Sun sur Fun. Let's light it up until our hearts catch fire. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, on est là 22h30 sur Fun. Il y a Sadia qui dit je suis d'accord avec Toff, là t'es con Polo. Mister Steven, j'ai envie de dire Mathéo, t'étais qu'il a été bon. C'est vrai qu'il n'a pas été mauvais Mathéo. Trop rire Mathéo, il est amoureux, c'est Laura, la douce fada qui dit moi je suis bélier, je suis né le 2 avril. C'est bien ça, douce fada, comme moi. Enfin bélier, hein, moi je suis pas né le 2, je suis né le 19. Bon, avant de parler justement de des profils sexuels en fonction de votre signe astrologique, on va se refaire un petit coup d'appels malveillants. Mais avec plaisir. À base d'américains, comme ils sont en train de jouer là, Belgique USA toujours 0-0, même si les Belges sont en train de bien taper là, c'est bien, et un petit but ce serait pas mal. Donc les Texans préfèrent se taper des meufs complètement embruties, voilà, pour être sûr qu'elles ne soient pas plus intelligentes qu'eux. C'est ça, c'est du ça. Du coup, bah oui. Bah l'américain moyen étant déjà pas très intelligent, si en plus la meuf est. Donc ils se la ramènent, regarde, regarde. Et donc du coup, on appelle des gens grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On y va, c'est parti, on appelle. Et le premier, c'est celui-là. Putain, il y a une petite américaine qui vient de montrer à la télé là. Ah ouais, je pourrais soutenir les États-Unis. Ça t'a perturbé à ce point. Ah, elle était mignonne, une petite blonde là. Moi c'est fait. Ah oui, bah. Moi je supporte le gagnant moi. Enculé. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre mari vous avait choisi parce que vous êtes un peu abruti, madame. Mais ça va pas, non, vous êtes malade. Allez, non, mais monsieur. Allô ? Ah, elle se raccroche au nez elle-même. Non, mais monsieur, hop. Oui, bah avec un peu de bol, on aura monsieur derrière, justement. Ah. Allez, c'est reparti, 22h33, on rappelle. Alors. Allô. Oui, bonsoir monsieur. J'étais en communication avec votre femme. Je sais pas ce qui s'est passé. On a été coupé. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ben en fait, je voulais savoir si vous l'aviez choisi parce qu'elle était abrutie, monsieur. Oui, mais l'abrutie, c'est toi, le pauvre con. Hein. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que ça te remercie pour appeler les gens. Pour ça, te fait plaisir, ça. Ben ça me fait pas plaisir, monsieur. Mais je vous appelle pour vous poser une question. Mais une question à cette heure-ci. Bah oui monsieur, pourquoi je pourrais pas poser des questions à cette heure-ci? Il faut venir directement chez moi, non, petit gueule. Mais pourquoi vous voulez que je vienne chez vous, monsieur? Bah comme ça, tu penseras face à face. Mais pourquoi vous voulez qu'on fasse face à face? Vous répondez juste à la question, monsieur, ça suffit. Mais pourquoi faire à cette heure-ci? Bah oui, parce qu'en fait, c'est j'ai lu une étude au Texas qui dit oui, que les... c'est ça, oui, une étude au Texas. Oui. Bah oui, ouais. Monsieur. Oui, d'accord. Écoute, demain, faut que j'aille travailler, moi. Faut que je vais dormir, moi. Bah oui, d'accord, mais vous pourrez répondre à la question, monsieur. Écoute. Oui. C'est bon, tu peux raccrocher, puis me tenir tranquille, parce que sinon, après, je risque d'aller mal. Là. Bah oui, mais répondre à la question, alors, monsieur. Oui, je vais répondre à une question, oui. Allez, salut. Ben non, vous avez pas répondu là, monsieur. Ben j'ai pas la peine de répondre, allez, arrête tes conneries là. Ben si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Si je vous appelle, oui, c'est pour que vous répondiez. Ça t'amuse? Mais comment ça m'amuse? Bah oui, ça t'amuse de t'appeler comme ça, de t'appeler les gens comme ça. Mais non, ça m'amuse pas, monsieur. Moi, je vous pose une question gentiment et vous êtes désagréable. Si jamais les gens ils sont désagréables, s'ils vont pas répondre aux questions, là, tu raccroches, c'est ah, fini. Ah bah non, parce que moi, je vous appelle pour avoir une réponse, monsieur. Donc c'est pas gentil de votre part. De toute façon, je m'en fous. C'est vrai que tu dois pas payer cher, mais bon, en fin de compte. Je sais pas ce que vous avez, vous, à s'amuser comme ça, les gens, à emmerder le monde. Mais je vous emmerde pas, monsieur, je vous pose une question, c'est vous qui faites des chichis à pas répondre. Petit gars, là, je dors. Bah oui, mais vous répondriez à la question, vous seriez déjà rendormi. Oui, c'est ça, mon petit con. Hein. Enfin... Je sais pas ce que vous avez vraiment, le plaisir que vous avez à faire des trucs comme ça, vous. Ça vous fait vraiment plaisir, les gars, vous devez jouir d'aimer comme ça. Ah bah non, monsieur, enfin, pas de ça entre nous. Ah, pas de avec nous, bien sûr, ouais, petit rigolo. Mais non, monsieur, je suis pas un petit rigolo. Allô? Ah merde, il a raccroché. Bon, oh, bah très bien, bah dommage, c'est pas grave. Bon, bah on en appellera d'autres tout à l'heure. Hein. Ah bah avec plaisir. Bah voilà, ce sera avant minuit, donc restez bien là. Et attention, je répète encore une fois la question pour repartir avec votre maillot de foot de l'équipe de votre choix, ou alors les chaussures, ou même encore les ballons de foot. Bah vous envoyez simplement la bonne réponse. Hein. La Coupe du Monde a lieu, certes, tous les X années, mais tous les combien de temps? Tous les 2, 3, 4 ou 5 ans? Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort avant minuit, je vous offre votre maillot au choix. Pour ceux qui sont sur Facebook, là j'ai le maillot des Diables Rouges de la Belgique. Vous repartirez avec celui-là si vous le gagnez. Sinon, j'ai, oui, bah, on a aussi toutes les équipes de France, la Selección du Portugal, la Selección du Brésil. Il y a également la Selección de l'Espagne. Bon, même si ça vaut plus très très cher cette année, mais bon, bref. Il y a également l'Argentine. Bref, tous les pays qui participent au Mondial 2014 sont là. C'est offert par ProDirect Soccer et on vous offre ça. Donc, tous les combien de temps a lieu la Coupe du Monde? Tous les 2, 3, 4 ou 5 ans, vous envoyez M.I.K.L. à la réponse au 64 900 et je vous souhaite bonne chance. Anthony est avec nous maintenant. On aura Anthony de Charleroi pour nous donner son avis sur le match Belgique-États-Unis, évidemment. Mais ce sera la mi-temps. Je me demande s'il sera en pleurs ou pas. Mais non, ça va, là, la Belgique perd pas, donc il devrait pas être en pleurs. Bon, Anthony est avec nous. Où toi? Dans le 42, c'est ça, Anthony? C'est ça, ouais. Très bien, bienvenue à toi, Anthony. Alors, toi, tu voulais réagir par rapport au profil sexuel en fonction de ton signe astrologique, c'est bien ça? Allô? Ouais, oui, c'est bon. Tu es là? Oui. D'accord, donc tu disais, c'est quoi ton signe astrologique? Vierge, on n'a pas encore fait Vierge, très bien. Alors, ils sont les Vierges. Ah voilà, les Vierges. Les natifs de la Vierge aiment la simplicité. Si votre partenaire est Vierge, vous avez de la chance. Ce sont généralement les partenaires qui prennent du plaisir à donner du plaisir. Comment y résister? Tu te reconnais ou pas, Anthony, là-dedans, toi? C'est exactement ça, ouais. Ouais. C'est quand même un très très beau signe. Oui, signe. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Tiens, il y a Cédric qui dit, moi je suis Capricorne, ça donne quoi sur le Twitter? Alors attends. Capricorne. C'est où le Capricorne? Ah, c'est là. Les natifs du Capricorne n'en ont jamais assez. Ils ont une libido très affirmée et ont besoin de l'exprimer verbalement. Si votre partenaire est Capricorne, testez la fessée ou le dirty talk pour l'exciter. Donc le dirty talk, c'est genre, allez, t'aimes ça, sale chienne. T'aimes ça, cochonne. Voilà. Pute, je vais te baiser. Peut-être c'est pas peu jusque-là, ouais. Mais bon, pourquoi pas, ouais. Polo, ah bon, on l'avait fait tout à l'heure, toi, poisson. Hein. Je suis poisson, ouais. Voilà, et puis il y a Stéphanie qui voulait savoir si. Pour les béliers, bon, comme moi. Alors attention. Ah, mais c'est le meilleur signe, ça, c'est le meilleur signe, forcément. Anthony, ta meuf, elle est quoi, là? Je suis célib. Ah, et ton ancienne meuf? Attends. Elle était ton. Très drôle, taf. Non, non, c'est Polo qui l'assume ses vannes. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon. Moi, elle était du mois de juin, et je sais plus ce que c'est, on voit. En juin, c'est... Alors, attends, avril, mai, juin, Gémeaux. Gémeaux, ouais. Ouais, c'est Gémeaux. Alors, les Gémeaux sont fans du Quickie. C'est quoi le Quickie? C'est le sexe rapide. C'est genre un petit coup à gauche, ouais, à droite. Oui, d'accord, quoi. Ok. Leur devise, c'est vite fait, bien fait. Si votre partenaire est Gémeaux, il vous suffira de trouver un endroit où satisfaire son envie entre deux dossiers urgents. Plus vous le ferez, plus sa libido sera épanouie, pardon. Alors, prêt pour battre un nouveau record? Bon, dites-nous, hein, si ça vous correspond, les Gémeaux. J'en lirai d'autres tout à l'heure, dont les Béliers. Je le garde pour un petit peu plus tard, celui des Béliers. Normal. Bah oui, il faut attendre. Normal. C'est le meilleur signe. Hein. Bah oui, c'est le mien, c'est vrai. Bon, ben merci Anthony d'avoir appelé. Et tu reviens quand tu veux. Tu dis quoi? Un petit son. Un petit son, oui, tu veux écouter quoi? 10 euros, ah ouais, 10 euros avec 5 hours. Alors attends, où est-ce qu'il est celui-là, 10 euros avec 5 hours? Voilà. Ça te parle celui-là? Ouais, c'est énorme. Très bien, eh ben je te le mets, il y aura aussi le son, ça je l'aime beaucoup, Saya, avec le son. Merde, putain, oh là là, je fais de la merde. Alors attendez, Saya avec Chandelier, il est là. Voilà. Ah, des chandeliers. Oh, il a un chandelier. Voilà, et puis on mettra aussi un nouveau son là, Oliver Eldens avec Gecko. Et pour Taf qu'il aille apprendre à chanter aussi. Ouais, mais c'est Polo de nouveau, hein. Tu as du mal à reconnaître les deux voix. Ça passe pas bien, on dira, dans le téléphone. Et en plus, on a une voix de bah défaut. Regarde, ça c'est Polo. J'ai la parodie de Grégoire que vous aviez fait à l'époque. Il y a Taf à la fin, c'est horrible. Ah oui, à la fin, oui. Alors oui, à la fin, c'est très horrible, effectivement. Oui. Mais c'est le seul moment où il a chanté, je te le rassure. Bon, ben merci. D'ailleurs. Merci Anthony, en tout cas. Tu reviens quand tu veux, hein. Allez, salut. Salut Anthony. Et on devait prendre Jérôme là. Il a juste coupé à l'instant, Jérôme, c'est pas grave. Ah. En attendant, il y a Yann avec nous. Salut Yann. Salut. Salut. Oh, t'es hindou encore toi. Oh, décidément, oui. C'est la soirée. Non, je suis pas encore hindou officiel, mais j'aimerais bien. Ah ouais, mais t'es hindou, hein. Ah oui, oui, là, oui. T'es hindou, mais pas officiel. Bon, les auditeurs qui n'ont pas encore 15 ans ou qui n'ont pas mué sont donc des doux. Pour être doux officiel, il faut impérativement passer par le général Polo qui est là. Je te le passe, Yann. Ok, merci. Fais attention, il peut être un petit peu violent. Est-ce que tu as prévu, est-ce que t'as un gilet pare-balles? Ah, non. Il vaut mieux mettre un gilet pare-balles, hein, c'est plus sûr. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Ouais, bah enfin bon, bon, bah, alors, vas-y, on y va. Non, Yann, bien. Oh non, enfin. Oh là là. Bon, alors. Yann. Oui, sacré merde. Moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux, et général en chef de l'armée des doux, sacré merde. J'ai ouï dire que tu aurais voulu devenir doux officiel. Sacré merde. Ouais. Eh bien, sacré je merde. Peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux. Sacré merde. C'est qui met sacré merde derrière? Bah, c'est sacré merde. C'est Mickaël? Mais non, pas du tout. Bon, mets-toi à genoux. Non, on va te faire et arrête de discuter. Sacré merde. Et tu à genoux? Oui. Insulte-toi. Je suis une pute, je suis un pédé. C'est pas une insulte. Un gros connard. Il suffit, Yann, il suffit. Est-ce que tu ferme ta gueule, je t'emmerde, branleur. Est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Ça va te faire enculer. Eh bien, assaisonne ta tête de coups, s'il te plaît. Ok. Yann? Oui. Tu m'as menti, ce n'était pas ta tête. Ah si, je te promets. Refais-le. Très bien. Si, c'est sa tête. Yann? Oui. Je t'annonce la bonne nouvelle. Tu es enfin un doux officiel. Bravo. Et comme t'es un peu bizarre là, je t'appellerai le doux comique. Le doux comique. Attends, voilà. Je note. Voilà, je le note partout. Le doux comique, et tu dois le noter sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram, partout, Yann. Tu dois prévenir tes potes également d'écouter l'émission tous les soirs. Hein. Et tu l'écris C-O-M-I-K. D'accord. C-O-M-I-K. Voilà. Ah, C-O-M-I-K. Ouais, comme avec un K, ouais. Comme un comique. C'est voilà. Plus court. Oui. Je peux dire un message à Tof? Eh bah, vas-y. Bien sûr. Tof va te faire reculer par ta meuf. D'accord. Par ta mère, pardon. Ah, elle aussi. Oui, les deux. D'accord. La totale. Je leur dirai. Bon, le doux comique. Oui. Allez, casse-toi. Je te fais une dédicace. Bon, deux même, puisque t'es doux officiel, oui. Vas-y. Oui, alors, je vais faire une dédicace à mon frère Bastien. Ta merde. Pardon. Il est encore plus doux que toi, lui. Mais ah, il a 7 ans. Ah ouais, d'accord, ah ok. Oui, il est vraiment doux, alors. Et qui d'autre? Eh bah, toute l'équipe de Fun Radio. Eh bah, c'est gentil, merci à toi en tout cas. Tu vas avoir un pack fun? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Ok, merci. Salut, ciao à toi. Ciao. Il me faut marrer avec leur petite voix. Ouais. Et le petit derrière encore plus. Mais c'est, je les aime bien parce que ça raconte pas les doux. Exactement, ouais, c'est vrai. Non, ils sont bien. Bon, restez sur Fun Radio. À suivre, le son de Chandelier. Chandelier, c'est Saya qui arrive. Et puis on se met aussi une heure sans pub sur Fun Radio. Je vous rappellerai également la question pour repartir avec vos maillots de foot juste après ça. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Nos limites. Mickaël. Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Allez, 22h49 sur Fun Radio, mi-temps au Brésil, 0-0 entre la Belgique et les États-Unis, avec les Belges qui ont mis quelques patates, mais bon voilà, en vrai, ça a l'air d'être... Bah quand ça veut pas, ça veut pas. Bah quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Il y avait Kevin De Bruyne également qui a mis une belle patate sur la fin là, mais bon. Il y a Katarina qui dit Tof, ça te va, 1m68, 57 kg, pantalon 38, poitrine 90B. Bah avec plaisir. Et bah voilà, très envoie bien. Envoie ta photo. Bah écoute. Mais même une naine, il le prend lui. Oui, lui c'est il est pas dans le détail. Toi. Aurélien, moi c'est Lyon, c'est quoi? Ah ben je vais lire ça dans un instant, tiens, pour les Lyons. Et puis aussi, je vous repose encore une fois la question, on donne la réponse avant minuit. La Coupe du Monde a lieu tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS et vous repartirez peut-être avec votre maillot de foot. Maillot de foot au choix, vous choisissez l'équipe que vous voulez. Pour ceux qui ont Facebook, je porte celui de la Belgique puisque les Belges jouent ce soir. Hier, j'avais celui de l'équipe de France. Encore avant, si vous allez regarder un petit peu plus loin sur le Facebook, j'avais celui du Portugal. conjugale. Donc ouais, si vous voulez repartir avec un de ces maillots et l'équipe de votre choix, hein, et une des équipes qui a participé au mondial cette année là, et vous envoyez MIKL et la réponse au 64 900. Combien de fois, tous les combien de temps a lieu la Coupe du Monde? 2, 3, 4 ou 5 ans? Je vous souhaite bonne chance. Jérôme est avec nous maintenant d'Albi. Ça va Jérôme? Ouais, ça va. Je voulais te prendre juste avant la pub et ça avait coupé, Jérôme. Voilà, on t'a récupéré, c'est le principal. Alors, ouais, c'est cool, c'est cool. Plaisir de vous avoir, franchement, vous déchirez mes grands. Eh ben c'est merci. Gentil. Eh ben merci à toi, ça fait plaisir. Ça fait cool d'écouter des gens comme vous, quoi. Eh ben c'est cool. Tu fais quoi dans la vie, toi? Et moi, je suis élagueur. Élagueur? Ah ouais, donc tu coupes dans les arbres, toi? Ouais, voilà, petit bûcheron, quoi, et je travaille dans les jardins, voilà. Ah bon, d'accord, ok. T'es dans quel coin, là? T'es à Albi, dans 80, c'est ça? Dans le 80, c'est ça. D'accord, très bien. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Jérôme? Et moi, en fait, je voulais parler d'une aventure. Il y a 5 ans, j'ai resté avec une scorpion. Une scorpion, ouais. Ouais, et en fait, quand j'ai appris le signe scorpion... Tu l'as viré direct. Direct, c'est quoi? En fait, non, je suis resté 5 ans avec elle, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai su que après dans les 5 ans, j'ai su qu'elle m'avait fait cocu 5 fois, quoi. Oh putain, ah, ouais, pas mal. Et elle était scorpion, c'est ça? Ouais, elle est scorpion, ouais. Et je me suis renseigné sur les scorpions, quoi, et en fait, on m'a dit que c'était les pires chez les femmes, quoi. On m'a dit que c'était les signes des salopes, quoi, les pires zodiacs, quoi, les... Ah carrément. Ouais, bah, attends, parce que moi j'ai... Attends. Mais ça dit quoi, ouais? Mais t'es un ouf, toi. C'est-à-dire que là t'as tous les mecs qui sortent avec une scorpion, mais... ils sont en train de tout éplucher. Mais mec, déjà comment tu peux croire ça? C'est-à-dire que les mecs ils sont en train de te dire: ouais mais attends, tu vois l'étoile là, ouais, elle est dans la lune, et puis tu vas l'avoir dans le cul dans... Attends, parce que je les ai lus les scorpions là, je me souviens plus. Non, je crois pas, non. Je crois pas, hein. Scorpion, alors attends, tu diras si c'est vrai, hein, d'accord? Vas-y, ouais. Puisque je rappelle qu'on a merde, comment on appelle ça? Les profils sexuels en fonction du signe astrologique. D'ailleurs, si vous voulez votre signe, vous pouvez toujours envoyer MIKL et votre signe au 64 900, par SMS ou alors sur le Facebook et le Twitter. Alors, on était à... Scorpion, hein, c'est ça, hein? Oui. Ouais, alors, le comportement sexuel des natifs du scorpion en dit long sur leur humeur du moment. Si votre partenaire est scorpion, les rapports sexuels sont extrêmement importants. Ils permettent de communiquer avec l'être aimé. Ils sont vécus comme des moments uniques de partage. Cependant, faites attention aux sautes d'humeur qui pourraient gâcher ces instants à deux sous la couette. Est-ce que tu confirmes? Ouais, je confirme, mais grave, parce que... Alors, ça y est, toujours des... Attends, on t'entend mal, ça coupe là. Ah, Anthony, malheureusement, là. Ça coupe. On dirait que tu passes sous un tunnel. Anthony, reviens, Anthony. Merde, oui, excuse-moi, Anthony, c'est après. Jérôme. Merde, putain, je crois que ça a coupé. Jérôme. Ah, tof, c'est pas tof, c'est pas le malin. Ouais, il vaut mieux pas faire le malin. Bon, c'est pas grave, on va essayer de le rappeler, je crois qu'il est dans une zone où il n'y a pas trop de réseau. Bon, en attendant, et avant de reparler des signes, Anthony. Bon. Ah. Ça va, Anthony? La star des stars. Le spécialiste du foot. Ça peut aller, oui, non. Bon, alors l'Algérie, hier, là, comment ça s'est passé, là? J'ai craqué, j'ai pleuré. Ah, le pauvre. Ah. Et bon, n'empêche, quand c'était 2-0, j'ai failli pleurer. Après, quand j'ai marqué, j'ai commencé à gueuler, j'ai dit « Ouah !» Et après, j'ai commencé à sauter partout. Et quand ça a été fini, là, j'ai pleuré. J'étais sous le coussin en train de pleurer. Sous le coussin. Attends, tu peux nous refaire le wake que t'as fait? On s'imagine de nouveau qu'on est hier soir avec le but, hein, d'accord? Ouais, alors attends. Voilà, on est là tranquillement. Et attention, l'Algérie qui met le but, et l'Algérie met le but. On l'a rien entendu là. On recommence. Et l'Algérie qui met le but, 2-1. Ouais. Ah c'est tout. Ah ouais, c'est un petit ouais quoi. Ah ouais, je m'attendais à quelque chose de plus... Non. Ah bon, donc t'es relativement calme quand même, quoi, malgré tout. Hein. Ouais, il est émotif, oui. mais pas trop dans la démonstration. Ouais, quoi. C'est ça, un peu plus calme, quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, alors, le match, là, ce soir, là, donc, alors, déjà, premier match entre l'Argentine et la Suisse. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, franchement, ça a été chaud jusqu'au bout, et Messi a marqué le but décisif. Non, bah, non, justement, c'est Angel Di Maria. Ouais, c'est Di Maria, c'est qui? Sur une passe décisive de Lionel Messi. Mais c'est Di Maria, le madrilène, qui a mis le but. Jamais il dit Messi, puis tu dis non, c'est un Angel, mais couille là, il dit Maria, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, est-ce que la victoire était méritée pour l'Argentine? Non. Non. Est-ce que la Suisse aurait dû gagner? Non. Non. Ah, bon, alors personne gagne alors. Voilà, ils auraient dû tous rentrer chez eux. Non, aujourd'hui, au penalty, là, on aurait décidé. Enfin, là, ça aurait décidé tout seul. Ah, là, ça aurait décidé tout seul, d'accord. Bon, alors, Belgique, États-Unis, puisque c'est la mi-temps, là, on va récupérer Jérôme dans quelques secondes. Belgique, États-Unis, 0-0, mérité. Bah, au début, j'ai pas vu le match parce que je savais qu'on vous dire copain, mais après, j'ai vu le reste. Attends, donc... tu rates le début du match de la Belgique, Anthony? Bah oui, mais j'ai raté 2-3 minutes, c'est pas. Il s'est rien passé de grand chose. Ah, d'accord, ok. Bon, et donc, du coup, alors, mérité ou pas le 0-0? Bah, il y a des occasions de partir d'autres, donc je dirais, je serais tenté de dire oui. D'accord, ok, très bien. Et un pronostic quand même pour la fin du match? Je dirais une victoire de la Belgique 0-2 ou 2-1. Ah, 0-2 ou 2-1? 0-2? Ou 2-1, ça veut rien dire ce que tu dis. Parce que 0-2, ça veut dire que la Belgique perd, puisque c'est Belgique-États-Unis. Et puis 2-1, ça veut dire que la Belgique gagne et 1 pour les États-Unis. Faut te décider maintenant. Hein. Ben, je dirais 2-1. 2-1. 2 pour la Belgique et 1 pour les États-Unis. Temps réglementaire ou on va jusqu'aux 120 minutes? Temps réglementaire, je dirais. D'accord, ok, très bien. Bon, on va voir, Anthony. Hein. Ouais, Mickaël, si la Belgique gagne, n'oublie pas ce qui s'est promis. Hein. Ouais, ouais, tu pars dans les rues, tu klaxonnes et tout, ça va être la folie. Très bien, parfait. Voilà. Eh ben, je te rappelle au cas où, ok? D'accord, bon, enfin, de toute façon, je te rappelle. D'accord, Anthony, d'accord. À tout à l'heure. Très bien. Allez hop, Anthony, le spécialiste du foot. C'est notre consultant, hein. Ah bah, spécialiste. Cher, spécialiste. Très cher. Voilà, il y en a qui se font chier, écouter RMC, regarder Bean, mais je comprends pas parce qu'on a quand même un putain de consultant. Bah, attention, j'ai encore eu un appel tout à l'heure de Bean Sports qui voulait avoir Anthony pour parler des matchs, pour l'avoir sur le plateau. Non. J'ai dit, allez vous faire enculer, même pas en rêve. De toute façon, il y a eu Thierry Roland et maintenant il y a Anthony. Eh ben maintenant il y a Anthony de Charleroi, évidemment. Bon, t'es de retour, Jérôme? Ouais, je suis là. Ah, ouais. Ça avait coupé, on t'entendait plus de nouveau. Ça a coupé net, mais j'ai pas compris non plus. Ça a coupé écoute, net, quoi. Bah, je sais pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on t'est retrouvé. Bon, alors, du coup, c'est Anthony, Jérôme, pardon, on en était où? J'ai oublié maintenant. Mais on en était sur les signes de scorpion, quoi. Et ah moi, oui, c'est vrai. Et moi, je te disais que mon signe à moi, quoi, en fait, nous, les Gémeaux, quoi, on flirte toujours, mais sans conséquence, quoi. Ouais, et tandis que les scorpions, eux, chez les femmes, quoi, tandis que chez les hommes, eux, non, pareil, ils sont comme les Gémeaux. Ils flirtent, mais il n'y a jamais de conséquences. Tandis que chez les femmes, quoi, c'est des salopes, c'est vraiment des salopes. Mais quoi. Oui, mais... Oh, mais quel violent grave, mais tu peux pas... Mais non, tu... mais grave, c'est quoi? Attends, au bout de 5 ans, c'est quoi? Encore, elle me l'aurait dit, c'est quoi? J'aurais pardonné, quoi. Ah, voilà, bah d'accord. Elle aurait été libertine, quoi, par amour, voilà, parce que je l'aime encore, c'est pareil, on s'aime encore, quoi. Ça, c'est un truc de dingue, quoi. Mais c'est pas, attends, ça n'a rien à voir avec son signe, c'est qu'elle est comme ça, c'est elle est comme ça, pour le même prix, elle était taureau, c'était pareil, hein. Mais je pense pas, non. Bah, Toff, c'est une salope, il est balance. C'est une putain de balance. Parce que honnêtement, maintenant, moi, je te dis, sur les signes, ça y joue grave, quoi. Depuis moi j'y crois pas trop aux signes. Enfin, moi aussi, moi j'y crois grave, quoi. J'y crois grave, quoi. Parce que regarde, d'habitude on dit souvent que les béliers sont têtus, désagréables et tout. La preuve que non. Mais oui, Mickaël, c'est le mec qui est dans le consensus tout le temps, Mickaël. Voilà, moi je suis toujours ouvert au dialogue. C'est vrai, il... toujours d'accord avec mon prochain. Et c'est quoi? Les poissons, soi-disant, ils sont créatifs. Ils sont un truc comme ça. Alors que pas du tout, la preuve. Tu disais, Jérôme? Ouais, ben moi on m'a confirmé plusieurs personnes, des personnes de certain âge, quoi, ou peu importe, quoi, qui m'ont confirmé que ce que je disais c'était purement vrai. Et puis même elle me l'a dit, quoi, que voilà, c'est qu'elle aimait ça, quoi. Et puis voilà, je le voyais, et que quand je faisais l'amour avec elle, quoi, elle montrait bien que voilà, quoi, elle en voulait grave, quoi. C'est clair. Bah non, mais voilà, mais après ça dépend, voilà, ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense pas que ce soit vraiment le merde, c'est pas comment le signe, dire. Ouais, le signe. Ouais, le voilà, signe, je pense pas que ce soit vraiment le signe. Personne, quoi. Je pense pas non plus. Bon, enfin bon, après, il faut voir. Bah, merci en tout cas, Jérôme, d'avoir appelé. Hein. Ouais, mais carrément. Mais voilà, quoi. Tu reviens quand tu veux. Vous voulez pas passer une petite musique, quoi, un petit bon truc, quoi, des années 80? Ah, qu'est-ce que tu veux? Les années 80, c'est pas très fun, mais qu'est-ce que tu veux? Bah, du Mike Brandt, par exemple. Mike Brandt? Mais toi, t'es complètement ouf. Je pense que c'est pour ça que ta meuf a t'a quitté, mec. Ah, il y a peut-être de ça, ouais. Mike Brandt, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Laisse-moi t'aimer. Et c'est même pas années 80, c'est encore avant. Hein. Anecdote intéressante sur Mike Brandt. Attends, Jérôme, on l'entend pas. Qu'est-ce qu'il y a, Topalo? Non, en fait, Mike Brandt ne savait pas parler français du tout. Oui, c'est vrai. Et en fait, il apprenait, parce qu'il est israélien, et il apprenait en phonétique. Exactement. Parce que tout ça, en fait, il répète, il sait même pas ce que ça veut dire. Voilà. Ah, c'est bon, ça. Pourtant, il chantait bien. Ouais. Le plus long, le plus beau. Et il s'est suicidé. Bon, voilà, et effectivement, il s'est suicidé. Tu disais, Jérôme? Vous m'écoutez là? Bah oui, on t'écoute, mais on était en train de parler, Jérôme. Non, mais parce que. Ouais, voilà, mais je sais, vous êtes en train de parler, quoi. Non, mais parce que Mike Brown, je voulais écouter parce que, voilà, ma maman, elle est décédée, quoi, et elle écoutait que ça, quoi, voilà, et ça ne me parle pas ça à elle, quoi. D'accord, voilà, c'est, ok, c'est, là, on comprend. Énorme, non, mais là, j'écoute pas du Mike Brown. Je crois que Jérôme, c'est pour ça que ta meuf, elle s'est barrée, parce qu'en fait, une fois que tu parles, tu ne t'arrêtes plus. C'est-à-dire que même quand on dit Jérôme, tu continues non-stop, t'entends pas dans le téléphone, parce que c'est peut-être possible que le soit standard chez nous qui soit merdique. Mais vous parlez vite aussi, mais je parle vite aussi, quoi. Bah oui, non, mais d'accord, mais quand mais tu parles, parler vite et écouter les gens, c'est autre chose. Non, mais y a pas de problème, et je comprends, écoute. Mais là, de toute façon, je l'ai même pas en entier, quoi qu'il arrive, j'ai qu'une minute. Ouais, mais en même temps, c'est quoi, y a même pas 5 minutes, j'ai tiré une grosse bulle, donc on va dire que je suis un peu défoncé, donc voilà, quoi. Ah, ceci explique cela. Tiré une grosse bulle, c'est-à-dire que t'as fait caca? Non, il a fumé du shit. Bon, salut Jérôme, merci d'avoir appelé en tout cas, tu reviens quand tu veux. Ouais, ça marche. Salut à toi. Ciao Jérôme. On va parler des signes encore dans quelques minutes. On aura Wilfried avec nous. Et attention, vous vouliez connaître les béliers? Ah bah oui. Allez. On attend que ça. Les béliers sont connus pour leur tempérament. Tempérament agressif dans la chambre à coucher. Eh oui. C'est violent et passionné. Comment leur résister? Mais qui pourrait te résister, Michael? Mais oui, bah je me demande. Si votre partenaire est bélier, testez des positions nouvelles afin de pimenter votre vie sexuelle. Ah oui. Sachez que les béliers aiment avoir le contrôle de la situation. Alors, laissez-vous guider. Ah, si vous êtes bélier, appelez-moi. J'adore cette chanson. Ça me rappelle cette fille dont j'étais amoureux il y a très longtemps. Je voulais me dire ta gueule. Oui, bah ta gueule, effectivement. Ouais. Ah bon, voilà, voilà, c'est ça. Bon, bah voilà les béliers. Bah, c'est bien, un bon signe les béliers. Hein. Ouais. Ah bah ouais, franchement, non, c'est pas mal au niveau des béliers. Je suis plutôt content d'être bélier, moi. Ah, c'est bah, bien, merci à mes parents de m'avoir fait en août. Ouais, à peu près, ouais. Bah, c'était au Portugal hein, pour les vacances, forcément, donc en août. Au bord de la piscine. Bah, il n'y a pas de piscine avant, mais oui. Ah, bélier, c'est en août. Bah, il faut avoir été fait en août pour sortir en avril. Grosso modo, hein. Ah d'accord, oui, voilà, oui, parce il faut 9 mois pour arriver, donc voilà. Donc du coup, Polo, toi t'es en février, donc t'as été fait en... Je sais plus compter. 2, 7... En avril, en mai. Ouais, c'est en mai, ouais. Voilà, en mai, tac, voilà, t'as été fait en mai, toi. D'accord. Et Toff, il a été fait où? En merde, il a été fait en merde. En mars. En mars? Ouais. En mars. Non, en janvier, en janvier. Ah bah ouais, il se faisait tellement chier, ses parents, il faisait froid et tout le bordel, ils se sont dit, bon allez, on va faire une merde. On va faire Christophe. Voilà. C'était à Alger. Ah bah c'était à Alger, il est né dans une poubelle d'ailleurs, c'est marqué sur Wikipédia. Bah, on n'invente rien. Hein. Wikipédia l'a dit. Vous tapez Toff Fun Radio sur Google, Wikipédia, vous tomberez sur la vraie page. Hein. Toff, tu devrais relire ta page parce qu'il y a un truc qui te énervera. Plus que ça. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on t'a assimilé à quelque chose. Exactement, qui va t'énerver. Ouais. Enfin, bon, 23h03 sur Fun Radio. Avant d'écouter Dior, on l'avait demandé avec 5 Hours. Et ben, on se fait péter le son de Saya maintenant sur Fun Radio. Chandelier. Et on reviendra juste après, bien évidemment, avec vous toutes et vous tous. On est au cœur d'une heure sans pub. C'est le retour du match, là. C'est parti. Deuxième mi-temps. Belgique-USA. 45e minute de jeu, évidemment. Toujours 0-0. On vous tient au courant. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. On Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est pas bien, il y a la page Wikipédia qui a été vandalisée. C'est vrai, il y a une guerre. Il y a une guerre d'édition sur ma page. Ouais, c'est ça, c'est la page de Toff qui a été vandalisée. Wikipédia a fait une pause dessus, on peut plus rien poster. Ils ont fait le ménage parce qu'apparemment il y a une guerre de publication là. Ouais, pendant 4 jours on peut plus rien mettre. Oh putain, dramatique quoi. Vous avez vandalisé la page Wikipédia de Toff, la honte. Bon, il y a un message du Doux qui l'est pas qui dit c'est quoi un scorpion? Je vais le dire là, scorpion. Alors attends, c'est quoi scorpion? Mais j'ai dit scorpion, me semble en plus. Hein. Si, comportement sexuel dénatif, je viens de le dire du coup là, le Doux qui l'est pas. Voilà. Bon, je vous rappelle la question pour repartir avec vos maillots de foot là. C'est parti, maillot de foot à gagner au choix. Si vous avez la réponse à cette question, c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Alors, la Coupe du Monde a lieu tous les combien de temps? 2, 3, 4 ou 5 ans? Si vous avez la réponse, envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort dans une cinquantaine de minutes, un petit peu avant minuit, hein, voilà, et bah vous repartirez avec le maillot de foot au choix, ou le ballon, ou alors les chaussures de foot. C'est vous qui choisirez, tout simplement. Je vous souhaite bonne chance. Donc la Coupe du Monde a lieu tous les combien de temps? 2, 3, 4 ou 5 ans? Envoyez M-I-K-L, espace la réponse. Et si vous êtes tiré au sort, c'est gagné, en toute simplicité, évidemment. Tiens, je sais pas, bon, évidemment, aujourd'hui on est le 1er juillet, donc c'est fini, les cours, tout ça c'est plié. Mais est-ce que quand vous étiez au bahut, vous étiez plutôt populaire ou plutôt pas populaire? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Pas du tout, Polo? Je l'étais, mais pas, mais sans l'être. En fait, j'étais pas le plus populaire, mais j'étais dans la populace. D'accord. J'étais dans le... Ouais. Ok, moi je l'étais pas du tout avant. Enfin, c'est sur la fin, si tu veux, oui, parce que c'est moi qui foutais la fin. Pas que moi qui foutais la merde, mais donc on était une espèce de petit clan fouteur de merde. Pas méchant, hein, mais voilà, on était relou. Mais bon, au début, pas du tout. Donc je posais la question parce que selon une étude, les élèves populaires deviennent des losers plus tard. Heureusement, je n'étais populaire que 1 ou 2 ans. Ah oui, ça va. Donc ça va. Et donc selon les psys, ils ont plus de chances de finir alcooliques, drogués et sûrs de commettre des actes criminels. Donc venez nous raconter comment ça se passe pour vous là. Est-ce que vous êtes plutôt... Bon, si vous n'êtes plus à l'école du tout aujourd'hui, est-ce que ça a mal tourné ou pas pour vous? Et est-ce que vous êtes ou étiez populaire? Voilà, vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on en parle là ce soir avant minuit. Il y a Aurélien qui dit sur son Wikipédia, diplôme aucun. Ça m'étonne même pas. C'est Aurélien qui avait envoyé le message en parlant de la page Wikipédia de Toff. Il y a Nico sur le Twitter. C'est faux, j'ai eu un diplôme. Ouais, oui, bah ouais, bon. Et je l'ai encore dans mon bureau. Ah, c'est beau. Ouais, je crois que j'ai le casse-couille. Non, du. Du plus gentil fils. Du meilleur chieur ou un truc comme ça. Ouais, et ouais, j'ai le droit de faire caca partout, un truc comme super. Ça. Super. Et Nico, Nico qui dit Toff est tellement connu que sa page Wikipédia est bloquée. Ah, t'as vu, comme quoi c'est un truc de ouf. Hey, hein. Alors. Ah ouais. Et Franck qui dit salut l'équipe, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'aimerais bien une chanson. Ok, mais quelle chanson? Je peux te mettre la chanson d'anniversaire si tu veux. Ça, en revanche, y a pas de problème. Voilà, bon anniversaire à toi. J'espère que c'est le 1er juillet, pas le 2, hein, parce que sinon on sera un peu en avance. Voilà. Voilà, et bon anniversaire à toi, donc, pour les anniversaires. On met la petite musique qui va bien. Bah oui. Bon voilà, petite musique qui va bien. Ça fait du bien. Mais tout à fait. Appel malveillant dans une vingtaine de minutes, restez sur Fun Radio. Et puis on a Wilfried avec nous de Clermont-Ferrand. Salut Wilfried. Wilfried. Oui. Wilfried. Oui, allô? Ah, t'es là. Salut Will. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien, merci, et vous? Bon, ouais, ça va, tranquille. Je me mets à la place d'Anthony, l'auditeur à Charleroi, qui est notre consultant footballistique là, qui doit être mal là. 52e minute, il n'y a toujours pas eu de but, rien. Ah, il doit être mal. Ah bah oui. Déjà l'Algérie, il était pour l'Algérie hier, ils ont perdu, il pleurait. Aujourd'hui, il est pour la Belgique. Bon, pour l'instant, ça gagne pas, ça perd pas, mais bon, s'il perd, je pense que là on va le ramasser la petite cuillère. Hein. Ouais, là, je pense qu'il pourrait se suicider. Hein. Ah ouais, non, là, ça peut être dramatique. Il va se pendre. Eh ouais. Tu suis un peu le foot ou pas, toi, Wilfried? Non, pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord, ok. Bon, bah alors, très bien. Alors, Wilfried. Allô? Voilà, en fait, oui. Ouais, dis-moi, alors, comment ça se passe, toi, tu nous appelles pourquoi? Je voudrais des conseils pour ne pas stresser pour le permis, je le passe vendredi pour la deuxième fois. Ah, la deuxième fois, d'accord. Bon, alors, déjà, effectivement, le truc pour pas stresser, c'est qui... Enfin, pour réussir le permis, il faut déjà y aller sans stresser. C'est-à-dire que c'est le meilleur moyen de le rater, c'est d'être stressé parce que tu fais des conneries. Ah, c'est sûr, ouais. Non, mais il faut y aller à la cool. Oh putain. Je regarde le foot en même temps. C'est-à-dire que là, ils ont tout raté, les Belges. Il y avait trois. La balle est passée devant trois joueurs belges, ils l'ont tous raté. Magnifique. Eh ben, c'est pas comme ça qu'on ira en quart de finale pour rejoindre l'équipe, les Bleus, tiens. Eh ben, c'est dommage. Bon, donc je disais, pour le réussir, il faut y aller pépère en te disant, bah, c'est pas grave. Tu le rates, recommenceras. C'est pas catastrophique. Il faut y aller vraiment serein. Moi, quand j'y suis allé, vraiment, j'y suis allé à la cool. Voilà, ça s'est super bien passé. J'ai fait une connerie au tout début, le mec qui me dit va aller à gauche, va à droite comme un con. Normal. Mais voilà, tu vois, le mec il a vu qu'il y avait un petit peu de stress. Évidemment qu'il y en a un peu. Mais après j'ai fait plus aucune connerie, donc c'est passé nickel. Mais les mecs ils vont prendre la tête si tu grilles un feu, les lignes continues, tout ça en fait. Faut pas faire des grosses erreurs si tu mords la ligne, tout ça. Ou alors s'il m'avait dit effectivement va à gauche, que je vais à droite et que c'est un sens interdit, bon là il m'aurait aligné, là c'est sûr. Ça. Mais bon, on pouvait aller à gauche, à droite, c'était pas grave. Mais je me souviens, j'avais mon instructeur qui était là, et je le voyais quand le mec a dit aller à gauche et que j'étais à droite, mais qu'il a mis ses mains sur les yeux en disant oh. Ah mon Dieu, encore un qui va rater. Non mais bon, ça s'est bien passé, je l'ai réussi du premier coup. Jamais eu de retrait de permis, un conducteur mauvais. d'elle. Mais oui. C'est vrai. Bah évidemment. Mais attends, jamais ouais, de vrai, retrait, respect ni rien. Des stationnements. Respect de tout. Non mais sérieux, bah, c'est vrai sûr. Que d'ailleurs, Mickaël n'a jamais eu une amende. J'ai déjà eu des PV pour les stationnements, voilà. Ah oui, mais ça c'est je mordais un peu sur le bon. Un chouïa, comme ils disent. Mais rien de grave. Voilà, c'est ça, rien de catastrophique. Non mais voilà, mais qu'est-ce qui t'a fait rater toi la première fois, puisque tu m'as dit que c'est la seconde. J'étais beaucoup stressé de ça. Attends, j'entends rien. Tu parles avec un kit main libre là ? Non, pas du tout. Ah d'accord, ok, j'ai l'impression. Donc tu disais quoi ? C'est quoi qui t'a fait stresser ? J'étais stressé du coup quand l'inspecteur l'a vu. Ouais. Il m'a emmerdé, enfin il m'a posé plein de questions et tout ça, pourquoi j'étais très stressé tout ça. En même temps, il est con, pourquoi t'es stressé ? Bah, il n'y a pas 150 000 réponses, tu vois. Enfin, et après, je sais pas pourquoi, je l'ai pas eu du coup, parce qu'il l'a même pas marqué sur la feuille du permis, pourquoi je l'avais pas eu. Mais t'as eu un petit... C'était tellement catastrophique ? Comment ? Je dis c'était si catastrophique qu'il a même pas écrit pourquoi tu l'avais pas. Mais non, mais maintenant ils te disent plus rien, c'est-à-dire qu'ils t'envoient une enveloppe par la poste. Bah oui, parce qu'il y a tellement de moniteurs qui se sont fait agresser, d'examinateurs, ils se sont fait mordre l'oreille, ils se sont fait frapper et tout. Donc maintenant les mecs ils te le disent pas, tu rentres chez Watt et tu le reçois après. Et tu le reçois 2-3 jours après, ouais. D'accord. Ouais, c'est ce que j'ai eu et tout ça. Alors qu'avant, non, il y a quelques années, il te le disait de dans la bagnole. Il disait, vous êtes reçu et toi. Mais après, t'en as effectivement qui était un peu nerveux, ouais. Ah oui. Mais même moi, je l'avais réussi, pourtant il me l'a pas dit. Alors que tu sais, quand tu réussis, à la limite, tu l'aurais pu le dire. Non, moi j'ai dû attendre et tout, et rien. Enfin, je le suis par après, quoi. Bon, écoute, faut vraiment y aller zen. Dites-nous si vous avez déjà passé le permis ou un examen et que vous avez stressé ou pas stressé. Et. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour pas stresser ? Moi, j'ai pas vraiment de conseil pour pas stresser, à part te dire, bah, il faut y aller serein, mais. Tu sais, c'est des conseils, c'est facile à dire, quoi. Voilà, oui. quand t'es stressé de nature, c'est difficile. Moi, je suis plutôt zen de nature, donc ça va. Mais, mais voilà, faut être à la cool. Et puis, tu sais, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas une. Non, tu vas pas te faire opérer, tu risques pas ta vie, non. Au pire, tu le rates. Eh ben, c'est pas grave, tu vois, il y a un repasse. Voilà, au final, tant mieux, il y aura un conducteur en moins sur la route, ça fera un bouchon de moins. Ouais, bon, moi j'ai une copine, elle a sa quatrième fois. Bon, à un moment, il faut quand même le réussir. Ah oui, c'est violent là, quatre fois. Ouais, quatre fois, c'est. Elle a 36 heures d'auto-école. Non, mais il y a un moment, faut arrêter là, faut lâcher l'affaire. Hein. Non, mais c'est quoi ? Elle a repéré son souci ? Elle n'est pas douée. Voilà, elle n'est pas douée. Je pense que c'est ça son problème. Mais t'as eu des cours, teuf ? Bah oui. Bah oui, en autolib. Bah oui, je vais la prendre en autolib. C'est facile en plus, il n'y a pas de vitesse. Bah oui. Mais au moins, elle va être bien, quoi. Tiens, un message qui est arrivé. Ah oui, ça c'est par rapport au populaire à l'école, on en parlera, tiens. Bon, du coup, Wilfried, reste avec nous. On va demander l'avis des autres, hein, s'il y en a qui ont déjà passé les examens permis, d'accord. En l'occurrence, et s'ils ont des conseils pour pas trop stresser. Appelez-nous maintenant au standard. Il y a Sandro qui décroche. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous donnez vos avis. Pareil aussi par SMS. Vous envoyez Mickaël et votre message. Vous envoyez ça au 64 900 et on en parle ce soir en direct, évidemment. On va également prendre Alicia qui est avec nous de Lyon. Salut Alicia. Salut. Comment ça va ? Ça va et vous ? Bah ça va, tranquille. Alors il y a Jean-François sur le Twitter qui dit « Moi je n'étais pas populaire du tout et quand je suis parti, une rumeur disait que j'étais devenu modèle. C'est bizarre. » Ah ouais, effectivement. Ouais. Moi j'étais pas populaire, je suis un geek, alors allez voir ma chaîne YouTube, tapez de Dark Boy Dark. Merci, bah, on ira voir, y a pas de problème. Et puis, donc du coup toi Alicia, est-ce que t'étais populaire ou pas toi à l'école ? J'étais pas populaire, mon premier ami, et je vois pas à quoi ça sert d'être populaire dans un sens. Bah, dans l'absolu, c'est juste pour te mettre un peu en valeur, c'est ça quand t'es populaire. Ouais, mais tu sais, c'est comme dans les films américains, tu sais, les mecs populaires, c'est celui qui joue au football, qui est le quarterback, qui se ramasse toutes les filles, qui est au beau gosse. Et c'est vrai que dans les films, en général, c'est vrai, celui qui est hyper populaire termine comme une merde. C'est vrai. Il finit toujours mal. Soit il finit mort. Ouais. Parce qu'il s'est fait buter. Comme dans Scream où ils meurent tous les beaux gosses. Voilà. Soit effectivement, bah tu sais, il a une vie de merde. Il a une vie de merde. Mais c'est vrai que c'est toujours le mec un peu minable, moyennement minable, il se pécho la bombe de meuf. À la fin, toujours. Et il lui arrive que des trucs bien. C'est dingue, hein. Et ouais, complètement, ouais. J'ai une chance alors. Bah non, peut-être, ouais. Bah non, toi t'étais pas populaire, mais t'as raté ta life. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis le contre-exemple de tout. Voilà, c'est ça. Et lui, il a eu les deux tards, c'est dommage. Bon, donc Alicia, toi t'étais pas populaire. Et est-ce que tu connais. Est-ce que t'as encore des contacts avec celui ou celle qui était populaire dans ton bahut ? Alors, il y a eu quand même plusieurs personnes populaires, il n'y en avait pas qu'une. Donc, Et après, j'ai quand même contact avec une personne qui était populaire et d'autres qui n'étaient pas. Les autres qui étaient populaires, je n'ai plus de contact avec eux parce que je m'entendais pas spécialement avec eux. Ouais. Voilà. Non, mais après, je vois pas à quoi ça servait. Tout simplement. Déjà. Oui, voilà, mais après, voilà, on parle pas, on fait pas le débat sur savoir si ça sert ou pas d'être populaire. Hein. C'est juste pour voir si, par rapport à l'étude qu'on a trouvée là, apparemment, ceux qui sont populaires terminent toujours en loser, alcoolique, drogué, ont toutes les chances de commettre des actes criminels. Ça, c'est des psys qui ont trouvé cette thèse. Quand j'étais en primaire. Quand j'étais en primaire, en fait, c'est vrai que même au collège et tout, tous les mecs qui étaient un peu populaires, en fait, ils ont rien fait de leur life. Oui, mais c'est vrai, ça. Hein, tous les petits beaux gosses, parce que moi, je me souviens, toute ma vie, tu sais, ils recevaient des petites, je vais vous raconter un truc, ça me fait mal au cœur d'en parler. Est-ce que je peux avoir la musique de... Je vais la mettre, la petite musique. Et en fait, tu sais, ils recevaient des lettres de filles, tu sais, pour leur dire qu'elles les aimaient. Et en fait, ces bâtards, au lieu de les lire, tu sais ce qu'ils faisaient, ils les déchiraient. Et moi j'aurais rêvé d'avoir cette petite lettre d'amour. Rien. Bah non, je recevais rien. Que dalle quoi, tu recevais rien et tout. T'étais un peu loser quoi. Voilà, et maintenant je suis une star. Alors que t'aurais bien voulu avoir une petite lettre et faire une petite danse. Ouais, une petite lettre d'amour comme ça, avec dire est-ce que tu veux sortir avec moi? J'aurais dit oui. Ah oui, bah bien sûr. Eh ouais. Ah et puis voilà en fait. Ça aurait été beau. Mais je suis une star aujourd'hui, ce sont tous des merdes. Et je vous emmerde, bande c'est de cons. Tu t'emballes un peu là. Bon, attends, il y a Steven également qui est avec nous là. Salut Steven. Steven? Oui. Ah. Oh, mais Steven, t'es le doux, toi, le doux à la voix de canard? Eh ouais. Oh, il est de retour, le doux à la voix de canard. Il est revenu. Le doux officiel. Ouais. Alors, est-ce que t'es populaire au bahut ou pas? Ah bah oui, moi oui, je suis populaire. Avec ta voix de merde, c'est donc bizarre. Donc, tu vas finir mort, drogué ou alcoolique? On verra ça. Bon, on verra. Mais qu'est-ce qui dit que t'es populaire? Genre, tout le monde aimerait bien être toi? Non, pas vraiment, non, mais tout le monde me parle, enfin, on se dit tous bonjour, enfin... Ça c'est juste dans un bahut qui est poli, c'est tout, mais... Ouais, voilà, c'est un truc catholique. Je suis pas le plus populaire, mais je suis quand même assez populaire. T'es un peu populaire quand même, d'accord, ok. Ouais, et t'as pas peur de mal finir, du coup, avec les psys qui ont trouvé cette nouvelle... Ils sont cons, ils sont juste abrutis. Qui ça, les psys? Oui. Ah ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai, hein. Ils sont abrutis comme Kotov. Mais non, parce qu'en fait, le doux... Ouais. Les mecs, en fait, quand ils sont populaires, toute leur vie, ils ont besoin de cette popularité. Et puis, ils avancent pas parce que les mecs, ils sont populaires. Tu vois, je veux dire, ils ont pas besoin. Ils ont pas besoin de se battre. Comme nous. Voilà. Ouais. Pas tous. Mais si, la plupart, je t'assure. Ouais, et c'est des mecs qui passent leur temps à vivre dans cette espèce de monde un peu parallèle. Faux, voilà. Et donc et les mecs, à un moment donné, ils n'en sortent pas. Exactement. Et du coup, forcément, ils partent dans la drogue, l'alcool, et ils font des meurtres. Mal. Comme on le voit dans les films d'ailleurs. Attends deux secondes, Steven. Où est-ce qu'il est? Je ne sais plus. Oh, Nadia qui est avec nous. Bon, on l'appelait pas pour ça, mais c'est pas grave. T'es là, Nadia? Oui. Comment tu vas? Ça va, merci. Bon, très bien. T'appelles de Limoges, Nadia. Et est-ce que t'étais populaire, toi, au AU ou pas? Moi, c'était pas pour ça. C'était pour l'horoscope. Je sais, mais c'est pas grave. Je te pose la question quand même. T'étais pas spécialement, non. Et tu connais encore un mec qui était ou une meuf qui était populaire? Non, pas spécialement. Non, dommage, parce que j'aurais bien voulu savoir s'ils ont mal ou pas mal terminé, justement. Tiens, dites-nous, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Du coup, Nadia, ne bouge pas. Alessia et Steven, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Hein. Ouais, merci. Salut et à vous. Oui, Steven. De quoi? Tu peux avoir un ton. Tu peux avoir un quoi? Un son. Un ton, qu'est-ce que tu veux comme ton? Ils ont un son Black M sur ma route. Ah bah non, j'ai plus de place là, parce qu'il y a Dioro, il y a Oliver Eldens, je vais essayer de te le mettre mais je te promets pas, sinon je le mettrai demain. Ouais. D'accord. Merci. Pas de problème, avec plaisir. Salut à toi Steven, ciao à toi. Allez, restez sur Fun Radio, on va se mettre le son de Dioro, on l'avait demandé tout à l'heure avec 5 Hours. Et puis je vous rappelle également la question pour repartir avec les maillots de foot juste après. 64e minute de jeu, 0-0 toujours pour la Belgique face aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe dans cette Coupe du Monde? Ils mettent des buts à la fin ou alors ça va aux prolongations, aux tirs au but? C'est bizarre, c'est payé tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, la France, ils ont mis deux buts sur la fin. Hier, l'Allemagne aussi. Pareil, L'Algérie, l'Argentine tout à l'heure aussi. C'est bizarre. C'est pour maintenir le suspense. Ouais, mais bon, c'est bizarre. Hein. Bon, allez, c'est parti. On est au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit, 20h minuit, horaire d'été. Eh bah oui, c'est comme ça. Et puis on aura Oliver Eldens aussi, un nouveau son dance floor que je vais vous faire découvrir avant minuit sur Fun Radio. Restez là. Oh, Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, 68e minute de jeu. Toujours 0-0 pour la Belgique, même s'il y a beaucoup d'occasions pour les Belges, notamment une petite barre transversale également tout à l'heure là. Bah c'est toujours 0-0 et on va voir comment ça va se passer. J'espère en tout cas que ça va rentrer à un moment ou à l'autre. Enfin bon, Laura qui dit moi j'étais pas populaire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans quand j'ai quitté l'école. D'accord Laura, pour ne pas stresser, regardez les 6 Star Wars en une nuit, c'est Antoine. Ouais, sauf que t'arrives déchiré quoi. Ouais c'est ça, en fait t'arrives après complètement endormi, donc si tu veux c'est pas hyper intéressant non plus. Hein. Bon, avant de reparler des signes là, il y a Wilfried qui voulait passer le permis là, t'es là Wilfried? Oui. Oui, ah merde, attends deux secondes, je vais juste rappeler la question pour le foot là, Wilfried, bouge pas. Combien de fois, il y a la Coupe du Monde, mais tous les combien d'années? 2, 3, 4 ou 5 ans? Si vous avez la bonne réponse, vous repartez peut-être avec tout simplement votre maillot de foot au choix. Moi j'ai celui de la Belgique actuellement sur moi, hier j'avais l'équipe de France, j'ai aussi celui du Portugal. Et bah si vous voulez votre pays également, bah il suffit simplement de répondre à la question. La Coupe du Monde, c'est tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et si vous êtes tiré au sort dans 30 minutes, vous repartirez avec le maillot de votre choix. Et je vous souhaite bonne chance. Alors, oui, quelqu'un qui avait proposé tous les ans également. Non, c'est pas ça, hein, parce que sinon je pense que on en aurait plein de cul du foot là. Hein. Ça ferait beaucoup de coupes. Ah du monde. Ça ferait beaucoup de coupes du monde, je confirme. Surtout que n'oubliez pas qu'entre la coupe du entre deux coupes du monde, il y a une coupe d'Europe. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ça vous donne une idée, un petit indice comme ça au passage. Bon, Wilfried, toi tu nous avais appelé parce que tu passes le permis, t'es en stress, ça fait deux fois que tu le passes et que tu le rates du coup. Et il y a Dylan qui est avec nous de Lyon. Beaucoup de Lyonnais ce soir, c'est bien. Salut Dylan. Salut. Ça va Dylan? Ouais, ça va. Bon, ben, bienvenue à toi. T'avais un petit conseil peut-être à donner à Wilfried au niveau du stress? Oui, moi je l'ai eu au bout de la quatrième fois mon permis. Ah oui, oui ça va. Ah ouais, c'est bien, t'es... Ouais, mais aussi j'étais mal conseillé. Pourquoi? Bah la première fois, j'avais suivi le conseil de mon cousin qui fume un petit peu. Ouais, bah, j'ai roulé en marche arrière pendant tout le test. bah non, c'est ça, c'est qu'il fume un petit peu, puis il avait fumé avant d'aller à l'examen. Ouais. Attends, coupe la radio derrière, s'il te plaît, sinon tu vas t'entendre en double, Dylan. Ouais, et puis, il est allé à l'examen, et il avait fumé avant, et bizarre, il l'a eu du premier coup à 28 points, je crois, et des brouettes. Ah ouais, putain. Bon, par contre, faut pas le faire, parce que sinon, je vais rentrer d'accident et tout, c'est une galère. La première fois, c'est ce que j'ai fait, je l'ai raté. Donc, j'étais pas très cool, sur ce soir-là, j'ai merdé. Puis après, je suis allé trois autres fois, on va dire... détendu, je me suis dit allez go, je vais y aller sans stress, je vais essayer de faire mon mieux. Ouais. Et rester à des courses, bah la troisième fois quand je l'ai passé, je me suis chopé un moniteur qui venait de Montpellier. Donc ouais. Il venait de Montpellier qui arrivait à Lyon, donc pour les circuits c'était pas facile on va dire. Puis voilà, et après mon moniteur il m'a dit écoute pour la prochaine fois, viens détendu, tu t'en fous qui sera à côté de toi et tu l'auras. Et donc écoutez, je suis arrivé détendu, tranquille, j'ai fait mon truc et je l'ai eu tranquille. D'accord, faut y aller, cool. Faut y aller en se disant, bah ouais. C'est comme si c'était une leçon d'auto-école, sauf que là t'as voilà quoi. En plus le mec il est derrière, donc tu sais tu fais pas gaffe à lui, t'en branles de sa gueule quoi, bah tu ouais, vois. Voilà. Faut imaginer qu'il est à côté de toi, que c'est comme si c'était une leçon d'auto-école. Moi j'ai fait comme ça la dernière fois, puis je l'ai eu, il m'a dit vas-y comme si c'était une leçon d'auto-école. Ouais. Tu t'imagines que t'as ton moniteur à côté, stop, tu fais comme si c'était une leçon d'auto-école. C'est ça, attends, tu sais quoi, t'arrives, tu te mets bien, hein. Bah ouais, voilà. Tu te mets bien, tu mets un petit son là, qu'est-ce qu'on peut mettre comme son là? Attends, tu mets bah tu mets ça pépère, voilà. Hop. T'allumes un gros spliff. Voilà, non mais tu te mets tranquille, t'es là, tu t'installes, le moniteur il est derrière. Ok, t'arrives tranquille. Tu démarres la voiture. Voilà, aussi tranquille. Un petit coup de klaxon pour vérifier que le truc fonctionne. Et puis après voilà, tiens. Ouais, voilà. Comme ça t'es pépère. Et bah ben voilà. Ouais, bah ouais. La même chance pour son ville, hein. Hop, tu mets un frein à main et t'es pépère. Mais ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et là tu te en bataille là. Voilà, c'est ça, ouais. On est tranquille. Tu vois Wilfried, c'est ça qu'il faut faire, oui. pour pas rater, hein. D'accord. Ouais Wilfried, t'imagines qu'à côté de toi c'est une leçon d'auto-école. D'accord. Et tu imagines que c'est ton moniteur, sauf que voilà, tu vas tranquille, tu conduis peinard. Et depuis que je l'ai, bah ça, j'ai 21 ans, je l'ai passé à 18, depuis que je l'ai, je suis à 12 points sur le permis et je me suis pris qu'une seule amende. Désolé Miguel. Hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien, Dire, attends, il y a aussi Cédric qui est avec nous, tiens, attends deux secondes. Cédric avec nous de Champagne-Ardenne dans le 51. Salut Céd. Bonsoir. Bonsoir Céd, comment ça va? Ça va et vous? Bon, ouais, tranquille, ouais. Alors Cédric, toi t'as des conseils aussi pour terminer sur le permis là, avant de laisser partir Wilfried pour qu'il se repose là, avant de faire le permis justement? Alors moi je les conseille de... Alors moi c'est ce que j'ai fait et ça m'a vachement bien réussi. Je me suis bourré la gueule la veille. Non, justement, oui, bah une heure avant, une heure avant que tu passes ton permis, ouais. Tu prends un Doliprane. Et comme ça t'es à moitié endormi. C'est ça, et tu ne stresses pas. Oui, mais ah bah par contre tu ne vois rien également puisque tes yeux se ferment. Bah, sinon tu peux essayer le Prozac aussi, comme ça tu auras l'impression de flotter autour de la voiture. Mais moi ça m'a bien servi. Bon, certes, j'ai fait beaucoup d'heures de conduite. Ouais. Mais t'es en train de lire un texte? Oui, non, en fait il a pris un Prozac. Il a pris un Doliprane là. Pour pas stresser avant de passer à l'antenne. Non, oh non, pas du tout. Non, ah bon. C'est que je sors du boulot, alors voilà. Ah oui, ok. Donc du coup, tu prends un Doliprane avant de une heure avant et puis moi ça m'a bien réussi et maintenant. Et du coup ça a fonctionné. Écoute, bon, toi ça. Ça a fonctionné pour toi, c'est tant mieux. Wilfried, oui. Je te conseille quand même pas de prendre des substances bizarres, même le Doliprane, tout ça. Mais voilà, vaut mieux y aller tranquille, reposer. Et voilà, ça rate, c'est pas grave, tant pis, tu le repasseras. D'accord, oui. Mais oui. Oui, moi je l'ai eu en 3 fois, donc. Bah oui. Après, voilà. 3 fois sans frais. Beaucoup de frais, mais. Ouais, avec beaucoup de frais, c'est clair. Beaucoup de frais. Hein. C'est clair. Bon, bah Cédric et Dylan, merci en tout cas d'avoir appelé. Je peux passer une dédicace? Bah vas-y, Dylan. 30 secondes, là je suis en voiture, mais hop, vas-y. Je passe pas allez. Voilà, je passe une grosse dédicace à Guillaume, mon pote, là, que je vais rejoindre. Et puis, merci à toute l'équipe de fans, vous gérez, vous animez mes soirées. Eh ben, c'est gentil. Ah, on a nouveau perdu. Ouais, c'est pas grave. Eh ben c'est pas grave, écoute, merci Dylan en tout cas, c'est gentil, t'embrasses tous tes potes, hein, même si on t'entend plus, c'est pas grave. Et puis Wilfried, tiens-nous au courant, c'est quand que tu passes le permis? Vendredi matin. Vendredi, bon on t'appelle dimanche soir pour voir comment ça s'est passé, d'accord? Y'a pas de soucis, merci. Bon, allez, c'est parfait. Salut Wilfried, hein. À bientôt. Allez, ciao à toi Wilfried. Bon, restez sur Fun, on va parler dans un instant avec Dania par rapport à Nadia pardon, par rapport au signe astrologique justement. Et puis on va se faire les derniers appels malveillants de la soirée. Oh, déjà. Eh bah ouais, c'est vite passé. Oh, hein. C'est triste. Allez, appel malveillant à base d'Américains, donc rien à voir avec le match États-Unis-Belgique là pour l'instant où la Belgique va mettre un but. Mais oh là là, encore un raté, putain. Pour détourner, pour dégager. Oh là là, Marc Wilmot, je pense qu'il peut s'arracher les cheveux là, il devient complètement fou. Bon, on suit toujours en live le match pour ceux qui n'ont pas la télé. Oh putain, que des ratés, que des putains d'occasions et chaque fois c'est à côté quoi, bordel. Bon, je disais donc que les Texans, apparemment il y a une étude qui dit que les Texans préfèrent se marier avec une meuf complètement débile pour être sûr qu'elle ne soit pas plus intelligente qu'eux. Voilà, c'est ça. Du coup, on appelle des gens pour leur demander s'ils pensent pareil. Bah c'est ça, pour voir si en France c'est la même chose. Voilà, grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon alors attends, on attend quand même le corner hein, Tof, on sait jamais. On sait jamais. Avant de faire jamais. Les appels, ça m'ennuierait d'interrompre un appel en plein milieu. 10e corner pour la Belgique. Et c'est à côté. Voilà. Allez hop, on y va. On appelle maintenant. Oh, tu je croyais qu'il avait dit là. Et tête de con, parce qu'il a dit compagnie. Ah, je croyais et tête de con. Parce qu'il savait que je regardais, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et tête de con nous regarde et ça c'est beau. Bon allez, c'est parti, on y va. On appelle maintenant le premier là tout de suite. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Qui c'est? Oui, je m'appelle Tof monsieur. Qui c'est? Qui? Je dis c'est Tof monsieur. Qu'est-ce que cette connerie? Mais c'est pas une connerie en fait monsieur, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez choisi votre femme parce qu'elle était abrutie. Allô? Non, bah oui, bah il s'en fout là. Hein. Bon, on rappelle hein. Allez hop. C'est un peu l'impression que j'ai. Ouais. Oui, complètement, on rappelle. Va faire foutre, connard. Oh, mais enfin monsieur. Monsieur n'aime pas être réveillé hein. A priori, j'ai l'impression. On rappelle encore un coup quand même. Hein. Pas très gentil, monsieur. Oui, monsieur, c'est pas très gentil ce que vous me dites. Tu vas te faire foutre. Si tu me rappelles encore une fois, tu vas avoir des nouvelles. T'as compris? T'as vu l'heure, espèce de connard? Bah oui, mais ça répond pas à ma question. Te faire foutre. Mais enfin, monsieur, un peu de calme. Non, mais il est complètement énervé. Hein. complètement énervé. Va te faire foutre, espèce de connard. Bon, c'est rien, c'est pas grave. On en appellera d'autres dès demain. On va mettre ça sous le coup de l'énervement. Ouais, voilà. On rappellera demain à partir de 20h. Il y a Max du 11 RNY. Oh, ça faisait longtemps, tiens, Max. Moi, je suis allé au permis en mode no stress. On me l'a donné. On me l'a pas donné pour excès de prudence, vieux con. Ouais, mais si tu roules sur l'autoroute à 30, si tu veux, c'est interdit aussi. Hein. Morgane aussi. Moi, j'étais populaire, mais dans le mauvais sens. Après, ça a été mieux la dernière année. Faut manger du chocolat pour déstresser. Il y a Mr. Steven qui dit j'ai pas été populaire durant les cours. Je suis rassuré, je ne deviendrai pas un loser. Ça ne veut pas dire non plus que si vous n'étiez pas populaire, vous ferez quelque chose de votre vie. Hein. Comme toi. Moi, Cédric qui dit je suis populaire, moi, oups, ah merde, bah, le deviens plus, hein. Arrête tout de suite. Et Nico qui dit au lycée, j'étais le mec qu'on venait emmerder alors que je restais peinard dans mon coin. Ouais, donc ça va, t'étais pas populaire. Hein. Pour le coup, t'étais même plutôt tranquille. Nadia, tu es de retour, Nadia ? Oui. Parfait. Alors, Nadia, tu nous appelais par rapport au signe astrologique. On est tombé sur... attendez, c'est un site là qui parlait des signes astrologiques et qui te donnait ton profil sexuel. Tu es de quel signe, ma belle ? Bélier. Ah ben bah, comme moi, quel talent. Quel beau signe. Le top du top, le meilleur du meilleur, la crème de la crème. C'est vrai ? Oui, c'est pas faux. Mais oui, mais bah, je te le dirai justement, tiens Nadia. T'es née quel jour, toi, en avril ou en mars ? 28 mars. 28 mars. Ah, t'aurais été en avril, t'aurais été meilleur. Mais enfin, c'est le début du bélier, c'est bah pas non, mal. C'est pareil. Non, mais t'aurais été meilleur dans le sens où, tu vois, il était un peu mieux. Tu vois, c'est comme la viande un peu plus cuite, tu vois. Ouais. Mais c'est bien quand même, Nadia. Un peu plus c'est bien tendre. Quand même. Donc, je disais les béliers, puisque c'est des béliers, je le répète. Les béliers sont connus pour leur tempérament agressif dans la chambre à coucher. C'est vrai, Nadia ? Non, c'est pas forcément vrai. Enfin, ça dépend à quel sens du terme, quoi. Ah, bah agressif, pas méchant, hein, mais dans genre tu emmènes la chose, quoi. Tu vois, tu gères. Bah, pas forcément, mais après, je voulais réagir surtout par rapport au scorpion, ce qu'il avait dit. C'était Jérôme, je crois, qui avait dit ça. Ouais. Et ouais, t'as un auditeur qui avait dit que toutes les meufs scorpions étaient des cochonnes. Étaient des connasses et des cochonnes et des salopes. Ah oui, quel scandale. Il a été un peu violent quand même, hein. Non, mais je pense que pas forcément toutes, mais après, c'est vrai que les hommes, enfin, moi, je prends mon expérience, les hommes scorpions, c'est vrai qu'ils sont assez violents. Violents, c'est-à-dire? Bah, ils sont assez violents au lit, on va dire. Assez violents au lit. Oui, dans le sens où ils sont chauds au lit, mais dans le sens vraiment négatif, quoi. Pas comme les béliers, justement. Ah oui, les béliers, mais voilà. Ils sont chauds, mais dans le sens positif. Voilà, en fait, ils sont chauds, exactement. Ils sont bons, mais voilà, une petite claque, quoi. Une petite claquette sur les fesses. Non, pas non plus. Ouais, mais non, vite fait. Non, le bélier est parfait. Bélier, donc façon, forcément, ouais. Ah, tu sors avec un bélier ? Oui. Ah, madame a bon goût. Hein, mademoiselle est connaisseuse. Non, mais sinon, c'est vrai que les scorpions, ils sont pas forcément... Enfin, on va dire que c'est pas les signes qui sont connus pour être les plus fidèles. Donc voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai, c'est ça vrai. Ça m'étonne même pas, en fait, ce qu'il avait dit sur la France, en fait, qui n'a pas été fidèle, on va dire. Ah ouais, ok. Non, c'est vrai. Peut-être que t'as raison, Nadia. Je ferai les autres signes dans quelques minutes. De quoi ? Non, mais je pense que c'est lié au fait que, du coup, elles sont... Enfin, que les scorpions sont très, très chauds, on va dire, au lit. Mmh. Et du coup, je pense que ça a joué sur le fait qu'ils puissent être infidèles plus que les béliers, peut-être. Ouais, peut-être, mais ça peut-être. Aurait... peut-être. Enfin, c'est chez... Mais les béliers sont connus pour être loyaux. Mais comment tu peux croire ça Bah ouais, non, mais moi je fais attention avec qui je sors à chaque fois. Elle fait des profils psychologiques. Attends, tu fais elle attention. Fait le thème astral. En fonction du signe astrologique, tu sors ou pas avec quelqu'un ? Ouais, même en fonction de l'ascendant. Avec l'ascendant. Oh là là, toi t'es bah oui, loin, toi. Ça oh mais Nadia. Non, mais attends, mais on s'en fout, c'est des conneries ça. C'est pas en voyant la planète dont qui est la planète, la lune qui est dans son cul en sortie du bélier, écoute, qui va savoir. Écoute, il y en a qui y croient, pourquoi pas. Bah merci Nadia d'avoir appelé en tout cas. De rien. Je te fais des gros bisous. Bonne soirée, au revoir. Salut Nadia, je t'embrasse. Allez, restez là, il y a Sarah dans un instant pour parler des mecs et des meufs populaires. Là, Ryan qui voulait parler des signes, Mywen aussi qui est avec nous dans le Morbihan. Et vous toutes et vous tous, la 82e minute de jeu, c'est encore un corner pour la Belgique. C'est 0-0 toujours. Bah, ça va de nouveau partir en prolongation là. Putain, c'est un truc de ouf quand même ce soir. Bon, on va quand même suivre le corner. Fatigue, les visages. Voilà, je rappelle qu'il y a toujours les maillots à gagner là. Combien de fois a lieu la Coupe du Monde ? 2, 3, 4 ou 5 fois par an. Tous les 2, 3, 4 ou 5 ans, pardon. Oui, parce que 5 fois par an, ça ferait vraiment beaucoup. Là, ça serait vraiment énorme, ouais. Donc voilà, vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64 900 pour repartir avec le maillot de votre choix. La Coupe du... Ah ! Pour Van Gogh, c'est la défense ! C'est raté encore une fois pour la Belgique. Putain de merde. Bon, donc je disais, la Coupe du Monde, ça a lieu tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Vous envoyez M-I-K-L et la réponse au 64-900. Si vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec le maillot de votre choix et au 63-22 pour la Belgique. Bon, encore un corner, on attend encore. Bah oui, attendons. Attendons. Bah oui, attends, on sait jamais que c'est un but là. Je le sens bien là. Et c'est à côté, alors qu'on a des compagnies tirées par le maillot par l'adversaire. Bon, allez, restez là, on revient dans un instant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit au DHK minuit. Allez, bougez pas, on a plein. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Oh là là là là là là, et là une attaque américaine et ouf, heureusement c'est sauvé sur le fil par Vincent Compagnie. Bon, c'est vrai, c'est un exploit et ouais. Je pense que c'est... On est toujours à 89e minute de jeu là, 0-0 Belgique États-Unis et là ça va rentrer. Regardez, un professionnel. Ça fait combien de fois que tu nous dis que ça va Kevin rentrer. De Bruyne. Putain. Il est assez rapide pour retourner. Non, le gardien américain est quand même bon parce qu'il a arrêté des missiles, mais d'une violence quand même. De Bruyne de centrer tout de suite. Oh là là là là, et Vincent Compagnie qui rate ça. Qui rate. Enfin, elle était centrée, elle était cadrée, hein, mais bon, oh, voilà, tant pis, c'est pas grave. 2232e corner pour la Belgique. Putain, oui, c'est vrai. Bon, bah, du coup, on suit corner. Parce que pendant la pub, il y en a eu 3 hein, encore. Hein, donc. Allez. On suit en live. Hydratez-vous, la soirée n'est pas. Bah on s'hydrate là, ouais, parce que je pense que ça va continuer là, les prolongations. Hein. Et c'est encore une fois arrêté. Corner hein. Belge, pas un de dangereux. 20 corners belges. Vertonghen avec Hazard. Oh, oh. Allez attention, Eden Hazard. Et putain, corner. Oh la puissance de feu. Allez, 22e corner là, on y va. Il y a du cœur dans cette. Et merci Bean hein, d'animer nos soirées en même temps là. On suit, vous êtes en direct sur Fun, c'est cool. 3 minutes pour tenir, pour aller chercher la prolongation parce qu'on sait. Allez, on retient au jus là. Putain, mais c'est quoi cette Coupe du Monde où personne met des buts, c'est que c'est en prolongation que ça démarre là. En fait, j'ai l'impression qu'il s'échauffe là. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il fait trop chaud, ouais. Il n'y arrive pas. Et en prolongation, il démarre le match. Et c'est à côté. Pour trouver le but. Et ouais, et Fellaini, ouais, c'est les cheveux le problème, hein. Trop de cheveux sur la tête. Trop de cheveux sur la tête. Les États-Unis marquent maintenant, la cote elle est à 20. Oh putain, c'est-à-dire vous mettez 100€, vous en prenez 2000. Non. Si vous mettez 100€ sur les États-Unis maintenant, vous en prenez 2000. Si 25, elle a 25. Ah bah vous mettez 100€, vous en prenez 2500 à corner. Ah non, ils l'ont pas vu. C'était un Américain qui a foutu le ballon d'or. Ça aurait été le 23e corner pour la Belgique. Bon, eh ben on vous tient au jus de toute façon. En parlant football, je rappelle que dans 5 minutes maintenant, je tire au sort quelqu'un qui va repartir avec le maillot de l'équipe de son choix. Ça peut être la Belgique, par exemple. Ça peut être les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, le Portugal, la France, bien entendu. N'hésitez pas, il faut répondre à la question combien la Coupe du Monde, c'est tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de votre message, enfin suivi de la réponse. Au 64-900 et maniez-vous hein, dans 5 minutes on tire au sort, il y aura Polo contre le reste du monde également, donc bonne chance à vous. Voilà, vous avez quelques minutes encore pour envoyer M.I.K.L. et la réponse au 64-900, je vous souhaite bonne chance. Bon, retour avec Sarah maintenant pour parler des populaires, là. T'es là Sarah? Salut Mickaël. Ça va Sarah? Ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue Sarah, tu voulais parler des mecs populaires toi, puisqu'on était tombé sur un article de psy qui disait que les mecs et les meufs en règle générale, les gens populaires au bahut terminaient en règle générale drogués, alcooliques, morts hein, pour certains oui. d'entre eux ouais, d'ailleurs c'est ça. Donc du coup comment ça se passe chez toi? Est-ce que t'es populaire? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a été populaire? Ouais, moi j'ai mon ex qui a été populaire. C'était par rapport ouais. Vas-y continue. Et ouais, en effet, il a mal fini, quoi. Il a fini drogué, alcoolique. À force de fumer, il finit par plus avoir de dents. Enfin, c'est le vrai carnage, quoi. Ah, oh, quelle horreur. Mais oui, parce que dans l'étude, ils expliquent, si je me souviens bien, que les mecs populaires, en fait, pour garder leur popularité, ils sont prêts à tout faire pendant qu'ils sont à l'école. Donc, ouais. ils boivent, ils sont oubliés. En fait, ils font des concours bidons comme moi, je bois plus que les autres. Exactement, je commence fume à fumer plus, du shit, je fume plus. Voilà. Ils font que de la merde. Ils vont voler chez l'épicier. Donc, ils se mettent dans un système qui leur permet de. Enfin, qui leur permet. Qui les met sur la voie criminelle. Ouais, oui, exactement, sur la voie de la ouais. décadence. Voilà, saloperie, c'est ça. Saloperie de Christophe. Mais t'as encore des contacts avec l'ancien populaire hein? Ouais, vite fait. Et quoi, tu vas le voir en prison Non, peut-être pas en prison, mais enfin, il est tatoué de partout. Ouais, bon, ça, à la limite, bon. Ouais, mais bon, tatoué, au final, ça veut pas forcément dire que t'as raté ta vie, hein, loin de là. Hein. Est-ce qu'il a des morts? Non, je suis tatoué aussi, Ah bon, bah voilà. Quatre, Très bien. Mais bon, lui, c'est plus des tatouages, je crois, c'est des tatouages en rapport avec la mort, le shit. Ah ouais. D'accord. Donc c'est chaud. Donc, ça relève de la psychiatrie, là. Ouais, c'est clair. Bon, bah, 0-0, fin des 90 minutes, là, en prolongation dans quelques minutes pour le match. Il y a un truc que les gens ne savent pas, c'est que Toff est tatoué, mais avec des poubelles un peu partout. Oui. Des déchets, des détritus. J'ai une énorme poubelle tatouée sur toute la longueur du dos. Ouais. Ça me rappelle mon enfance. Mais il a pas de bol, quoi. Non, c'est ça. Ah, c'est un choix. Oui, c'est un choix, oui, c'est sûr. Ouais. Bon, et toi, Sarah, t'étais pas du tout populaire? Bah, je traînais avec la bande des populaires, mais je faisais pas les 400 coups, quoi, j'en ai fait, mais... Ah, en fait, toi, t'avais le côté positif, tu traînais avec la bande pour te mettre un peu en valeur, mais toutes les conneries, tu les faisais pas, toi. Bah, je les faisais, mais moi, je prenais rien, quoi. Ah, c'est eux qui prenaient leur place. Ça, c'est fort. Ouais, t'as raison, hein, cela dit, hein, t'as plus que raison, même. Eh ben, merci, Sarah, d'être passée, en tout cas, je te fais des gros bisous. Eh ben, de rien, moi aussi. Ah bah, très bien. Gros bisous, Sarah, je t'embrasse. Bisous. Salut, Sarah, ciao. Alors, Ryan est avec nous pour les signes, là. Salut, Ryan. Salut. T'es hindou ? Moi ? Ouais. Ouais, on va dire ça. Bah non, oui, t'as pas mué, t'as moins de 15 ans, c'est ça ? Ouais. Bah donc t'es hindou ? Ouais. Et qu'est-ce que tu veux savoir sur les profils sexuels des signes astrologiques, toi ? C'est comme ça, c'est parce que en fait j'ai déjà fait et voilà. Mais c'est pas vrai, arrête, t'as rien fait. Jeanne Françoise t'offre à une poubelle tatouée. Pourquoi est-ce qu'il est marseillais? Non, c'est parce que je suis né dans une poubelle. Enfin, c'est toute une histoire. Ah oui, à Alger. Bah, Alger. C'est vrai, on l'a dit hier en plus. Aria qui dit Mickaël, tu peux dire le signe des Verseaux. Bah, je vais le faire du coup. Hein. Et je ne le répéterai pas. Émilie également. Moi, je suis né un vendredi 13 avril. Je n'ai jamais été populaire, mais j'ai toujours de la chance dans ma vie. Car on dit souvent qu'un vendredi 13 est le jour de la poisse. Ouais, écoute, t'as du bol, c'est bien. Bah oui, faut en profiter. Moi, je suis né le 19 avril, lundi de Pâques, jour des cloches. Comme par hasard. Aussi. Comme par hasard, je suis né ce jour-là. Comme par hasard, t'as rencontré Toff, qui est la cloche en chef. Bah, c'était un signe, à mon avis, effectivement. Nina qui dit, c'est débile le truc des signes astrologiques. Oui, on n'a pas dit que c'était vrai. Hein. Yann aussi, moi je suis connu dans mon bahut parce que je suis drôle. Salut, je m'appelle Johanna, j'ai 14 ans, vous êtes trop marrant, je vous écoute tous les soirs. Merci Johanna. Principal, c'est que tu préviennes tes potes également. Et Devers45, salut Miloulou, énorme coup de pelle avec un gros lance-flamme, j'arrive sur la fin. Les gars, j'étais au foot avec des potes. Bravo Devers45 là, hein. Coup de pelle dans ta gueule. Ça voilà, chien, c'est tout ce que tu mérites. Et c'est reparti pour la prolongation entre premier quart d'heure de la prolongation. De 2 fois 15 minutes. Ouais, j'allais le dire. Voilà, hein, comme quoi finalement on se comprend avec Bean. Bah, oui, voilà, 0-0 pour l'instant. Extra time donc, hein, c'est comme ça apparemment au mondial. Hein, les huitièmes de finale ont du mal à passer par le temps normal, le temps réglementaire. D'ailleurs, si Bean nous écoute, comme ils sont blindés, on veut bien faire une émission de foot pour ouais. eux. Ouais, bah si on veut bien ouais. faire l'afterfourt. L'afterfourt. Hey, tu qu'as proposé ça à Canal Plus là, l'afterfourt. Fait exprès, mais il est tellement programmé pour dire de la merde qu'il y a que de la merde qui sort de sa bouche. L'afterfourt. Ah ouais, putain, ce serait bien l'afterfourt. C'est pas mal. Bah oui, juste oui. après le film de cul de cette Canal. Exactement, ouais. on refait le film. Exactement, ouais. On va prendre Anthony aussi dans quelques minutes là pour avoir son avis sur le match parce que beaucoup de stress quand même dans ce match. C'est vrai. Du coup, on va terminer un peu en retard parce qu'on va se faire polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Ouais. On va également on va appeler le gagnant ou la gagnante pour les maillots de foot là. Bon bah, j'avais dit à minuit, je vous laisse encore 1 minute 40. Combien de fois le maillot de merde. La Coupe du Monde, ça se passe tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et je vous appelle donc pour vous offrir votre maillot de foot offert par Pro Direct Soccer. Allez, bonne chance tout le monde. Et puis on va se mettre le son de Oliver Heldens maintenant sur Fun Radio. Tiens, avec Dzeko. Allez, j'arrête le titre s'il y a un but, je vous annonce. Hein. Non mais attends, je préfère prévenir, comme ça si jamais ça s'arrête, vous n'êtes pas surpris quoi. Il est 23h58 sur Fun, on lâche qu'à minuit, un petit peu plus ce soir. On suit le match avec vous, pour vous évidemment, et c'est Mickaël de Limite. Bienvenue si vous arrivez pour la première fois. Oliver Heldens à l'instant sur Fun Radio là. Allez hop, il est minuit 3. On va appeler le gagnant ou la gagnante là pour le maillot de foot. Je vous l'avais promis, on est un peu à la bourre, on va le faire maintenant. Et donc 1-0 pour la Belgique face aux États-Unis. 96e minute de jeu. Et bah du coup il reste encore 24 minutes encore avant la fin du match. On va voir, tout peut se passer encore. Hein. Ça peut être comme l'Allemagne, hein, 2-0, puis un but, on verra, hein, comme face à l'Algérie, les Allemands, là. On va voir, on vous tient au jus de toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis, on va appeler le gagnant maintenant, tiens. Allez hop, c'est parti, on y va. On appelle le gagnant ou la gagnante, celui ou celle qui a répondu correctement à la question pour gagner le maillot de foot. C'est parti, on y va. Allô ? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles ? Joël, pourquoi ? Pourquoi tu sais qui t'appelle? Non. Bon, tu t'es inscrit à un jeu à un moment, non, ou pas? Pardon? Tu t'es pas inscrit hein, pour jouer à un truc, à un jeu, non? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, bah tant pis, bah, désolé de t'avoir dérangé, excuse-nous. Alors, c'est pas grave. Pas grave. Pas J'ai pas dû grave. Faire une erreur. Salut, hein. Salut. Bon, alors, ça, c'est exceptionnel, quand même. Ou le dire oui. Il veut pas, qu'est-ce que je te dise, quoi. Bah, on va pas le forcer, hein. Bon, bah, du coup, bah, on rappelle dans 5 minutes encore, on en appelle un autre, on va en tirer au sort un autre. Hein. Donc, la Coupe du Monde, c'est tous les 2, 3, 4 ou 5 ans. Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64-900. Bah, du coup, on fait comme le match, hein, des prolongations. Voilà, 5 minutes de prolongation, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et puis, bah, peut-être pour vous, le maillot de l'équipe de votre choix offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Aurélien qui qui dit moi c'est Lyon, c'est quoi? Ben je l'ai eu tout à l'heure les Lyons. Et puis il a tout déchiré donc on peut pas le relire. Bah voilà, il y a Pierre qui dit aussi Mickaël, je t'adore, ton émission c'est juste un ovni. Alors qu'est-ce que ça veut dire un ovni? Parce que c'est un volet, un objet volant non identifié donc. Un volet volant non identifié. Ouais, bizarre quand même. Stéphanie qui dit moi aussi vous me payez des trucs pour que j'arrive à pécho. C'est Stéphanie. Non Stéphanie, pas prévu comme ça pour l'instant en tout cas. On se fait polo contre le reste du monde. Avant ça, Anthony t'es là? Ouais, je suis là. Bon alors comment ça se passe le football là? Je rappelle que c'est notre consultant football, meilleur que ceux de Bein, des RMC, oui, que tous les autres consultants réunis évidemment. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, quand la Belgique le goal est mérité, il est beau, et quand on a marqué, ben, tout le monde a gueulé. Même ma mère, mon père, tout le monde a gueulé. Ah, et tes frères et tes sœurs, ils ont gueulé aussi ou pas? Et ça serait le bonheur. Tout le monde a gueulé. Enfin, tout le monde a gueulé, oui. Ça, c'est l'analyse footballistique. Non mais ça c'est là qu'on voit qu'on a vraiment le meilleur consultant du monde quoi. Mais oui, mais bien sûr, évidemment, c'est ça, c'est le grand talent Anthony. Et comment t'as fait quand le but a marqué? On va se remettre dans l'ambiance. Et but de la Belgique, Kevin De Bruyne vient de mettre son but. Hein, c'est tout. Alors, ouais, c'est comme tout à l'heure quoi, donc t'as pas à crier énormément quoi. Si, hein? Parce que là j'étais dans un feu d'action, mais si, c'est difficile d'imaginer. Ouais, bah, essaye d'imaginer le deuxième but là. Et Eden Hazard qui met le deuxième but. Mais ça ne va pas, ils sont pas encore marqués. Imagine! Mais je peux pas imaginer! Mais enfin, essaye d'imaginer, merde! Mais attends, t'es con ou quoi? Imagine, ils ont marqué, hop, ça a été heureux, allez, vas-y, ouais! Ouais! Oh, c'est. Oh non, Anthony! Alors, t'es mou, Anthony, t'es mou! Anthony, c'est pas possible! Bah, si! Bah, non, c'est non, pas, non, ce mou, n'est pas possible! Bon, petite question là, est-ce que c'est mérité ce 1-0 pour la Belgique? Franchement, oui, parce que le gardien. Mais non, c'est pas mérité, dis pas la chose, quoi. Je sais pas c'est quoi le gardien, de ma vie, c'est une mêlée, un vagin. Un peu vacu, je sais pas quoi, mais. T'as un cul, tout. Un vagin, j'ai entendu cul et vagin. Non, c'est une mêlée, c'est la tentacule, à mon avis, parce qu'il arrête tout. Hein. Des tentacules? C'est quoi des tentacules? Des tentacules, les machins qui vont. Ah, des tentacules! Ah, oui. Des tentacules, d'accord. Mais tu as vu les pieuvres jouer? Ouais, voilà. Ouais. Ah, d'accord, ok. Et ça joue bien une pieuvre? Bah, faut croire que oui, puis c'est reste. D'accord, ok. Ouais, bon, bah, très bien, alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, alors, impeccable. Bon, Anthony, on te récupère à la fin du match, d'accord? Vous aurez fini, non? Ouais, bon, on verra, on va peut-être faire un petit peu de prolongation, tu vois, y a pas de raison, hein. Ah, ça serait bien comme ça, c'est meilleur si gagne, vous entendrez ça. Ah oui, c'est vrai qu'il part avec la voiture. Ouais, avec la voiture, oui. Ah bah oui, voilà, tu vas klaxonner dans Charleroi? Bah, pas tout de suite, mais peut-être par après, oui. Ouais, enfin, on va pas rester jusqu'à 5h du match, t'annonce, hein. Non. Ouais. Non, non, mais je préfère te prévenir. Attention, but en direct. Si. Ah, putain. Oh là là là là là là, putain, ça doit être quelque chose de regarder un match de foot avec toi. Bon, allez, ah oui. Anthony, à tout à l'heure, hein. On te reprend, reste au téléphone, si jamais il y a un but, on te reprend direct à l'antenne. D'accord, pas d'accord problème. Bon, bouge pas, hein. D'accord, pas de problème, je bouge pas. Allez, bouge pas de là, bon bah c'est parti. On va appeler le gagnant foot maintenant, du coup, on a laissé un peu de temps supplémentaire, on a fait le extra time. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond à la question, hein, parce que visiblement tout à l'heure on a fait chier quelqu'un qui s'était pas inscrit, c'est pas grave. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Adam. Salut Adam, tu sais qui, pourquoi t'es là, tu sais qui c'est? Tout va bien avec ta gencive. Ah ben voilà, Adam. Bon, Adam, est-ce que tu as la bonne réponse? La Coupe du Monde, c'est tous les 2, 3, 4 ou 5 ans? Et tous les 4 ans. Tous les 4 ans, t'es sûr? Tu peux encore changer d'avis, hein? Oui, je suis sûr. Certain? Oui, sûr. Tu veux pas demander un ami? Allez, non. On appelle un ami. Allez, on appelle un ami. Tu veux appeler un ami ou pas? Non. Non, mais t'es 50, sûr. 50, hein. Demande au public. Ouais, tu veux demander au public? Non, c'est bon, je suis sûr de ma réponse. T'es sûr de ta réponse? C'est ton dernier mot? Bon, allez, c'est parti. Bah, c'est bravo! Ouais! Bah, dis donc, cache ta joie. Hein. cache ta joie. Si ça te fait chier, je le garde pour moi, le maillot. Hein. Il y a mes parents qui dorment à côté. Ah, il y a les darons des gars. D'accord. S'ils dorment à côté, c'est normal. Bon, du coup, c'est gagné. Bravo à toi. La Coupe du Monde, c'est effectivement tous les 4 ans. Qu'est-ce que tu veux comme maillot? Quelle équipe? La Belgique, s'il te plaît. La Belgique? T'es belge, Adam? Non, j'aime bien cette équipe-là. Ah bon, d'accord, ok. Eh ben, écoute, très bien. Ben, je l'ai justement sur moi, si vous voulez voir à quoi il ressemble. Il est sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Arrête, fais pas genre, t'aimes pas Polo, tu m'as dit qu'il était beau. Non, j'ai jamais dit ça. Oh, moi, je suis pour les Américains. Mais non, mais c'est les trucs au tu sais col. Que c'est pas bien parce que c'est pas bien de cracher sur ta propre nation. Non, c'est pas ma nation. Ça se fait pas. Je suis pas belge. Ça se fait pas. Il y a pas de problème. Je rappelle que Polo est né à Charleroi Et voilà, enfin, à côté de Charleroi, à Villers-la-Ville, pour être précis. Hein. Dans une poubelle. Non, non. Bah, non, attends, il est né à Villers-la-Ville. Oui. Bah voilà, donc il est né à Villers-la-Ville. Oui, il est né à Villers-la-Ville. Je suis pas belge, j'arrête avec ça. Non, bah c'est pas grave, y a pas de malaise. Ouais, pas de malaise. Il est né dans l'ancienne clinique de Charleroi. Bah oui, Anthony. Oui. Il y a eu un but? Non, je suis en cam avec mon futur, donc c'est ça. Ah d'accord, ils ont mis un morceau de. Ils ont mis les images d'avant, parce que comme je regardais pas, je me croyais qu'il y en avait un deuxième, autant pour moi. Bon allez, bah du coup bravo Adam, le maillot des Diables Rouges, il part chez toi, il n'y a pas de problème. On va quand même attendre, je m'emballe un peu, mais on va quand même attendre des fois que la Belgique gagne la Coupe du Monde, autant qu'on t'envoie celui avec une petite étoile. Hein. D'accord. Ok Adam. Sandro, tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. C'est possible. Il n'y a pas de raison. La France est en quart, la Belgique a priori aussi. Bien sûr, ouais. Donc il n'y a pas de raison. Pourquoi ça n'arriverait pas? Ah, si, ce serait drôle. Tu sais quoi, si ça arrive, Toff te baise. D'accord. Grave. Elle a dit d'accord, hein. Elle a dit d'accord, t'inquiète, je vais extraire l'extrait demain pour pouvoir lui repasser en finale. Toff est pressé d'être au 13 juillet, là. Tout d'un coup, là, ça lui a pris comme ça, là. Bon, salut Adam, à bientôt. Hein. Bientôt. Allez, ciao à toi. On sait maintenant Polo contre le reste du monde, ouais, sur Fun Radio. C'est parti. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche plus? Ah bah voilà. Bah ça c'est Martial, hein, qui foutu la merde. Voilà. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio et bienvenue. Vous êtes avec Polo et voici le reste du monde. La grosse, je t'écoute. Oui, Polo, je te prends toute une pipe avec un petit mot troisième. Je comprends rien ce que tu dis, Anthony. Attends, non, tu fais pas partie du reste du monde. Maïwenn. Oui. Je t'écoute, Maïwenn, qu'est-ce que tu veux? Oui, Qu'est-ce que tu veux, Maïwenn? Oh putain, le fou. Eh, hey, Polo. Ouais. J'assure qu'à cette heure-ci, tu t'imagines en train de me sucer la bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule, bâtard. Ça, c'est pas de toi, c'est tiré d'un film, ça. Mais non, n'importe si, quoi. Si, c'est tiré d'un film. Brian. Je t'écoute, Brian. Stop. Deuxième but de la Belgique. J'arrive en plein milieu, là. C'est ce qu'on avait. Oh, et c'est le but. Tout à l'heure sur la frappe, juste. Et voilà, 2-0 pour la Belgique avant la mi-temps. Enfin, la deuxième mi-temps, la mi-temps des prolongations. Je sais pas qui a marqué. Je crois que c'est Lukaku, mais sans certitude. Et ben voilà, la Belgique championne du monde. Regardez, il va indiquer sur ce compte. Avec la petite étoile, tout ça. Retour du Polo contre le reste du monde. Excusez-moi pour cet aparté. Brian. Ouais. Et des planchettes. Prends le numéro de ta grosse pute de merde, s'il te plaît. Et ouais, je suis des planchettes. J'emmerde les planchettes et je t'emmerde, connard. Va, casse-toi d'ici. Aurélien. Salut, ma petite pute. Tu veux une petite blague? Vas-y. Monsieur et madame, d'alors, on t'affiche. Comment s'appelle-t-il? Je sais pas. Oh merde, alors. Oh là là là là. La douce fada, on t'écoute. Wesh, ma gueule, ça va ou quoi? Bien, bien, et toi? Ouais, oh, Polo, j'ai une blague. Vas-y. Tu sais, c'est quoi le prénom de Neymar? Non. C'est Jean. Pourquoi? J'en ai marre. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont pas drôles. Le Belge. Ouais, Polo, t'as remarqué, ça fait 2-0, dis Polo. Hey, c'est la fête avec lui. Qu'est-ce que tu veux, le Belge? Mais je veux que tu fêtes ça avec nous. Non, j'en ai rien à foutre, casse-toi la grosse. Oh, est-ce que tu pourrais me pratiquer une fellation avec un Giant? Non, non, c'est pas possible. Anthony. Anthony. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben moi, je suis pas bon dans Polo, on m'a dit de rester en scène. Ah oui, pardon, Anthony, reste là. Le fou. Wesh, bâtard. Qu'est-ce que tu veux? Je peux faire le générique. Après, ouais. Brian. Ouais, je vais faire une dédicace et le générique. Ok. Aurélien. Je peux faire générique et blague. Ouais, bien sûr, tu peux, ouais, mais qu'est-ce allez, que tu... Allez, casse-toi, la douce fada. Moi aussi, je peux faire le générique. Oh, putain, mais vous voulez tous faire le générique, là. Le Belge, conclusion, ouais, s'il te plaît. Ouais, bon, fous de ton générique, hein. Moi, je veux voir la deuxième mi-temps de la prolongation. Ok, la grosse. Oh, je peux faire le générique. Conclusion. Je conclue avec le générique. Oh putain, le fou. Un générique, ma gueule. Oh là là, Brian. Dédicace à Iman et puis générique. Ok, Aurélien. Générique et blague. Ok, la douce fada. Oh putain, ils sont cons. Alors le Belge, conclusion s'il te plaît. Ouais, je voulais dire à Mike Tyson qu'on lui a mis dans son cul bien profond, hein. Et va lui dire en face. Bah qu'il a qu'à venir ici, hein. Mais j'en ai rien à foutre d'aller dans son pays de burger de merde, hein. Bon, il vient en Belgique bouffer des frites, il saura ce que c'est, hein. Bon, le Belge, conclusion s'il te plaît. Ouais, conclusion, c'est pas conclusion, il y a encore une mi-temps. Eh, hey, le Belge. Ouais. Allez, full camp, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui ont participé. Et merci surtout à ceux qui ne participent pas, car grâce à vous tous les soirs. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. On est de retour sur Fun Radio là, c'était la petite aparté, c'est un peu comme la pub. Pour le contre le reste du monde, on est de retour. Bon bah 2-0 là pour la Belgique là. Anthony ! Ouais, je suis là. Bon alors comment ça s'est passé ce deuxième but là ? Bah on a gueulé encore, j'ai écouté. Ah qui a mis le but ? Lukaku à la 103ème. Ah Lukaku à la 105ème, 105ème minute là le deuxième but. 105ème. Bon bah du coup il reste un quart d'heure encore hein. Ouais ça va être dur de rester dans un fauteuil, ça va être très dur. Ah ouais mais vas-y pars en voiture là comme ça on te suit en direct dans les rues. Non pas avant après le match. Mais non mais c'est pas grave, tu vas rater un peu, c'est pas catastrophique là, c'est bon là. Là c'est plié là. Bah, là c'est quasiment plié. De quoi ? Ma mère veut pas aller avant la fin du match. Oh mais arrête. Passe tout ta mère. Ça lui dérange pas que tu te fasses casser le cul toi. Ouais. Et elle passe sait que mère. Les hommes qui aiment les hommes ta mère. Mais oui certainement. Tu vas faire ça dans les rues ou pas après ? Ouais. Non ? Ouais, ça c'est ça après ouais. Bah voilà, ça va être pas mal. Supportable. Peux... Ah non, il va faire ça lui. Attends, la vieille bagnole. T'as quoi comme voiture, Anthony ? Une Porsche. Hyundai. Ouais. Bon, ça représente pas bien la Belgique, mais enfin bon, on fera avec, hein, c'est pas très grave. Y a pas de souci. Bon. Et ben voilà, bah écoute, Anthony, passe une bonne soirée, hein. Bah vous aussi. On te récupère peut-être si on est encore là, du coup, on verra bien. D'accord, ça va. Bon, allez, salut Anthony. Salut. Allez, ciao à toi. Bon, et ben voilà, les choses sont pliées là maintenant. Donc pour ceux qui ont décidé de choisir le maillot avec la Belgique, on va attendre également. Mais on sait jamais. Qu'il y a une petite étoile en sus à mettre dessus là. Et donc tout ce qui peut arriver, enfin tout ce qui peut, non, mais ce qui pourrait arriver, c'est un Belgique-France. En finale, ouais, c'est. Putain, finale c'est pas possible. Finale Belgique-France, ça peut être énorme. Ouais, final, ce serait. Oh, ce serait. Oh là là. Ah, ce serait pas mal. Ce serait la fête. Exactement. Il y a Coucou qui dit Mickaël, ça pour fait. Pour moi, parce que je pourrais mettre une cartouche ascendante. Oui. Non, faut que la Belgique gagne. Ah merde. Faut que je la Belgique que soit juste... championne du monde pour que tu puisses mettre une cartouche ascendante. Et une couille aussi, si tu veux, peu importe. Putain, si j'avais les moyens, j'achète la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, ouais. Mickaël, ça fait un an que je vous écoute, je vous ai ramené 16 auditeurs, est-ce que je peux avoir un message de bienvenue ? Bah toi tu vas en avoir un bon, tiens, attends une seconde. Pour le coup, je vais t'en mettre un bien comme il faut. Alors attends, laisse-moi choisir le meilleur. But de qui ? Des États-Unis ? C'est pas sérieux. Ouais, d'entrée en jeu, c'est le petit jeune. Putain, tu sais que j'allais dire bon bah on va s'arrêter là machin, là mais non, c'est bon. En Coupe du monde. Putain, même chose que l'Algérie hier. 2-1 quoi, dans les prolongations là. Pas terminé. Bon bah ça n'est pas terminé, du coup on reste. Ah bah oui. Qu'est-ce que se passe le premier ballon, Julien? Bon du coup on va rester, c'est pas grave. Bon tu voulais un message de bienvenue, tiens. Alors attends, je vais t'en mettre un, mais non je suis énervé en plus là. Attends, tiens voilà. Bah, écoute-moi petit merdeux, tu sais quoi, tu vas aller te faire enculer, ta mère elle va te faire enculer, tu vas aller te faire enculer, et tu nous casses pas les couilles, ok? Ouais, voilà, comme ça tu l'as eu ton petit message de bienvenue là. Oh putain, l'angoisse. Oh je suis vénère. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, ça va bien se passer. Bon, ce que je propose c'est qu'on se mette le son de Both maintenant avec Straight Online. À moins qu'on mette, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre là? Ah il est bien le Both, il est bien. Le Both il est pas mal hein. Il est pas mal, ça me paraît pas mal un petit Both là. Bon on se met ça et puis on revient juste après sur Fun Radio. Dernière ligne droite hein. Après on va penser à partir hein. Hein, bah il serait temps. Bah ouais, après il serait peut-être temps de laisser Partyphone prendre ses marques là. Oh, on est tranquille. 2-1 pour l'instant en Belgique, États-Unis, c'est les prolongations. Il reste 13 minutes de jeu, on vous tient en jus, minuit 18 sur Fun. C'est parti, Both maintenant sur Fun. Il est minuit 21 sur Fun Radio. On est en direct comme tous les soirs dans toute la France, minuit 21 avec but des USA donc à l'instant. Vient d'arriver là. C'est 2-1 donc pour la Belgique. Il reste 10 petites minutes maintenant. Et puis continuez avec vos messages hein. Et Mickaël et votre message au 64 900. Sur le Twitter également avec le hashtag Et Mickaël 20h minuit sur Fun. Il y a Party Fun qui va débarquer dans quelques instants aussi sur Fun Radio. Et puis du coup tiens, on n'a pas fait le... Du coup on est à la bourre aussi hein. Enfin quoi que non en fait hein. On est presque en temps normal quand on fait l'émission d'habitude 23h-2h. Oui c'est vrai. Puisqu'il y a nos amis les teubés de la télé qui sont là aussi d'ailleurs hein. Et puis en attendant la fin du match, j'avais dit qu'on resterait jusqu'à la fin, comme ça au moins vous êtes tenus au jus si jamais vous suivez. Les teubés de la télé, donc vous savez qu'on aime bien regarder la télé. Oui. Qu'on oui. aime bien les émissions débiles. Bah oui, il faut. De préférence, faut passer le temps un petit peu quand même, hein, de temps en temps, voilà, c'est ça. Et puis là, c'est dans les anges, hein, c'est toujours le grand amour. Arrête de faire ta diva et occupe-toi un peu de la maison quand tu es. Ta diva, bon. Tu m'as pris pour qui toi ? Je suis pas Mariah Carey, moi. Non, ça c'est clair. Ça veut dire quoi ça ? tu veux te prendre le pain au chocolat dans la gueule? Ah oui, c'est le même qu'hier, ça, le pain au chocolat dans la gueule. Hein. Nous avons un petit problème. Ah bah oui, nous avons un petit problème, on n'a pas les bons sons, c'est tout, c'est pas un petit problème. C'est juste qu'ils sont pas là. Tu vois, pour une fois, je voulais faire plus ou moins à l'heure, ouais. On m'a saboté le travail. Bah oui. C'est du sabotage. Saloperie, il y a une taupe dans la radio. C'est, oui, oui, je pense également. Ouais. C'est du pur sabotage, pur et simple. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bon, bah du coup, on va se faire party fun. Je pense que ça sert à rien d'aller plus loin parce que. Ça va leur porter la poisse. Sauf surtout que c'est comme c'est un poissard, il va porter la poisse. Ouais, ouais, je pense que ça va plus leur porter la poisse qu'autre chose. Ouais. On va se faire le générique de fin avec plein de monde. Mais attends, ils veulent tous faire le générique de fin là? Ouais. Vous êtes tous là? C'est connard. Ouais, fils de pute. Eh, oh. Hey, qui a dit fils de pute? Les planchettes. Qui a dit fils de pute? Il est chaud les planchettes. Brian. Eh, Brian. Quoi? Eh, c'est pas Polo ici, hein. Il y a le fou des planchettes aussi. Oh. Attention, hein, moi aussi je vais mettre des planchettes dans le fion là, attention. Bon. Oh, vas-y, bon. Moi j'ai des planchettes. Ouais. On est deux des planchettes, on t'en tue, Sarah, ça toute ton équipe. Moi je suis du plancher. On t'emmerde, nous on est du plancher. Moi aussi je suis du plancher, moi j'encule tout le monde au plancher, d'accord? Fais attention. Ouais, moi aussi, ouais. Va te faire enculer, connard. Voilà. Va te enculer, gros bâtard. Eh bah oui, carrément, ouais. Bon, ah oh putain. Et ça a failli être le but pour les États-Unis encore une fois. Bon, vous êtes prêts pour... Ferme-moi le visage. C'est relou la grosse là. Bon. Ah, la grosse, elle t'en cul. Bon, vous êtes prêts pour le générique de fin? Tu verras. Oh putain. Ça va pas être facile, hein, je vous l'annonce. Hein. Allez, c'est parti, écoutez bien, on y va. L'enculé, tant que tu tournes, donc y'a vraiment personne qui encule comme toi. De merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton nom toute la journée. Michael, moi je vois la vie. Elle peut savoir chanter aussi, va. Pour la grosse chienne. Michael, rase-moi la chatte. Michael, te veux enculer, te veux se faire enculer par un chien. Polo, la grosse chienne. Michael, rase-moi la chatte. Polo, il se fait déglinguer dans ses chaussettes. N'importe quoi. Ouais, ma mouille. Et oui, mon chéri, oui, ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, taf te sucer, toi l'enculé. T'es un enculé, t'es un enculé. Enculé. Mon dieu, c'était le pire générique de toute l'histoire. N'importe quoi. Grand-mère, enculé de Michael de merde. Michael, rase-moi ma chatte. Eh, les planchettes. Ouais, ma couille, ça va. Il est là, les planchettes. Tiens, regarde, les planchettes. Les planchettes. Voilà. Il est parti. Il y en a un autre, là. Qui c'est qui a des planchettes, là? Il y a encore un des planchettes. Oh, la grosse, il est relou, là. Brian. Ta gueule, la grosse. Brian, t'es des planchettes? Bah oui, je suis des planchettes, fils de pute, vas-y, raccroche. Voilà, hop, un en moins là. Qui va là? Qui en a encore un là? Aurélien, la douce fada ou la grosse là? Il y en a un qui a encore quelque chose à dire ou il faut que je lui fasse son affaire aussi là? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? La gueule! La grosse, tais-toi! Aurélien! T'as un truc à dire là, Aurélien? Ouais, la gueule, la grosse! Ah, il est relou lui! Ça va venir moi, Michael! Bon, allez hop! Terminé, on s'est débarrassé de la grosse aussi. Aurélien, encore un truc à dire? Ouais, je peux voir un pack fun ou pas? T'es sérieux là? Après le drame que tu nous as fait à l'antenne en chantant comme une passoire là? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Enfin, un passoire, une casserole plutôt, hein, comme un con. Donc, et tu veux un pack fun? Ouais, enfin, tu veux. Allez, fais ce que tu veux. Si Mickaël est d'accord, tu en auras un. Demande à Polo. Dieu Polo, est-ce que je peux en avoir un? Non, tu as blasphémé, tu n'en auras pas. Oh mais allez fous le camp. Oui, on va te repasser Sandro, on va prendre tes coordonnées Aurélien. Bon, salut Aurélien. Salut Mickaël. Bon allez, ciao à toi Aurélien, bye. Et puis la douce Fala. Oh Mickaël. Bon, t'as pas été bonne hein, comme hier hein. Mais si, c'est moi qui ai tout rattrapé, wesh. Non, mais t'es sérieuse, la douce Fada, là. Oh là, vous avez été tous été mauvais ce soir avec le générique. Ouais, la douce Fada. Dis-moi un truc. Dis-moi. Alors, nique les gens des plancheries, nique les Allemands, et gros big up à Samir, les Cédric et Mr. Steven. Très bien. Eh ben, on embrasse tout le monde, y a pas de problème. Nique les Allemands. Nique les Allemands parce qu'ils ont gagné hier contre l'Algérie, c'est ça? Mais ouais, en plus c'est non, mais il était gagné, ouais. Mais ça se fait pas. Attends, si les États-Unis gagnent contre la Belgique, je vais pas aller les insulter, hein. C'est ouais, putain de bouffeur de burger. Oh, c'est pour rien. Bon, allez, salut la douce fada. Bisous. Ciao à toi, la douce fada. Bon, eh ben voilà. Et c'était chaotique, j'annonce, hein, c'était chaotique le générique de fin. Une là. Catastrophe. Une catastrophe, mais un truc de dingue. Enfin bref. Bon, nous on va se retrouver demain en pleine forme sur Fun Radio à partir de 20h, horaire d'été bien sûr, puisque le VinFun est déjà en vacances. Nous on sera là jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, c'est-à-dire jusqu'au 13 juillet. Si demain vous avez envie de discuter avec nous, si vous avez envie de délirer avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Demain on aura encore des maillots de foot à vous offrir, bien entendu. On aura aussi les tablettes Asus MemoPad 10 qu'on vous offrira encore demain dès 20h, juste après JB, hein, avec les vannes de JB. Là. Hein, le plus heures. Mauvais animateur du monde. Il va être content, tiens. Et il a été décrit comme ça par les Américains. Ah oui, c'est vrai, si les Américains le disent, alors ouais. Tout va bien. Bon, Toff, qui va faire quoi ce soir là? Ouais, je vais regarder la fin du match. Ah bah oui, bah évidemment, bah c'est, en même temps c'est plié dans 3 minutes, hein, sauf si encore un but américain, là il y aura des prolongations, on n'est pas dans la merde. Polo, lui, qui va? Ah bah il va aller fêter la victoire de la Belgique sur les Champs-Elysées. Il va aller dormir. Parce qu'il a un drapeau belge, hein. Bah on va sortir l'autolib là. Bah oui, c'est ça. On va tourner sur les champs. Exactement, avec la musique à fond, avec la musique belge. On va klaxonner. Avec le grand Jojo à fond. Voilà. Et il va être au top, ça va être génial. Grand Jojo. Bah oui, c'est bon. Et Sandro qui va faire quoi? Bah je vais aller avec les mecs, je vais monter sur le toit. Ah bah évidemment, puisque cool. Je rappelle que si la Belgique est championne du monde, Sandro a accepté donc de se faire fourrer. Voilà, c'est ça. Elle a accepté que Toff lui mette une cartouche. Que c'est délicat. Ouais, c'est toujours très délicat. Bah je serai dans tout dans la délicatesse. Hein. Ah ouais, il va faire ça tel un homme amoureux. Ah oui. Ça va être magnifique. Je te montrerai tout l'amour de cette Coupe du Monde. Ça va être magnifique. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Demain, on se retrouve à partir de 20h. On remercie, on embrasse. Oh, on n'a pas fait le top tweetos. Oh merde. Tu l'as là ou pas en speed? Bien sûr. Bon, allez, désolé, vite fait pour quand même offrir le cadeau à celui qui a été le plus influent ce soir avec le hashtag MIKL 20h minuit sur Fun. C'est parti. Attention, numéro 5. Benjamin. Numéro 4. Ness. Numéro 3, Nadia Le Prince. Numéro 2, Virginie 66. Et numéro 1, Mr Steven. Qui a déjà gagné, Mr Steven, il me semble. Oui, il me semble aussi. Ouais, tant pis. Bon, on va aller voir celui qui n'a pas encore gagné dans le classement, hein, celui qui est le plus haut, qui n'a pas encore gagné. Et ben voilà, celui-là repartira avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Sextoy d'une valeur de 100 euros quasiment. Ah, voilà. Enfin, ça dépend lequel il prend, mais si mais c'est celui moins. Avec la petite télécommande, le petit vibro à distance, tout ça, etc., ça peut être énorme. Et toi, à tester le vibro à distance, ça marche plutôt bien. Ah, j'adore. Voilà, très bien. Allez, bonne nuit tout le monde, on se retrouve demain à partir de 20h. Salut. Et puis il reste 30 secondes pour la Belgique, je pense qu'on peut partir en dormant tranquille. 2-1 pour les Belges, à demain tout le monde à partir de 20h. Salut. Bah quand tu veux Martial pour pousser sur le bouton. Hein. Allez, ciao. Joachim Garou, DJ Havan Abraham, Grégory Klossmann, Sébastien Bennett, Mike Candice, Hardwell, Nicky Romero. One!